Donc souvenez-vous que Satan ne fait rien par créateur. Ce qu'il voit Dieu faire, c'est ce qu'il fait. Ce qu'on appelle le voyage astral, c'est exactement ce que Dieu a fait avec Ézéchiel. C'est n'est-ce pas? C'est ce que Dieu a fait. C'est que vous entendez qu'on a tiré ce qu'on parle, mais il a disparu. C'est ce que Dieu a fait avec Philippe. Il dit Philippe dans l'évangéliste, que Dieu a enlevé. Pas Philippe, toi. Pour le moment, t'as pas arrivé. Dieu a enlevé, on ne pas le mettre de côté là-bas, que va Azor là-bas annoncer l'évangile. Mais voici la différence. Et je vais m'entraîner là-bas chaque fois. Voici la différence. Chez les satanistes, ils font des processus, parce que et tous les processus qu'ils vont faire, c'est quelque chose qui est contraire à la Bible. Parce que la Bible déclare qu'on ne doit pas invoquer un esprit. Pour le cas d'Ézéchiel, Ézéchiel n'a jamais voulu aller à Jérusalem. Il est resté. Dieu, dans sa souveraineté, a décidé selon son plan pour que nous sachions aujourd'hui. Il a déplacé pour mettre là-bas afin que l'écriture soit écrite. Philippe n'a jamais dit que comment il veut faire, il faut qu'il disparaisse maintenant comme ça. Il n'a jamais fait ça. Dieu a décidé par rapport à son plan, par rapport à son timing, il a déplacé le maître là-bas. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire ceci. Chez les satanistes, comme par exemple, il racontait par exemple qu'il pouvait faire le ménage sans toucher quoi que ce soit. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que si les satanistes pouvaient comprendre ces principes, et même les satanistes chevronnés connaissent. À l'instant tu as franchi le monde spirituel de Satan. À l'instant tu as franchi ce monde spirituel. Je vais encore recommencer quelque chose pour que vous sachiez de qui je suis votre frère. Je n'ai jamais été d'une façon ou d'une autre mêlé à une loge satanique. Il faut qu'on soit clair. D'accord, frère? Souvent moi-même, je suis surpris au milieu de vous pendant que j'en ai parlé ainsi. Je suis surpris au milieu de vous. Maintenant, je suis dit ceci. Les satanistes, les plus chevronnés connaissent ce principe-ci. C'est que, quel que soit, à l'instant où tu es arrivé, à un certain grade, c'est un peu comme chez les militaires. Quand tu es arrivé à un certain grade, il y a des gens qui sont attachés à ton service. Vous savez, n'est-ce pas? Les hauts gradés ont des gens qui sont attachés à son service. Chez lui, ça serait, il peut avoir un chauffeur, mais qui est militaire. Ouais, les voitures militaires, c'est un militaire qui entre conduit. Mais c'est un autre militaire qui est à l'intérieur. C'est chez eux, il faut qu'il est militaire au portail. Vous comprenez? Même chose chez les satanistes. Les satanistes, les hauts gradés de Satan ont automatiquement les démons à l'air. Donc en quelques secondes, en fait, comme ils sont des marchés, ils ont les démons à côté, des cohortes démoniaques à côté d'eux. Parce que si vous êtes sensible à l'esprit, le simple fait que vous venez à côté de la personne, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, eux-mêmes d'abord, ils évitent les gens comme nous. Parce que quand on marche aussi, de toute façon, les satanistes, eux donc. Donc les satanistes, quand ils font comme ça, chaque geste qu'ils veulent faire, c'est un démon qui fait. Mais le problème, c'est que si tu es à côté de lui, tu vois le geste. Tu vois, quand tu vas dire, waouh, c'est ce qui s'est fait dans les cirques, vous avez, vous appelez France 2, a une émission les samedis, une émission où les gens s'essayent à table, les gens vont faire la prestation, comment vous appelez? Prestation. Ils font les choses, les pigeons sortent, d'autres entrent dans un truc, on les tranche, après on voit vraiment ça colle. Ce n'est pas de la, c'est pas de la fiction, on coupe vraiment. Il prend le mouchoir, comme ça, vap. Tu vois vraiment le mouchoir, comme ça, vap. Il fait ça, vap. Ça vole, le pigeon vole. C'est exactement ce qu'il fait. Mais ce n'est pas lui qui fait, ce sont les démons qui sont assignés à lui. Je vais vous raconter une histoire qui est personnelle, que moi-même j'ai vécue. Et si ce n'est pas les ondits. J'ai ma grande soeur avec qui nous allions au marché un de ces jours, quand on était petit. Elle avait son pain, un vieux pain comme ça qu'elle attachait toujours. Il y avait des gens qui avaient le tantam, un style d'Aoussa qui avait le tantam. Ils ont un cercueil comme ça. Un cercueil qu'ils ont mis de côté. Et ils ont des sacs de l'autre côté là-bas avec les papiers journaux qu'ils ont emballés. Ils t'appellent Aladji Dodo. Aladji Dodo, Aladji Dodo. Vous savez, c'est la première et la dernière fois que je vais séjourner à personne comme ça. Aladji Dodo, il y a quelqu'un qui fait un. Je dis, c'est quoi cette histoire? Alors ma soeur et moi, nous attrapons. Vous savez, quand on fait ça, il y a l'attroupement. Il y a le cercueil là-bas. Souvenez-vous de ceci. La réalité du monde spirituel de Satan. Maintenant, à cette position, je peux savoir exactement ce qui se passe là-dedans. Alors, ma soeur, ils ont fait comme ça là. Ma soeur, vous savez, on était petite comme ça. Ma soeur était un peu plus comme cette jeune fille-ci. Et moi, j'étais encore plus petite. Le garçon, quand ils étaient deux, il y a l'autre qui tape. Il y a l'autre qui a le gandoura, qui fait les choses. Il est venu vers ma soeur, il a pris son pain, il a attrapé comme ça. Ma soeur avait peur, il a tiré. Ça s'est détaché sur ma soeur. Il a déchiré comme ça devant moi. Moi-même, je voyais. L'autre, si on ne raconte pas. Moi-même, je voyais. On a tourné le cercueil comme ça, le cercueil est vide. C'est pas la nuit. Pourquoi vous dites qu'il a fait comme ça là, enlevé dans lui? Est-ce que vous saisissez? Il est allé brûler, prendre la cendre devant lui, comme ça, verser dans le cercueil, là, couvrir avec le drap, un drap blanc. Il a pris un poudre comme ça, versé à l'intérieur. L'autre tapait. Bien aimé, le drap gonflait. Le cercueil, là, Ça a commencé à gonfler. Un temps, il dit que va dit à quelqu'un qui va tester. Le gars teste, il y a encore rien là-bas. Il fait en pleine journée là. Subitement, le drap qui était là-bas, le soleil a commencé à gonfler comme si quelque chose était plein. On a ouvert comme ça. Il y avait les ballots des mêmes tissus qu'il a brûlé comme ça là, au moins 400. Donc ici, je n'ai pas. J'ai pas entendu qu'on a raconté. J'ai vu de mes propres yeux. C'est-à-dire qu'on a repris comme ça. Vous savez qu'on emballe les pains avec le papier journaux. C'est comme ça, comme c'était le pain qu'on a emballé. Est-ce que vous comprenez? Donc il y avait ça plein comme ça dans le cercueil. Il enlevait comme ça. Chacun prenait, vous ouvrez, c'était le même pain de ma soeur qu'on a déchiré tout à l'heure là. C'était neuf. Et entièrement, comme on vend les pains au fond là, c'était comme ça. La question que je me pose maintenant, et je vous pose maintenant, où est-ce que ce pain-là est sorti? Où est-ce que c'est sorti? Il y a des gens que vous voyez chez lui, vous allez n'importe où, ils disent que chaque fois quand tu as faim, on va prendre l'argent à tel endroit. Tu ouvres, chaque fois tu vois l'argent, tu prends l'argent, tu manges l'argent là-bas, t'as pas bien. L'argent vient toujours là-bas. Et vous allez à la banque, on met ça dans le rayon, on dit que c'est le vrai argent. Où est-ce que ça part? C'est pour cela que les premiers sorciers, ce sont des banquiers. C'est pour cela. Les premiers sorciers. Plus tu travailles à la banque et tu travailles là où c'est proche de l'argent, plus on ne peut pas t'admettre si tu n'entres pas dans le cercle satanique. Je vais encore recommencer cela. Souvenez-vous, je n'ai jamais été dans le monde des ténèbres. Plus vous avancez dans le monde des ténèbres. C'est pour cela que si tu travailles sur cette DSI, tu affrontes déjà les milliards, vous montez, vous descendez, vous allez n'importe quel endroit, on va vous contacter. Vous montez, vous descendez, on va vous contacter. Donc si quelqu'un a les milliards, soit on casse les milliards, soit il entre là-dedans. Donc les gens que vous voyez, vous commencez à dire, ah celui-ci est bon, celui-ci est bon. Il est simple. Le serpent lui-même, il ne dérange pas. Donc, si je suis en Église ici, d'où venait le pain que celui-là a eu? Ou mieux, les gens qui ont de l'argent qui chez eux constamment, où le serpent vous met. Le serpent prend l'argent où? Il vole dans les banques. Il vole dans les banques. C'est pour cela donc que les banquiers eux-mêmes, sachant que les démons volent les banques dans leurs billets, ce n'est pas la question de forteresse ou le coffre que vous mettez. Mettez les lasers là-bas. Le démon s'en fout du laser. Mettez les caméras. Il regarde la caméra, il peut pas voler l'argent. Alors, au-delà des surveillances humaines qu'on met, les bodyguards que vous voyez partout là-bas, les bombes, les trucs qu'on met là-bas, le code qu'on met là-bas, ils savent que les plus dangereux, c'est seulement à pouvoir dissuasif. C'est-à-dire que les méthodes qu'on met là, c'est dissuader les gens qui peuvent venir casser là-bas et partir physiquement. Il dit bien, d'abord, je vais vous indiquer quelque chose. Écoutez très bien. Si vous allez en ville, dans les magasins ici à Accra, les magasins des Libanais et tous les Occidentaux, observez très bien, si vous entrez, n'entrez plus n'importe où pour acheter n'importe quoi, n'importe comment maintenant, à partir de maintenant. Si vous entrez dans ces gens-là, vous allez voir qu'ils ont toujours un hôtel quelque part, soit derrière eux, soutenu vers la caisse. Vous allez remarquer qu'il y a des petites statues là-bas. Ce sont des démons terribles, donc c'est ceux qui contrôlent le lieu. Tu voles un appareil, tu ne sortiras pas là-bas vivant. Tu prends n'importe quoi, même si un fil là-bas, tu pars, tu ne sortiras pas vivant. Parce qu'il n'a pas quitté son pays pour venir ici pour blaguer. C'est frère, la réalité du monde spirituel de Satan. Donc, faites attention. Le monde spirituel est réel. Satan a ses agents. Et ses agents sont humains parmi nous. Et d'autres prennent donc les démons pour bodyguard. Comme Dieu, par son esprit, est censé camper autour de nous, en nous et autour de nous, ainsi en est-il de Satan. Il protège. Souvenez-vous de le témoin frère Joseph. Quand celui-là te regarde comme ça, là, tu tombes. Qui en est de faire? Quand le frère si regarde le truc, on appelle ça la lévitation, c'est-à-dire qu'il porte le truc, la suspension. Le moment va arriver. Quand je vais parler des doctrines des moyens orientés, je vais vous mettre les vidéos là, vous allez voir. Vous allez voir comment il se concentre, il est au sol comme ça. Ce n'est pas la blague, il monte du sol comme ça. C'est-à-dire qu'il est assis comme ça là, avec le pied croisé. Il ferme les yeux, tu vois, il se lève du sol, il se suspend comme ça au moins pour 5 minutes. Après, il descend doucement. L'autre, il y a des gens qui ont des kystes ovariens, les femmes. On le couche sur la table, il vient sans couteau. Il y a la caméra, c'est pas la qualité, c'est pas le trucage. Il y a la caméra. Il fait comme ça, il met la main dessus, il fait comme ça. Son médecin assistant est là-bas, il fait comme ça là. Il fait comme ça. Vop, la main entre dans le ventre. Il tisse ça sort. Vop, tu vois comment ça sort du ventre. Il fait comme ça. Vop, il fait comme ça. Jusqu'à ce quand c'est tiré, c'est bien tiré comme ça. Tu vois son ventre, il y a le sang sur son ventre, il n'y a pas de blessure. Ça, ce sont les satanistes. C'est le Moyen-Orient. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 8, verset 19 que c'est tout ça là, ça vient de l'Orient. Souvenez-vous, vous retracez son histoire, vous allez trouver que ça vient de Babylone. C'est pour ça que ça va finir à Babylone. Et les Israélites ont hérité tout cela. Donc, dédoublement, c'est possible. Comment vous dites-vous donc que vous voyez quelqu'un, un serviteur venir pour vous prier, alors qu'il est en train de dormir chez lui tranquillement avec sa femme? Vous dites que c'est qui? Hein, mes frères? Ok, que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes à la cinquième partie, ça concerne l'église. Dans la cinquième partie la réalité du monde spirituel de Satan. N'est-ce pas, bien-aimé? Souvenez-vous le pourquoi. Je vais vous les rappeler. Le pourquoi le Seigneur a suscité cet enseignement, c'est dans l'optique d'aller dans nos vies, pointer la torche, la lumière de la parole là-dessus, illuminer tout ce que Satan essaie de cacher dans nos vies afin de les ramener dans le futur maintenant, couper afin que nous avancions avec lui. Vous convenez avec moi que vous dites, Seigneur, je veux le Saint-Esprit, je veux le Saint-Esprit, scelle-moi. On ne peut pas fermer le conteneur alors qu'il y a les whisky dedans. Vous vous souvenez de l'histoire que j'ai racontée ici? Ça ne peut pas se fermer. Pour que Dieu mette son cachet, vous savez, je vous ai expliqué ça la dernière fois. Le conteneur là, pour que ça voyage, pour qu'on met le scellé, pour que ça passe à la douane. Le douanier se met là-bas, on ouvre le conteneur, on fait le check-up, si tout ce qui est mentionné sur la feuille, c'est ça. Après ça, il met son cachet ici pour dire que vu et approuvé. Quand il met le cachet rond, pour qu'on montre c'est l'état, après il met sa signature, pour qu'on montre parce que sa signature fait foi. S'il y a quelque chose, ça répond, ça tombe sur lui. Et les choses ont des souches. Il y a des numéros qu'on affecte dans les carnets. C'est ça, n'est-ce pas? Alors là-bas, c'est le scellé qu'il a mis là-bas, c'est pour dire c'est bon. Si c'est bon, tu as un décret qui dit que c'est bon. Tu marques n'importe où. Vous êtes dans votre volant. Vous passez un péage de douane. Le douanier vient, halte, douane. Vous présentez la fiche. Il regarde. Il dit que c'est l'inspecteur des douanes tel qu'il a fait sa propre. Si c'est lui-là a signé, ça se pose que c'est bon. Donc c'est scellé. Alors vous dites, je veux le Saint-Esprit, je vais te sceller. On ouvre son conteneur. Le Seigneur est en train de passer au check-up maintenant. Il dit que qu'aucune impurité ne soit même pas mentionnée dans votre conteneur. Et regarde là-bas, il y a l'impurité, c'est grave. Il dit, mon cher ami, il y a l'impurité dans ton conteneur. Il faut que le problème de l'impurité soit résolu pour que le conteneur soit fermé. Normalement, si on est dans un pays qui se respecte, ça ne bougera pas de là. On est d'accord? Donc, tu ne bougeras pas de la terre pour aller dans l'enlèvement tant que ce n'est pas réglé. Si c'est réglé, le conteneur est fermé. Donc, ça veut dire que quelqu'un dit passeport pour l'éternité. C'est pour cela que la Bible déclare dans ces Hébreux, Éphésiens chapitre 4, verset 30, que le Saint-Esprit parle lequel vous avez été scellé pour la rédemption. Si les gens comprennent ces chats d'évangile, ils comprendront pour toujours ce que Dieu veut dire. Il veut dire que quand tu as le baptême du Saint-Esprit, tu iras certainement et très certainement aussi, et rien ne peut plus jamais t'empêcher. C'est ce qu'il dit dans ces versets. Le Saint-Esprit parle lequel vous avez été scellé pour. Mais c'est merveilleux, frère. Si nous comprenons ces gens de versets, nous allons tourner tout autour là-bas jusqu'à ce qu'on soit scellé. Qu'on ne laisse pas quoi que ce soit nous distraire pour cela. C'est les pour. C'est pas vrai ça, frère? Quand tu as ton passeport, ton visa dans ta quoi? Dans ton passeport, c'est pour. Pas vrai? Le visa, c'est pour. Alors, dis que mon visa est quoi? Mon passeport est sorti. Va un peu voyager en Amérique avec le passeport sans visa, voir. Tu saurais de quoi il est question. Donc, quand il prend les exemples, c'est pour vous comprendre le langage biblique. Parce que je sais très bien qu'il y a des choses qu'on a tellement enseignées que c'est tellement embrouillé. Ce sont ces choses qui font le temps que vous avez. Quelqu'un va se mettre aujourd'hui, on dit qu'on ne peut pas être le salut. L'autre dit qu'on ne peut pas payer le salut. Ça embrouille les gens. Parce qu'on ne comprend pas. Si on avance jusqu'à ce niveau-ci, tu sauras effectivement que ce n'est pas possible que tu sois perdu. Parce que tu ne peux pas perdre. Parce que ceux-ci, ce sont ces brebis qui entendent sa voix. Parce que le Saint-Esprit de monde doit te conduire en ce moment-ci dans toute la vérité. Si tu es dans toute la vérité, c'est plus possible que la vérité sur la révélation de ton salut parfait en Jésus-Christ t'écrase encore des problèmes. D'accord? Alors, maintenant, je vais lire le livre d'Isaïe au chapitre 27. Je vais lire le premier verset seulement. Et puis, on va avancer avec les réalités du monde spirituel de Satan. Comme vous n'avez pas le... Mais vous qui êtes dans la lumière, je vais lire dans Isaïe. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Donc, je vais prendre deux passages ce soir. Lire et laissons que le Seigneur nous guide lui-même. Pas vrai? Nous lui faisons confiance. Livre du prophète Isaïe, chapitre 27, le premier verset. Isaïe, chapitre 27, le premier verset. La Bible déclare, si vous prenez à partir du chapitre 26 même déjà, ça finit, le verset, chapitre 26 finit au verset 21. Je vais prendre à partir du verset 21, donc le dernier verset du chapitre 26, puis je vais entamer avec le premier verset du chapitre 27, d'accord? Donc, je commence à partir du chapitre 21. Normalement, le rouleau original n'a pas de fait verset, ce qui nous dira le problème ici. Donc, si vous lisez, la chose qu'on dit au chapitre 27, verset 1, commence à partir du verset 21 du chapitre 26. D'accord? Ok, maintenant on dit, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Car voici le Seigneur l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Vous y êtes? Et la terre mettra le sang en nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. La terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus le meurtre. Verset 20, chapitre 27 maintenant. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan. Serpent fier, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Deux personnages principaux dont Dieu va devoir traiter avec eux. Celui qui contrôle la mer et le Léviathan qui fuit de toi et routier ou de me promener sur la terre. Le serpent fuyant. Donc Dieu dit qu'il y a un jour, il va régler son compte. L'apôtre Paul le dit autrement dans Romains chapitre 16, le verset 20. Il dit que Dieu lui-même détruira bientôt Satan, écrasera, c'est le mot qu'il utilise. Écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Il va le faire bientôt. C'est de lui dont il est question. Le serpent fuyant, le serpent tortueux. Celui qui prend les voies tortueux. On parle de lui, le Léviathan. Après, il dit, non seulement il va traiter avec lui, il dit qu'il va aussi traiter avec le monstre qui se trouve dans la mer. Il a eu des confrontations une fois avec lui, le gars, il a résisté, n'a pas voulu laisser partir le peuple d'Israël. Il a frappé là-bas dans la mer. Il était obligé d'écarter. C'est lui que les gens contactent dans la mer, c'est lui dont on parle dans, là-bas. Vous savez, en bas, là-bas, c'est divisé en 7 niveaux. Vous savez au moins ça. Et c'est vrai qu'on n'avait pas encore été sorcier. C'est divisé en 7 niveaux là-bas. Plus vous descendez, plus vous avez les reines et des déesses puissantes, remplies de la puissance satanique diabolique. Le 7e, non, c'est le 7e, le dernier niveau en bas là. Il parle des villages, frère. Les villages se trouvent en bas. Vous avez entendu parler de triangle du cap de Bermude. Vous avez entendu parler de cela. Ça a bouleversé les scientifiques parce qu'ils ne savent pas que ce sont les portes, les endroits où Satan entre. Donc il y a le quartier général en bas là-bas. Là-bas, on peut parler là-bas avec le corps physique. Vous allez là-bas de cette façon-là, vous mourrez. Mais ce sont des endroits où vous voyez que les phénomènes anormaux se passent là-bas. Les avions passent dans cette zone-là, ça disparaît. Les bateaux disparaissent. On ne voit plus jamais. Mais ils sont vivants. Voici pourquoi la Bible déclare que la mer rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé. C'est ça, frère? Pas que ça va. Vous allez aller en bordure, vous allez voir les cadavres là-bas. C'est pas ça. Il y a des gens, des habitants sous la terre. Il y a des gens qui ont servi Satan avec la puissance des eaux. S'ils meurent, leurs âmes vont là-bas, ils continuent là-bas. Donc, tous les traditionnels, les chefs d'Ola que vous entendez qui meurent là-bas, c'est dans les eaux qu'ils ont, leur âme est enfermée. Le jour où Dieu va les appeler en jugement. Vous savez, il y a d'autres ici, à Kwaïo là-bas, qui marchaient sur les eaux. Vous savez ça, n'est-ce pas? Mm-hmm. Vous parlez de dédoublement. Il a 12 chefs, celui-là, tu viens chez lui, tu vois 12 personnes assises sur la chaise, les mêmes personnes. Ok. Donc maintenant, pour lui, c'est le crocodile. Le crocodile. C'est ça qui contrôle la Dika. Crocodile. C'est son symbole là-bas. Donc vous voyez là-bas, vous allez voir, si vous entrez même dans son château, vous allez voir le crocodile se promener. Vous croyez que c'est le crocodile ordinaire. C'est le chef qui contrôle la maison. Donc vous tentez, elle va vous dire de quoi il est question. Elle ne fait pas le bâton, le taper. Donc on peut avancer ce soir, n'est-ce pas? Avançons encore. Donc vous avez gardé à l'esprit. En fait, je vais vous montrer ceci. Qu'en toute chose, quelles que soient les puissances que Satan a, quelle que soit la toute autorité qu'il a, souvenez-vous, Dieu a déjà fixé son décret. La Bible déclare qu'elle va sortir de sa demeure. Vous savez, lisez ceci, maintenant vous comparez avec Apocalypse chapitre 20. Quand elle va sortir, Apocalypse chapitre 20 dit clairement qu'un ange va sortir du ciel, le lier. Donc c'est écrit de lui, et c'est ce que c'est Ésaïe chapitre 27 en train de dire. Dieu va le frapper pour toujours. D'accord, bien aimé? Donc tout ce qu'il fait là, ce n'est que les soubresauts. Si vous dites, Satan est puissant, Satan est puissant, en réalité, c'est parce qu'on n'a pas encore expérimenté la vraie puissance de Dieu. Si nous expérimentons la vraie puissance de Dieu, nous saurons que l'autre là, ce n'est que la contrefaçon. Avant de lire le prochain verset que je vais lire là maintenant, je vais vous raconter quelque chose qu'il y a eu tout à l'heure avant de venir ici à la prière. Le matin, un frère ici est venu avec les 7 ans pour qu'on prie pour eux. On a prié, ils sont passés. Après, on a eu une visite d'une femme. Pendant qu'on a parlé, notre collègue parlait avec mon épouse. Je sens quelque chose, une pesanteur sur moi, comme si vous savez, quand vous allez traverser, comme si vous allez vêtir, comme si vous voulez tomber. J'ai dit à ma femme qu'il ne faut pas me reposer. Je sens qu'il ne faut pas me reposer. Je ne pourrais pas prêcher ce soir. Elle dit non, c'est que je vais t'aider à prêcher. Vous savez? Que je vais t'aider à prêcher. C'est pour dire que je suis ton aide semblable. Tu veux tomber, je vais te pousser comme ça. Là. Mais ici, c'est une autre chose, là, mes frères. Quand on se tient ici au milieu, c'est une autre chose. Donc, elle a dit que je vais t'aider. Je suis ton aide semblable. Vous savez, quand elle dit comme ça, moi, si l'eau glacée vient un peu sur mon cœur, waouh. Mais mon corps, là, vous savez, le corps dit autre chose. Je ne sais pas pourquoi ça te fait comme ça. C'est pour ça que je vous dis être conduit par le Saint-Esprit. Je vais vous dire ce qui est arrivé. Alors, si vous allez me coucher, je dis, chérie, laisse comme ça. Elle n'a pas compris. Alors, je suis allé m'allonger. Quand elle m'allonge, je vois dans un spectacle, on est en train de jouer un spectacle. Vous savez, ce que je viens de vous raconter là-bas, que quelqu'un fait quelque chose, les gens sont réunis en train de voir. Mais là-bas, c'est comme si on avait mis les gens des voitures qui ont des grands derrière. On ouvre, les gens montent là, ils dansent, ils font des choses et les gens sont en foule comme ça. C'est-à-dire que le spectacle, on met une grosse voiture ici. Il y a des gens qui montent là-dessus, ils dansent. Et puis les gens, la foule est en bas comme ça, mais ils ne sont pas assis. Ils sont debout, sont en train de voir. J'étais en train de me préparer comme ça pour venir à la prière. Je me préparais quelque part. Je ne sais pas comment ma maison était là. Vous savez, dans le domaine spirituel, vous pouvez voir. C'est comme si on zoom seulement. On zoom seulement sur vous. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai remarqué que ce qui s'est passé sur ce spectacle-là. Non, pas ça. Arrête ça. Regarde, elle a quelque chose à la main. Elle va avaler. C'est le parfum. Là. Donc, tu fermes ta bouche comme ça. Il fait le travail. C'est pourquoi je suis venu. D'accord? Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 4 personnes sur le podium. Il y avait une personne parmi. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'une personne parmi était comme le chef de ces 4-là. Je l'ai vu ramper comme vous savez, si vous voyez la télévision, il y a certains animaux qui sortent de la mer souvent. On les appelle les loups de mer ou c'est quoi, les lions de mer. Ils ont 2 dents comme ça. Comment? Les phoques. Donc ils font au sol comme ça, là. C'est comme ça qu'ils avancent, pas vrai? Le corps est comme s'il y avait la graisse. Mais c'est une personne qui faisait comme ça. Or, ce qu'il voulait faire, c'était un spectacle, mais c'était de la magie qui se produisait là-bas. J'observais, mais j'étais pas dans le, c'est comme j'étais à la maison en train de faire, mais je pouvais voir ce qui allait passer sur le plateau là-bas. Quand il a fait comme ça, il a fait un genre, il s'est retiré, waouh, il s'est mis debout, donc son corps est ruiné. Les gens ont applaudi, waouh. Après, il a fait comme ça, il a fait des incantations, il a fait, vroom. Donc il faisait son corps, subitement, les poils sortent sur lui. Vous comprenez ce que je viens de dire? Il n'y a pas de rideau qui fait que les gens sont là, ils vous observent seulement comment ils changent de temps en temps, ils changent. Après, les danseurs qui étaient devant ça, il y avait 2 ici, de ce côté, lui, il était au milieu. Il faisait, waouh. Quand il faisait, il s'échangeait, il changeait les 2 autres et les 2 autres. Et j'ai vu l'un à l'extrémité était un blanc parce qu'il avait le vert, l'autre à l'extrémité était un guinguerou. Celui-là, lorsqu'il a changé jusqu'à arriver au niveau des singes, il était singe vraiment. Singe. Donc les gens étaient debout, mais c'était des singes. Les poils étaient sur eux. Il changeait là. Il changeait. Vous savez? Alors quand ils changeaient, à un moment donné, quand ils ont changé, ils sont devenus singes. Il était question maintenant que, comme ils sont allés danser, en dansant, ils changeaient. Les plans qu'ils chantaient, les hommes applaudissaient. Ouh, ouh, ouh. Donc on était épaté par ce qu'ils faisaient. Quand il a changé comme ça, la dernière chose qu'il devait faire maintenant, c'est de changer pour revenir en homme. Afin qu'on donne les derniers applaudissements, ils font comme ça pour quitter le plateau. Alors pendant qu'il faisait comme ça, il venait de me boutonner. J'ai avancé, placé comme ça, le plateau était comme ça là. J'ai levé la main aussi, il dit qu'ils ne changeront plus jusqu'à ce qu'ils décrètent qu'ils vont changer. Et maintenant, pendant qu'ils sont regardés ces songes là, il dit c'est tout à l'heure avant qu'on ne vienne. Pendant qu'ils sont regardés ces songes, c'est comme si dans la foule on a mis les micros. Vous savez quand on met les micros, pourquoi on enregistre? Quand vous applaudissez ici, ça se passe dans le baffle, les baffles qu'on a mis là-bas. Ce qui fait que quand je parlais, je m'entendais parler dans le baffle. C'est comme s'il y avait un micro sur moi. Quand ils parlaient, ça parlait dans leur micro et que ça sortait dans le bon. Donc tout le monde entendait cela. Alors je passais comme ça, je les avais derrière moi. Donc je passais à côté et ils étaient derrière moi. Donc ils étaient sur le podium comme ça. J'ai levé la main au ciel comme ça. J'ai dit qu'ils ne changeront pas tant que je décrète qu'ils changeront de nouveau. Donc ils sont calés comme ça sur le podium, mi-animal, mi-homme. Et alors maintenant, des voix sortaient là-bas que tu n'as pas peur, ils peuvent envoyer des choses contre toi. Souvenez-vous de ce que ça n'est pas des réalités du monde spirituel parce que c'est ce que nous avons déclenché ici. D'accord? Alors, pendant qu'on avançait comme ça, j'avançais, j'entendais les gens dire qu'ils vont t'effrayer. Ah, pour rien au monde, je me suis tourné pour savoir ce qui s'est passé là-bas, mais je savais que ce que j'avais décrété venait du ciel. Alors, quand j'ai décrété comme ça, ils voulaient faire un peu comme moi. Donc, ici, en avançant de cette direction, je pouvais savoir ce qui s'est passé en même temps derrière. Ce qui fait qu'ils étaient calés sur le podium. C'est moi-même, j'ai ri dans le son parce que celui qui était Nguinguiru, là, sa transformation était encore laid, un genre, parce qu'il était vraiment laid, un genre. Il était debout, il faisait. Mais il était vraiment laid. Vous savez, un signe de quelqu'un de se transformer en Nguinguiru et qu'ici, il est vraiment Nguinguiru, la vraie façon. Alors, quand j'ai dit comme ça, je m'avançais vers quelqu'un. Je ne sais pas qui était à ma gauche parce que cette tête, c'est pas même pas à voir. Mais j'ai vu notre frère. Il était ici enchaîné comme ça, là devant, à côté de cette tête-là. Il était enchaîné, sa main était comme ça, là devant. Et il était question que moi, je viens pour commander sa libération. Et c'est uniquement s'il commandait sa libération que cela pouvait changer. C'est ce que ça nous dit. Il dit ce qui est arrivé là maintenant. Alors, si j'arrive à lui, pendant qu'il parlait comme ça, j'entendais, ça sonnait dans la radio, tout le monde entendait. Donc les gens disaient que faut danser quand il faut fuir, c'est parce qu'ils vont te tuer. J'ai dit que je ne crains absolument pas. C'est à ma parole. Donc, alors, quand je parle maintenant, et puis j'entends que Elia dit la même chose là-bas. Que la pluie ne tombera pas sinon à ma parole. Ils sont carrés comme ça sur le podium. Je suis venu vers celui-là. Quand j'ai parlé, j'ai appuyé sur lui, appuyé maintenant. Ah, parce que dans ce domaine-là, il avait un œil. C'est comme si quelqu'un, on avait tellement emprisonné, parce qu'un œil était perdu, est percé. Parce qu'il avait un œil comme ça là. Quand j'ai parlé, il est touché. Il dit maintenant, dit que va leur dire qu'ils sont libres maintenant, qu'ils peuvent le faire. Mais à condition, parce qu'il me souvient bien que dans ces songes-là, vous savez, c'est plein ici dedans. Donc, il peut parler maintenant, et puis d'autres choses, je les oublie. Dans ce sens, j'étais vraiment fâché parce que j'essayais d'expliquer aux gens que quand ils applaudissent comme ça, ce n'est pas les hommes-là qui sont applaudis, c'est les démons qui sont derrière. Donc, je me tuais à vouloir expliquer ça aux gens que ce n'est pas eux qui vous entrent voir. Vous cessez, n'est-ce pas? Donc, quand vous applaudissez, quand ils font leur magie, quand vous applaudissez, ce n'est pas eux qui vous donnent la gloire, mais ce sont des démons. Donc, je me fâchais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit qu'avant qu'ils ne soient libres, ils vont d'abord respecter les conditions, la clause que j'ai dit qu'ils vont faire. Donc, j'ai dit que pour qu'ils soient libres, donc pour que je puisse les accepter qu'ils changent, pour que je les déchaîne, pour qu'ils puissent changer en revenant en homme, il faut que, première chose, ils acceptent qu'on les libère. C'est-à-dire qu'ils doivent quitter cette grande de magie là-bas. Et j'ai dit que de la même façon, comme ils ont dansé pour certains, tout à l'heure, on applaudit, là, ils vont qu'ils admettent qu'ils vont danser pour Jésus. Jésus m'a libéré sur le plateau là. Puis ils vont chanter ça avant que le Christ dise oui, je les libère. Ils ont dit que oui, ils étaient fâchés. J'ai dit, ok, dans ce cas, va leur dire que j'ai dit qu'ils sont libres, ils peuvent changer. Ils ont changé. À l'instant, je me suis levé. Je me trouve encore que je suis à côté de ma femme. Il dit, c'est pas croyable. Donc, c'est ce que j'ai vu. Donc, la libération de ce garçon, ça va amener la libération de plusieurs autres personnes. Ça va amener la libération de plusieurs autres personnes, d'accord? Voilà. Donc, on va continuer ce soir dans ce même lancé. Donc, avant cela, on lit un deuxième passage de vie, comme j'ai dit. Souvenez-vous, si vous avez suivi le songe, vous pouvez recevoir l'interprétation. D'accord? Donc, le psaume 10. Psaume 10. Donc, on va continuer ce soir dans son témoignage. L'autre partie. C'est quand même terrible que vous vous asseyez comme ça, vous essayez de cacher quelque chose. Alors que vous savez très bien que ça ne sert à rien de cacher. Ça ne sert absolument à rien de cacher. Donc, psaume 10. Je vais lire à partir du verset 1. Regardez. Vous y êtes. Après, il va lire quelques passages dans le chapitre 12. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Ça, c'est ce que le psalmiste disait. C'est-à-dire que l'homme est en train de souffrir, sur un moment donné, il croit peut-être que Dieu est éloigné. C'est-à-dire que quand vous souffrez, il y a des situations qui arrivent, vous pensez que Dieu est éloigné. Pourtant, il n'est jamais très éloigné de nous. Regardez. Pourquoi te caches-tu autant de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Vous y êtes? Car le méchant se glorifie quoi? De sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance. Si elle lit ici, vous allez suivre tous les détails qu'il a dit dans son premier témoignage, vous allez comprendre de quoi il est question ici. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. On parle de les voies des méchants ici. Les voies du méchant réussissent. Il fait n'importe quoi sur ce qu'il réussit. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. C'est le méchant ça. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Vous entendez ça? Sa bouche est pleine de malédictions. Vous vous souvenez qu'il a dit que, il a seulement dit, tu es fou dans ta tête. La personne, la folie, l'a arrêté. Sa bouche est pleine de malédictions. On y va? Des tromperies et des fraudes. Il a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. C'est terrible. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Vous vous souvenez, il avait dit, quand il fallait faire ce sacrifice-là pour la première fois pour invoquer le démon, il a cherché parmi les filles qu'il a côtoyées, il a ciblé. Donc vous restez comme ça, on calcule sur vous. Vous restez, on a dit de calculer sur vous. Est-ce que c'est ici? Il dit, la Bible déclare ici, il se tient en embuscade, verset 8, près des villages, il assassine l'innocent dans les lieux écartés, ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. C'est quand vous comprenez les choses des ténèbres que vous comprenez l'implication de ces vers le verset. C'est que David voulait dire. Regardez. Il le surprend et l'attire dans son filet. Vous avez suivi? Jeune fille, viens. Tu ne veux pas riche? L'iniquité sous la langue. Attendez, la Bible déclare, il se courbe, il se baisse. Pour faire quoi? Hein, mes frères? Il se courbe. Quand ils sont dans la cercle, il se courbe. Il se baisse. David s'éteint. Il se baisse. Et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, oh Dieu, lève ta main. Vous y êtes? Pourquoi le méchant n'oublie pas les malheureux? Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Chapitre 12 maintenant. Regardez. Chapitre 12. On y va. Verset 9. Écoutez très bien. Le chapitre 12, le dernier verset, merci frère, le chapitre 12, le dernier verset nous donne une indication. Souvenez-vous, il avait dit que quand il était à l'intérieur, dans ces années-là, ils étaient nombreux. Et j'ai dit que si c'était nombreux dans ces années-là, Satan va croissant. Le signe que Satan va croissant, c'est quand le péché augmente. C'est simple, et c'est le principe qui est ici. Le dernier verset dit, verset 9, le chapitre 12, je ne sais pas si c'est peut-être c'est décalé chez vous, mais le dernier verset. Les méchants se promènent de toutes parts. Vous y êtes? Quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Vous savez ce qu'on appelle la bassesse? C'est-à-dire que de quelqu'un qui a une... quand vous voyez une femme, la façon de la Bible vous dit que cette femme, c'est une femme de haute moralité. Vous comprenez cela? Ça veut dire que c'est une femme qui ricane n'importe comment, qui pour une bière ou bien pour un pain, pour un pain chocolat, vous l'amenez. C'est une femme de qualité. D'accord, bien-aimé? On dit que quand la bassesse règne parmi le peuple, les méchants se promènent de toutes parts. Donc partout vous les voyez, dans tous les sphères vous les voyez, à cause de la bassesse. Comment un peuple peut coucher avec son enfant? Si ça se trouve déjà comme ça, on dit que les méchants ont atteint ce niveau-là. Comment quelqu'un pour trouver le travail, on te dit qu'il faut ramasser le savon? Vous comprenez le langage, n'est-ce pas? Ramasser le savon. Il y a la bassesse. Alors, l'homosexualité, on a vulgarisé, comme on a dit tout à l'heure, là, les parents vont en plage avec les enfants, n'importe où, on se trouve n'importe où, la bassesse. On dit que quand il y a la bassesse, la Bible nous révèle que quand il y a la bassesse comme ça, les méchants sont partout, ils se promènent. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit la dernière fois? Peut-être vous prenez un taxi, c'est lui qui est derrière. Imaginez que vous entrez dans un taxi, quelqu'un, il est en train de rouler comme ça à 180, après vous voyez la personne conduit, il n'a pas de tête. Est-ce que vous comprenez? J'ai un frère là, le frère, un de ces jours va venir ici, il a pris une femme en une heure, un de ces jours à la rue de la joie. Et en train de conduire, on l'appelle le frère Vincent, le frère de frère Jeannot qui est souvent ici. Il a conduit, arrivé à un moment, il dit, madame, vous sortez, il s'est tourné, il n'y a personne dans la voiture. Il allait garer rapidement dormir. Qui est-ce qu'il a porté? Il a porté une de ses nuits, il a porté ses deux garçons qui étaient derrière. Il a regardé dans le... Vous appelez? Retrovisuel. Ils étaient en train de s'embrasser parce que c'était grave. Deux garçons. Ça se passe dehors. Souvenez-vous, lorsque la bassesse règne parmi les fils de l'homme, le méchant se promène de toutes parts. Donc c'est à cause... Jésus avait dit cela que parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand homme se refroidira. Si le père ne peut pas aimer son enfant, c'est que c'est terrible alors déjà. Pour qu'un père puisse découcher avec son enfant. Pour qu'une grande personne viole un jeune petit enfant comme ça. Vous pensez que c'est quoi? Les démons. Souvenez-vous, les démons sont en train de prendre le corps petit à petit. C'est pour ça que vous voyez les lois anti-Christ sont en train d'être votées. Ils veulent se révéler. Ils sont là nombreux. Amen. On peut avancer. Donc ce soir, nous allons avancer sur un autre terrain. Vous avez lu le livre de Zacharie, chapitre 8, et jusqu'à chapitre 11, n'est-ce pas? On va y revenir lorsqu'on va avancer. Donc, il faut qu'on avance avec son témoignage. Mais avant qu'on avance avec son témoignage, je ne sais pas comment on va faire, parce qu'il y a une situation que je vais toucher. Cette situation, je ne sais pas si ton doigt est debout, Frachine. Hein? Tu veux le poser? Parce que j'ai vu que tu as réussi à me s'attendre. Ou c'est depuis que tu veux poser la question, tu es dépassé que ton doigt est calé debout. Ok. Donc, je ne sais pas si cette situation, s'il a parlé avec sa femme. Mais souvenez-vous de ceci. Le but pour lequel nous sommes ici, c'est pour être libre. Je vais poser la question de tel enseignant qui puisse comprendre. S'il comprend, il avance. S'il dit qu'il ne comprend pas, je n'avance pas jusqu'à ce qu'il lui comprend. Donc, ça va me déranger si sa femme écoute ceci et que lui n'a pas encore dit à sa femme. Donc, je ne sais pas si elle peut sortir. Hein? Qui comment frère? Il parle de sa femme. Donc tout le monde comprend sans toi. Tu ne comprends pas toi. Pas là. Ah ben, c'est ça le problème. Donc la personne qui avait témoigné la dernière fois, il parlait de sa femme. Parce qu'on va avancer. Donc on va avancer sur le témoignage. D'accord? Donc on va voir des domaines. Souvenez-vous, les cinq enseignements là, ne courez pas seulement sur le témoignage parce que c'est un processus. D'accord? Suivez les enseignements dès le départ. 1, 2, 3, 4, 5 A, 5 B avant de toucher cela. Parce que vous allez remarquer, parce que dans les premiers enseignements, j'avais parlé des choses là, pour vous m'adresser à lui particulièrement. Donc, je ne sais pas si. Mais le premier miracle, c'est là, c'est tellement chaud là que personne ne voudrait sortir pour l'accompagner. Donc, c'est dire à quelqu'un de sortir et essayer de l'accompagner dehors. Vous savez, il y a des choses délicates. Ils sont obligés seulement de demander ça ici. D'accord? Mais souvenez-vous de ceci. Si vous dites que. Hein? Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que quoi? C'est que lorsque tu penses que c'est chez quelqu'un d'autre que c'est mauvais, souviens-toi que toi-même, tu as quelque chose aussi de mal. Donc, c'est pour ça que si il y a des choses, ça me dérange. C'est parce que c'est un domaine délicat. Donc, ça me dérange la façon de les présenter. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on finit seulement ça, tu peux entrer. Et donc, on va finir, si on finit ça et que la problème est résolu, d'une façon ou d'une autre, à moins que c'est lui seul qui te parle, personne ne parle. Si quelqu'un parle, il porte sa part. Même quand elle va sortir, ses yeux seront sur la porte. Qu'est-ce que ça te dit? Bonsoir, mon cher. Bonsoir. D'accord? Viens. Viens. Vous aimez les choses comme ça, frère Ferrand? Qu'elle va dire, on va comprendre. Donc, bonsoir encore, d'accord? Bonsoir. Vous savez, depuis le jour. D'abord, depuis le jour, il a confesser, il a commencé à confesser ces choses. Souvenez-vous ici, c'est pas le Saint-Esprit. Quelqu'un veut. Ok. C'est pas le Saint-Esprit. Comme pour Papa Joe, je lui avais demandé ici. Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit par rapport à son rêve, ses rêves? Même lui, il a les rêves. Depuis là, d'abord, déjà, comment tu rêves déjà depuis? Quels sont les rêves que tu as eus? Très mauvais. Mm-hmm. Allons-y, raconte à l'Assemblée les rêves depuis le jour où tu es sorti d'ici la dernière fois. Quels sont les rêves que tu as eus? Ok, je vais te poser des questions, d'accord? Bonsoir, il faut de plus à l'Assemblée. Bonsoir. Le gars est toujours frais. Il cherchait l'argent de l'autre côté là-bas. Ok. La dernière fois ici, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai rendu témoignage. Et juste après, je suis rentré. Le frère en question nous a demandé à ma femme et moi d'être très prudents. Parce que j'avais touché un terrain vraiment miné. J'étais allé trop loin. J'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire. Alors, déjà dans la nuit, je n'ai pas pu dormir. La même nuit, je suis rentré, où j'ai témoigné, c'était samedi passé, je n'ai pas pu dormir. À trois fois de suite, j'ai rêvé du frère qui était venu me parler, mais c'était flou, flou et flou. Les autres nuits qui ont suivi, peut-être quelques-uns parmi vous ont déjà eu ça. Vous dormez et il y a des oppressions. Des oppressions de telle sorte que vous ne pouvez même pas bouger votre corps. C'est tellement puissant que vous sentez le craquement de vos os. Je dis tellement puissant que vous sentez le craquement de vos os. C'est venu pas une fois, pas deux fois. Ça vient, ça part. Je me lève, je prie, ça cesse. Et juste après, ça continuait en journée. En journée. En journée, il dort dans les oppressions. Comprenez, c'est grave là-bas. Mais cette langue-ci va parler, ils vont crier. Amen. Alors, comme le frère venait juste de lui raconter sa vision, je n'étais pas au courant. Mais cette nuit, en fait, cette nuit a été difficile pour moi parce que c'est flou, parce que mes rêves sont un peu flous, je n'arrive pas à les reconstituer. Mais il y a un rêve qui est très clair que j'ai eu ce matin parce que je me suis réveillé. J'ai une prière matinale que j'ai faite. Après l'avoir faite, je me suis rendormi. En l'instant que j'avais le rêve chez moi, c'est en ce même instant que lui avait la vision chez lui. J'étais en train de rêver. J'étais couché. Je paraissais comme malade. Et puis je me suis levé, je me suis mis à vomir une substance toute blanche. Je vomis la substance. Il y avait ma femme qui me soutenait dans mon rêve. Je vomis la substance blanche. Je vomis. Après la substance blanche, c'est la substance verte qui sort. J'ai vomi. Ça pouvait peut-être dépasser près de 2 litres. Je vomis, je ne fais que vomir. Jusqu'à ce que la substance ait complètement fini, c'est sorti, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'ai fait signe au frère. J'ai voulu comprendre parce que c'était pour moi, c'était encore mystère, c'était flou. Alors le frère m'a dit, il n'y a rien à expliquer car tout est clair. À ma petite intelligence humaine, j'ai compris que ce qui était en moi, ce que j'avais absorbé dans ce domaine-là, est en train de ressortir au fur et à mesure. Voilà, c'est ce qu'il en est jusqu'à présent. Donc, on n'a pas besoin d'être prophète pour interpréter ici. Et si vous interprétez, ça ne fait pas de vous un ministère de prophète. N'est-ce pas, les frères, vous êtes trop forts. Donc, mais en dehors de ça, tu sens, tu sais que tu es léger, n'est-ce pas? Oui, je me sens très léger. Il va arriver qu'on va l'attaquer, nous, avec le couteau. Donc, il va arriver, c'est pas terminé. Parce qu'on est ici, nous ne pouvons pas venir, parce qu'il sait qu'il vient ici, il y a la puissance du Saint-Esprit ici, il ne peut pas arriver. C'est quand il est isolé, c'est quand on connaît. C'est quand on dit en anglais, we are monitoring you. C'est-à-dire qu'on t'a sur surveillance. Les écrans radar, les choses qu'on a mis sur lui, dans son talon, dans ses pieds. Quand il courait, on ne savait pas qu'il courait, c'est pas lui-même. Il s'est déplacé à la vitesse des Zaïko. Donc, il faut qu'on trouve toutes ces choses-là. Mais la question que je vous ai posée la dernière fois et que je repose maintenant, c'est ceci. Comment se fait-il que vous pouvez servir dans le monde des ténèbres? Jusque là, Satan n'a pas de pouvoir pour vous tuer, malgré qu'il y a ses instruments. Si vous n'êtes pas un individu, Dieu, comment c'est possible? Mes chers soeurs et frères, imaginez donc que vous êtes dans le monde. Vous faites des choses de Satan. Vous lui désobéissez même, il ne parvient pas à vous tuer, ça c'est un esprit même qui voilà, tu vas nous créer des problèmes. Il ne sait même pas ce qu'il a dit. Il va vraiment le créer des problèmes. Parce que Dieu avait dit qu'il va m'envoyer des jeunes gens qui va il va former au travers de moi pour son ministère dans ce pays. Mais voilà. Allez. Et ça, c'est... Je vous pose la question donc. Quand Dieu m'envoie ces personnes, qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Donc, que Dieu vous bénisse. Viens comme ça, frère. Viens. Comme la dernière fois, tu as écouté le foot pour la danse. La danse était ici. Donc, maintenant, on a pas avancé. Donc, il faut qu'on fasse vite pour que ta femme entre. Je vais poser une question. Il veut parler avec le langage que tu puisses me comprendre, d'accord? Mais frère. La dernière fois, tu as dit ici que quand cet esprit a été en danse. Non. Frère, mais il ne pas faire ça. Comme ça, tu vas dire avec toi là-bas. La dernière fois, tu as dit ici là que quand. Il y avait une puissance qui était en train de te dire que ta volonté était soumise à la sienne. De telle façon, tu pouvais être devant quelque chose, tu prends. Même si tu regardes, tu prenais. Tu n'as pas la puissance pour t'empêcher de prendre. C'est pour ça qu'il était laissé ici là maintenant, d'accord? Pour qu'on en parle. Souvenez-vous, vous écoutez, vous traversez la barrière, vous parlez de cela, vous aurez pouvoir. Maintenant, me concernant, comment tu as l'utilisé contre moi? Te concernant? Oui. Voilà. Tu savais que je savais? Hein? Oui. Ok, maintenant parle dans l'assemblée. Voilà. Depuis 3 mois, ils sont en train de regarder, ils disent à ma femme qu'ils veulent, ils sont en train de chercher comment savoir comment je vais faire pour aider mon frère dans ce domaine. Souvenez-vous de ceci. Je ne voudrais pas en aucun cas que ce qu'il va dire, qu'il soit en dehors de cela, votre frère toujours. Parce qu'en réalité, des fois, ça me concerne. S'il y a quelqu'un que vous pouvez constater, le comporter, se comporter autrement avec lui, ce serait moi. Donc, n'achetez pas le problème. Il y a ton voisin qui n'achète pas le problème, le frère Junior. Voilà. Donc, quand il va parler, si c'est cela, je vais expliquer, d'accord? Allons-y, dis. Voilà. Comme je disais tantôt, j'ai été mis en relation avec le frère Junior. Et quand j'étais mis en relation avec lui, c'était comme les portes se sont ouvertes de nouveau. Les portes astrales. Ça veut dire que j'avais l'oppression. Les oppressions sont revenues, juste quand je l'ai rencontré. Alors, comme je dis tout à l'heure, la dernière fois, en fait, dans ce domaine-là, c'est comme ça. Quand on te donne un ordre, et je l'avais dit, c'est si tu ne peux pas le faire, on te fera le faire. Le frère avec une machine dans laquelle il avait des enseignements. Écoutez très attentivement. Je dis bien des enseignements précis pour toucher de nombre de personnes précises. Des enseignements précis pour libérer de nombre de personnes bien précises, délimitées, des personnes précises. Il est venu à mesurer la prise là. Alors. Mais il faut qu'il nous explique comment ça s'est passé. Et dans ces personnes précises, j'étais dedans. Je suis arrivé pour un problème quelconque. Je me suis couché, je me suis un peu assoupi. Est-ce que ça, tu as parlé avec ta femme? Non. Ouais, pourquoi le Saint-Esprit? Applaudissons pour le Seigneur. Ouais, ça, frère. Ouais, n'est-ce pas? Il y a des situations, la guerre spirituelle. La guerre qui est contre nous, ce n'est pas physique, ce n'est pas charnel. Après ça, c'est à lui de dire à sa femme. Le premier moment que ça dérange, pourquoi je sens de demander que sa femme sorte? Parce que sa femme, c'est ma fille. Est-ce que vous comprenez? Comme il a dit en dernière partie de son témoignage, c'est chez moi qu'il a rencontré. Donc, je ne souviens pas de ce qu'il attend. Il a vu, et ma fille, et mon ordinateur. Il a pris les deux. Alléluia. Amen. Mais c'est mon frère. Il ne voit pas comment. D'accord? C'est mon frère. Donc, il était en mission. Il a réussi sa mission. Mais la mission que nous avons réussie maintenant, c'est au-delà. Amen. Parle, mon cher. Voilà, comme je disais tantôt, dans cette marmaille d'enseignement, j'étais dedans. Dès lors que je suis arrivé chez lui, j'étais dedans. Alors j'ai dit, je me suis stoppé quelques minutes. Et puis comme il a dit, il y a les zooms, tout ça apparaît. Et te fait comprendre. La personne à qui j'étais assujetti me fait comprendre que si tu ne fais pas ça, dès que tu sors de là, parce que tu n'as aucune protection, tu es à moi. On a commencé un truc qu'on n'a pas fini. Si tu ne fais pas ça, parce que si il parvient à faire ce qu'il veut faire, tu mourras. Alors si tu ne fais pas ce que tu dois faire, c'est toi qui mourras. Alors, comme tu es faible, parce que honnêtement, quand je suis arrivé chez le frère, je ne sais pas pourquoi, je les ai aimés. Naturellement, pour rien, je les ai aimés. Il a dit, comme tu es faible, tu n'arrives pas à faire. Nous, on va faire. En ce moment, le frère était sorti. La sœur, je vais reprendre la question d'Achille. Voilà. La sœur... Arrêtez, je vais t'expliquer quelque chose. Il a manipulé mon frère Achille, parce que le frère Achille était à la maison. C'est ça, n'est-ce pas? Et le frère Achille le suivait à la loupe. Vous parlez de domaine spirituel. J'étais hors de la maison. Pendant qu'on surveillait, je surveillais, on surveillait. Donc c'est ce que tu me guettes, je te guette. C'est ça le jour là. Est-ce que vous comprenez? Et vous savez, en fait c'est son témoignage avec mon témoignage maintenant. Donc mieux je le laisse parler. D'accord? Voilà. Je vais reprendre la question de Francine et qu'on ne comprend pas le processus de dédoublement. J'étais avec lui. Une fois que c'est revenu, donc je me suis revenu à moi, la faculté humaine de supporter même mon propre bas ne m'était plus donnée. J'avais juste ce qu'on appelle, en philosophie en terminant, on appelle ça la conscience et l'inconscient. Ce n'était que ce qui était dans ma tête. Mais le corps humain et sa force et sa capacité n'étaient plus miennes. Alors, le frère Achille était présent. Le frère Achille croyait surveiller mais ne voyait rien. Parce que, en somme, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais parce qu'en général, pour entrer chez Junior, c'est des grosses barrières. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, le portail était complètement ouvert. Complètement. Tous les portails étaient ouverts. Le frère Achille croyait suivre et ne voyait rien. Tu étais avec un frère avec qui tu débattais sur l'avancement technologique. Ce n'était pas moi. C'est, j'étais déjà mis en quarantaine. Donc à l'instant, il était en parler, celui sur le corps, c'était en train de le distraire, tu faisais l'action. Mais c'était la même personne. C'était la même personne. Que tu voyais comme ça là. Mais ça s'est passé comme ça. Étant donné que je ne savais pas où ça se trouvait, je n'avais pas besoin de chercher. Comme on dit, comme il a parlé ici, ça vient en zoom. Ça te montre ça clairement. Et le frère Achille ne voyait rien. Ne voyait qu'une personne avec qui débattait. Ou une autre personne était en train de travailler. Alors, quand j'ai fini, le but, ce jour, on venait nous tous à la réunion. Puisqu'il y avait, il était en train de suivre les poissons. Absolument. Et tout. J'ai fini. Dès que j'ai fini, j'étais là. J'avais déjà pris. Je sais que les enseignements sont dedans. Une autre voix me dit, c'est par là que tu seras assujetti. La voix de l'autre ne se faisait plus entendre. Je redis encore, c'est par là que tu seras assujetti. Tu as dévancé. C'est-à-dire que je suis allé plus vite que prévu. Tu as dévancé, alors on dira aussi plus vite avec toi. Alors, quand je suis sorti, étonnamment, tous les portails, étant donné que la machine n'était plus au contrôle du frère Junior, elle était à mon contrôle. Tous les pouvoirs que j'avais eus dans le passé sont réunis en espace de quelques secondes. Et en espace de quelques secondes, j'ai pu formater ce qu'il y a là-dedans en quelques secondes. Maintenant, le temps de refaire demi-tour, la barrière était fermée. Parce que le but, c'était d'enlever, formater les enseignements qui étaient précis pour des personnes précises et remettre. Mais dès lors que j'ai pris maintenant pour me retourner, les barrières étaient imposées. Il n'y avait plus moyen d'entrer. Et la voix redit encore, ça va aller plus vite que prévu. La machine était devenue blanche comme neige. Pour tout ce qui, blanche comme neige. Prospérité de Satan. Prospérité de... Doctrine de prospérité. En fait, je répète encore ceci. Les enseignements étaient pour des personnes précises, qui devait avoir un rôle précis, un nombre de personnes bien déterminées. Et je faisais partie, c'est justement parce que j'ai mis mes pieds chez lui. C'est justement parce que je faisais partie de ces gens-là que la mission était prioritaire. Je ne comprends pas toujours pourquoi en cet instant les portes sont ouvertes. Il y avait vraiment un portail très très ouvert. Parce qu'en général, c'est parce que vous ne pouvez pas les voir. Quand vous arrivez chez lui, ce sont des portails, ce sont des forteresses en fait. Vous comprenez que quand il parle de portail, vous ne comprenez pas de quoi il est question. Vous comprenez ou quoi c'est la barrière, vous venez vous en croire que Nancy ouvre la porte, elle ouvre la porte là. C'était hein? Des forteresses. Alors, maintenant que je me retourne, je vois des forteresses et des forteresses. Il ne faut plus rentrer avec la machine. Parce que c'était obsolète, c'était inutilisable. C'était inutilisable. Alors, la seule option qui restait, c'est de continuer et détruire. Dès lors que j'ai continué et j'ai détruit la machine, je suis revenu à moi. Et en général, c'est les scientifiques qu'on appelle ça un lavage de cerveau. En l'instant, mon cerveau a été lavé. Je répète encore, en l'instant, mon cerveau a été lavé. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus être conscient du fait qu'il a fait cet acte-là. Tout était oublié. Mais je ne sais pas. Ce même jour, il l'a rencontré, il lui a parlé, il m'a regardé, et je l'ai regardé. Et on savait que quelque chose s'est passé. Je ne sais pas. Donc, dès que je suis revenu, je savais que... Et s'il vous plaît, comme je l'ai dit encore, j'ai retrouvé mes pouvoirs en une fraction de seconde. En une fraction de seconde, vous êtes assis là, je pouvais faire disparaître, vous faire atterrir même au désert du Sahara, d'un claquement des doigts. Donc la machine a été détruite. Alors je reviens à moi, le cerveau effacé. Je me mets, et c'était prévu vraiment pour l'effacement total. Vraiment pour l'effacement total. Alors, c'est là où je me mets face au frère. Je le regarde dans les yeux. C'est là où ça se passe comme un DVD. Ça se réouvre. Et je revois tout ce qui s'est passé. Et toute la personne qui était derrière. Claire et net. C'est ce que vous entendez quand Dieu dit, Adam, où es-tu? Ou mieux, qu'as-tu fait? Ou Caïn? Où est ton frère? D'accord, frère? C'est ce qu'il a décidé de dire. Cette question-là, ce questionnement dans le regard, qu'est-ce que tu as fait comme ça? J'espère, je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Avance, frère. Voilà. Alors, dès que j'ai vu ça, ça m'a rappelé bien des choses passées. Alors, j'ai compris que je suis encore un instrument. Je ne veux pas dire de destruction, mais je vais dire de destruction massive, comme je l'étais avant. J'ai encore compris que j'étais encore sur cette coupe-là, j'étais encore sur cette influence. Alors, j'ai compris... Ce que voulait voir l'a dit que tu seras assujetti. Donc, j'ai fléchi le genou dans le cœur. Bon, maintenant, il est devant nous maintenant, d'accord? Je vais expliquer quelque chose. C'est que, avance, frère, tu es mon frère. Arrête-moi aussi par les derrière. C'est que, souvenez-vous que Satan, c'est un instrument de Dieu. Avant qu'il ne fasse ce plan-ci, le frère qui s'était venu à la maison de Yaoundé, il a donné sa machine. J'ai pris les données qui sont dans la machine là, j'ai mis dans un autre endroit, entièrement. Donc, rien ne s'est perdu. Alléluia. Donc, ça va, c'est toujours mal, c'est quelque chose. Donc, quand Satan fait ces choses-là, il a besoin qu'il a tout déçu. Mais le Seigneur avait fait dès le départ que je mette ça quelque part, sans que ça ne soit à sa portée. Donc, ce qu'il a détruit, il n'a pas détruit totalement. Alléluia. Ça se trouve totalement, parce que les gens seront vraiment libres. Mais si vous saisissez, le sens de l'informer maintenant, comme ça, pour dire qu'en réalité, Satan s'est trompé. Il se sent toujours, il se trompe toujours. Il se trompe. Tout le monde doit dire à quelqu'un que Satan ment. Il se trompe. Il se trompera toujours. Et il accomplira dans ma vie. Seulement ce que Dieu aura voulu. Dans son plan, c'est que les enseignements, c'est qu'il avait fait comme ça là. En réalité, parce que c'est la première machine que j'ai eue. Après, une seconde machine est venue. Ce qui fait que la machine était une machine de réserve. Donc, il n'y a plus de choses qui étaient cachées. Après, il dit non, ceci aussi. Je peux ça les garder quelque part. C'est stocké. Donc, l'autre, ce n'est qu'une réserve au cas où. Donc, il a fait ça. Mais. Vous voyez très bien que si on finit, on sait que ma carrière de prédicateur était finie. Alléluia. Amen. Je parle maintenant non seulement à lui, il ne m'adresse pas seulement à lui, il m'adresse à tout le royaume. Alléluia. Amen. Il m'adresse à tout le royaume. Même s'il descendait maintenant, on dit bon, pour aller à la maison, que je brûle la maison, il ne peut pas atteindre là-bas. Mais je sais quand même que le royaume est alerté, mais rien ne peut arriver. Aussi vrai qu'il est venu à la maison faire ces choses-là, il ne pouvait pas entrer parce qu'en réalité il y avait une muraille devant. Mais pourquoi Dieu a ouvert que passe entre? D'accord? Avance mon cher. Voilà. Donc quand tu m'as regardé, subitement, quand tu as regardé, la conscience est revenue. Donc ça veut dire que toutes les choses sont revenues vers toi. Tu as vu exactement ce qu'il en était. Mm-hmm. Et puis pour conclure, je dis que au temps convenable, il va confesser. Exactement. Mais il ne sait pas qu'il sait que c'est lui. Mais quelque chose dit que si le gars est gassi, vous savez, si le gars est le vrai gars, il connaît le gars, il doit savoir que c'est moi. Maintenant, merci frère, merci, il veut être introduit encore assez, il veut avancer. Merci. Souvenez-vous de ce qu'il dit au départ, que ça ne soit pas un objet de culpabilité, c'est mon problème. Que ça ne soit pas un objet de culpabilité, parce que ce sont les choses du Seigneur. D'accord? Ces choses-là n'ont pas varié mon amour pour lui. Parce que l'amour est au-delà du matériel. D'accord? Je vais vous raconter une histoire pour que vous compreniez. Et ça, c'est une histoire de la Bible. Lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, la première fois qu'un chassé Judas vient parmi les disciples, il savait que celui-ci le trahirait. C'est une chose terrible. C'est pour ça que je prie seulement que Dieu ne vous donne pas de telles grâces, que Dieu te montre que cette personne va te faire du mal. C'est que tu n'auras pas mal parce que cette personne va te faire du mal. Tu auras mal parce que tu connais. Parce que chaque fois que tu vas voir la personne, sans que la personne t'ait encore fait du mal, tu auras mal d'abord. Donc mieux tu restes comme ça. La personne te fait comme ça que quand c'est lui qui me fait mal comme ça, mieux. De savoir que tu viens chez quelqu'un que vous considérez comme prophète, pendant que tu crois que peut-être il ne doit pas connaître, il y a un problème. Il faut que ce soit un esprit. D'accord? C'est pour cela que j'ai dit que sa femme sort, parce qu'il n'avait pas dit ça à sa femme. Ça devait la déranger. Donc maintenant, quel qu'en soit ce qui va être dit par la femme, qu'elle ne se dérange pas, je lui ai parlé depuis la première fois que j'ai su que c'était lui. Alors j'ai pris mon épouse et là, j'ai dit que qu'est-ce qu'on va faire? En fait, même lui, plusieurs fois, je l'ai aidé plusieurs fois. Vous savez, il y a de l'aide qui peut t'énerver. C'est-à-dire que je t'aide, ça t'énerve parce que je suis t'aider. Mais pour ceux qui comprennent pas que c'était sans t'aider. Il a voulu faire la tentative plusieurs fois pour venir à la maison. Même dans la nouvelle maison qu'on a, n'est pas vrai? J'ai ajouté, arrangé. Et la dernière fois, je lui ai dit qu'il faut que certaines choses soient arrangées afin que tu viennes. C'est de ça dont j'ai des questions. Est-ce que c'est ça? Donc je lui ai dit qu'il faut que certaines choses soient arrangées pour que tu puisses venir. Il ne comprenait pas. En réalité, il tente de le préparer par rapport à cette situation-ci. Donc, un de ces jours, j'ai dit que je suis couché. Il dit, Seigneur, est-ce que j'ai fait comme ça? J'ai écrit une lettre, c'est-à-dire un truc de message. Mais dans le message, s'il lisait le message, il devait comprendre que c'est de ça que je suis en train de parler. Le Seigneur dit que ce n'est pas la méthode. Le moment arrive. Et voici le moment. D'accord? Donc, mais maintenant, si je n'interrogeais pas là-dessus, c'est que vous devez sortir dans cette assemblée sans savoir quoi que ce soit qui se passe. Or, plusieurs personnes parmi vous ici, là, qui venaient à la maison, savaient que je leur ai dit que la machine, on l'a volée. Pas vrai, frère Achille? Il y a plusieurs personnes. Je lui avais dit que la machine, quelqu'un a volé la machine à la maison. Mais, la procédure, souvenez-vous, voici ce qui se passe. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si cette machine n'avait pas été volée, vous ne devez pas comprendre que Dieu, dans son plan, avait des enseignements là-bas qui étaient destinés pour certaines personnes. Y compris lui. D'accord? Maintenant, si Satan savait très bien que laisser ces garçons venir chez moi, venir mon ordinateur, c'était de l'attraper aujourd'hui, il ne serait pas fait. Il ne l'aurait pas fait pour qu'il ne vienne pas aujourd'hui. Amen. Si Satan savait très bien que vendre Joseph en Égypte, ce serait d'aller élever là-bas et le prendre dans la gloire, il n'aurait pas fait qu'on vende Joseph, pas vrai? Mais le film du Seigneur Jésus-Christ avait été projeté dans sa vie. Donc maintenant, c'est libre. Ce domaine-là, c'est fermé maintenant. Ce domaine-là, c'est fermé parce que cet esprit-là est utilisé pour faire vraiment beaucoup de mal. Donc, quand vous entendez quelqu'un est expert en informatique, il était expert en vol. Vol sans trace. Vous voyez, il y a des films où on fait des vols. Les vols, on apprend aux gens à voler dans les films. Ça, c'est le vol de haut niveau. Donc, tu es ici, le téléphone est là comme ça. Là. On prend le téléphone. Quand tu regardes, tu crois que le téléphone est encore là. Parce que c'est la dernière image du téléphone que tu as avec, qui est encore avec toi. Que le téléphone est parti depuis. Vous me saisissez, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand ils font ça, non, le téléphone est parti. Mais quand tu regardes la tête, tu vois toujours le téléphone. Alors que c'est l'image que tu as dans ta tête que tu as le téléphone là-bas. Le téléphone n'est plus là. Jusqu'au moment où tu auras besoin du téléphone. C'est ça qu'il veut. Mais ça va s'arrêter. Donc, plusieurs fois avant, Dieu m'avait demandé de prendre les enseignements à garder. J'ai pris, j'ai gardé. Même dans les autorités, c'est une personne qui sont venues avec moi. J'ai gardé chez eux. Que s'il frappe ici, il prend ici. S'il frappe ici, il récupère. S'il frappe ici, il récupère ici. J'ai gardé. C'est pour ça qu'il stockait. C'est ça, n'est-ce pas? Donc notre Dieu est un Dieu de grande victoire qui livre la bataille pour nous et nous serons toujours victorieux en son nom. Amen. Faites entrer la jeune fille là, on continue. Que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse sa famille. Amen. Elle allait rester à la sécurité. Donc c'est ici donc que je tente de dire, je vais dire aussi au conducteur et vous qui êtes là-bas. La façon d'avoir le problème avec quelqu'un et aimer la personne de la même façon, c'est ça, c'est là où Dieu vous attend. C'est-à-dire que je sais que le frère s'est mal parlé de moi. Mais que prochainement, quand je dois voir le salut, sans problème. C'est ici, vous devez atteindre ce niveau-ci. Amen. Vous devez atteindre ce niveau. Pas la qualité que tu viens chez un frère, le frère dit que tu as entendu le frère, tu as senti qu'il a dit. Si tu dis seulement, c'est que tu ne peux même plus le saluer. Donc, lui, on ne te dit pas. Le seul fait qu'il t'a déjà dit ça, même s'il ne raconte pas le contenu, quand tu le vois la prochaine fois, tu vas entendre la salutation est froide. Ça ne doit pas se nommer au milieu chrétien. D'accord, mes frères? Donc, si on raconte n'importe quoi de moi, on raconte n'importe quoi de moi, je sais en qui, je sais qui je sais. D'accord? Donc, c'est évidemment prendre son histoire pour dire que si on vous prend quelque chose et que vous voyez que c'est un frère qui a fait, quel qu'en soit ce qu'un frère ou une soeur t'a fait, il y a un premier principe, tu dois pardonner. Est-ce que vous comprenez? Parce que s'il ne lui avait pas pardonné, voilà ce qui était contenu dans cette machine-là, il ne lui permettrait même plus de venir même ici. Oh, il est venu, il s'assoit là-bas, il s'assoit au milieu de nous. Il est comme une personne comme il ne connaît pas. Mais le problème, c'est que quand il le met debout, il commence à parler, il sait exactement cet instant qu'il connaît. C'est n'est-ce pas? Hein? Salut, moi, maman, salut. Donc, quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce que tu attends, d'accord? Donc, c'est mon fils aussi, d'accord? Donc, tu dis seulement que, comme il t'a pardonné, je n'ai rien à redire. Mais dis que papa est. D'accord? Tu dis papa est. Donc, c'était mieux qu'elle ne suive pas, ça, pas vrai? Donc, viens, mon cher, on va continuer et on va finir. C'est comme ça, la prochaine fois, on va seulement enseigner sur ces choses dans l'église, la réalité spirituelle du monde des ténèbres dans l'église. D'accord? Et on va enchaîner avec l'église et on voit si on finit ça, préparez-vous au jeûne. Donc, les prochaines séances, samedi, mercredi, quand vous venez, c'est venez à jeûne. Donc, toute la journée, soyez à jeûne. Parce qu'on ne sait pas comment ça peut déclencher. Venez seulement à jeûne. Donc, il va venir, maintenant, on va continuer dans l'autre partie de sa vie, d'accord? Arrête. Dans l'autre, là, c'est terminé. Donc, je vais poser une question. Dans l'une des parties de ta vie, et avant que tu ne poses la question, la dernière fois, je vous ai dit, c'est pendant qu'il témoigne, je vous ai dit que dans cette ville-ci, dans ce pays-ci, l'église catholique romaine a construit des grands domaines. Généralement, les domaines ont très à voir avec les cimetières. Donc là, des grands domaines, il y a toujours les cimetières. Les grandes cathédrales, il y a toujours les cimetières. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ça a un but vraiment luciférien. Et particulièrement maintenant, particulièrement les parents qui envoient les enfants dans les internats. Les internats surtout religieux, particulièrement les internats catholiques. C'est-à-dire qu'on te dit que okay, comme tu es trop têtu, on t'envoie dans le coin de brousse là-bas où il n'y aura pas d'études et distractions. Pour que tu vas apprendre. Comme ça, tu vas apprendre, tu vas sortir là-bas, tu seras bien. Faites attention. Les domaines mariales sont diaboliques. Tous les domaines que vous voyez qui sont retirés dans la brousse, on dit que c'est calme, c'est les endroits le plus bon pour amener, absorber l'énergie et que les esprits apparaissent. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, on va avancer dans ce domaine-là. Et c'est dans ce domaine-là particulièrement qu'il s'est retrouvé donc, à un moment donné parce que ça n'allait pas bien. Il était au récalcitrant. On a trouvé que la solution, ce serait de l'envoyer à l'internat. Je vais raconter et chaque fois, je vais l'interrompre s'il y a des choses qui sont anormales. Je vais l'interrompre pour le canaliser. Parce que quand vous avez une histoire à raconter, vous pouvez raconter certaines choses et oublier certains détails. D'accord? Donc, s'il y a des détails qui sont oubliés, je vais le faire revenir pour qu'il puisse nous aller dans cette direction. Donc, tu es à l'internat. Donc, le nom de l'internat. Et s'il y a fréquentation avec un prêtre dont le nom du prêtre, dont le nom de l'établissement, le lieu, la ville où ça se trouve et les choses qui sont passées. C'est à toi maintenant. Pourquoi tu vas à l'internat? Pourquoi on t'envoie à l'internat? Voilà, je commence d'abord par là. Comme je vous ai dit la dernière fois, je suis de nature rebelle. Quand vous dites qu'il faut aller par le nord, moi je vois qu'il faut aller par le sud. C'est parce qu'il y avait... Donc parle un peu à vous, d'accord? Oui, c'est parce qu'il n'y avait plus d'entente entre les parents de la maison et moi. Il n'y avait vraiment plus d'entente. Alors, ils ont décidé pour moi que c'était mieux de m'envoyer de l'autre côté là-bas. C'est ce qu'ils ont décidé. Alors, l'internat, c'est dans la ville de Sa, après Yaoundé. Dans un petit village qu'on appelle Kolmebanga. Kolmebanga. Kolmebanga. C'est un internat catholique. C'est un internat catholique. Oui. Le nom de l'internat, c'est un collège canadien. Ça s'appelle Collège Bullier. Voilà. J'ai été pris donc de doigt là. Je quittais le collège Sakaire. Mais ce n'était pas les notes qui faisaient qu'on m'envoyait à l'internat. C'était l'attitude à la maison. Vraiment l'attitude, parce que les notes y étaient. Je quitte donc le collège après Sakaire. Je me retrouve à l'internat du Collège Bullier en Kolmebanga. Déjà, quand on quitte Yaoundé pour la ville de Sa, c'est 2h30, 3h encore de route. Maintenant, quand on quitte la ville de Sa pour le village de Kolmebanga, c'est 2 heures sur moto. Nous nous entrons dans les profondeurs de la brousse. Et quand vous arrivez à l'internat... Qui a décidé d'être inscrit là-bas? C'est ma maman. Donc, elle a dit que c'est la solution là-bas. Oui. Comme tu es quitté, tu vas aller t'étudier avec les oiseaux là-bas. Voilà. Ok. Elle m'a envoyé là-bas. Et quand vous arrivez là-bas, dans les profondeurs de la brousse, c'est comme un monde dans un monde. Je dis que c'est 2 heures à moto, donc imaginez la distance, c'est près de 90 km. Quittant de la ville. Avant qu'on avance là, c'est maintenant. À quelle période de ta vie, par rapport à ce que tu nous as raconté dans le passé, d'accord? À quelle période donc ça se trouve, donc ça se situe cet décalage pour l'internat? Juste après que j'avais perdu mes pouvoirs. J'avais tout perdu. Et avant l'internat, j'ai été en esclavage chez un marabout. Donc, ça veut dire qu'avant que tu n'aies pas en internat, Tu étais d'abord ici à Luanda chez un marabout. Oui. Raconte-nous ce scénario avant de rentrer dans l'internat. Alors, il y a, en passant, avant la mort de mon papa, trois mois. La mort là, je vais vous raconter exactement ce soir le pourquoi il est mort. Même pas ta maman ne connaît pas comment son mari est mort. Mais je sais exactement comment il est mort et le pourquoi il est mort. Si tu voudras savoir qu'il dit ça devant l'assemblée, je dirai. Faut dire. Ok, donc avançons. Voilà, j'étais là déjà trois mois avant sa mort. Il dit voilà. Même pas sa mère, la mère de celui-ci, dont le mari est mort. Elle ne connaît exactement l'origine de la mort de son mari, ni comment il est mort, elle ne connaît pas. Souvenez-vous dès le départ, il avait dit qu'il était question qu'on livre celui-ci, il n'a pas pu. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Donc, avant mon frère. Voilà. Avant sa mort, il était hospitalisé à l'hôpital militaire de Gouanjo. Voilà. J'y allais de temps à autre, et très rarement, mais trois mois avant sa mort, je n'y allais plus. Je n'y allais plus. J'avais plus de nouvelles. Il y a un décret qui était sorti. Le décret était attesté par le ministère de la Défense que tous les fils des officiers seront capturés. Tous les fils des officiers du grade de lieutenant-colonel, colonel-commandant seront capturés pour besoin d'enquête parce qu'il y avait un trafic qui se faisait. Alors, je ne sais pas qui a inspiré ma maman en ce moment. Et avant même que je n'y aille, mon grand frère y était déjà. Donc, je ne sais pas qui l'a inspiré en ce moment. Elle a déjà l'endroit parfait pour toi. Pour que tu puisses te réfugier. Pour que tu puisses réfugier et tu puisses laisser ma tête respirer. Elle m'a pris. C'est à PK 21, chez les Banels. Elle m'a pris. Elle m'a amené là-bas. Quand on se place du goudron ou chez le marabout en question, c'est quelque chose comme 3 km pour entrer encore dans la brousse. Nous étions encore au cœur de la brousse. Nous sommes arrivés là-bas. Elle m'a mis. La maison du tradit praticien, en fait, avait la superficie totale, était comme la cuisine de Marveron. Nous étions là, lui, le marabout, et une femme qui l'avait séquestré là. Il y a une femme qui était venue là-bas pour se soigner. Il a pris sa main pour lui. Il l'a séquestré, il l'a soigné, elle est devenue sa femme. Et quoi, nous étions là. Tu vas aller en Bolivie et poser les arbres ici. Alors, nous sommes venus là, nous étions au nombre de 4 là-bas. On m'a mis là-bas pour rester avec lui. Et après le départ de ma maman, le rester avec lui avait changé. Attends, je vais encore dire quelque chose. Souvenez-vous dans son ancien, dans son premier témoignage, d'accord, il a dit du fait que pendant que son père pratiquait comme ça, sa mère allait de temps en temps, quelqu'un dit à l'église. Et c'est cette mère-ci, dans le titre de l'eau protégée, le porte pour l'amener chez. Et quand il est chez le marabout, le dimanche, il va aller à l'église. Avançons. Je vais seulement pour que vous voyez des choses dans votre esprit. Alors, voilà. Elle m'a amené là-bas. Pour me réfugier et dites aussi pour me traiter. Parce que les choses là, le mauvais esprit là qui est sur toi. Oui. J'arrête encore. Donc, c'est quelqu'un qui est un chrétien. Souvenez-vous, diaconèse. Dans son assemblée. Tu as dit son assemblée se trouvait où? Est-ce que tu as le nom? Je crois qu'en ce moment, ça devait. Oui, là, elle a déménagé encore. En ce moment, c'était Compassion Globale, je crois. Compassion Globale de sa mère tatouée. Oui. Donc, elle était là-bas cette fois-ci, c'était par là-bas. Mais elle partait dimanche, elle avait son corps et toi, son fils, il allait chercher le marabout. Que le marabout traite ton cas. Va ça dépasser contraction ou c'est contraction globale. Compassion globale. Oui, vas-y. Voilà, elle m'a amené là-bas, elle a laissé chez le marabout afin qu'il fasse ce qu'il est appelé à faire. Non, peut-être pendant que tu es là comme ça, elle a compassion globale. Il dit que Seigneur, donne le pouvoir à ces marabouts de traiter mon fils. Seigneur, tu sais que c'est toi qui as mis le pouvoir là vient de toi. Vous pensez qu'elle peut prier mieux que cela? Donc, allons-y, mon cher. Elle m'a laissé là-bas. Vous n'avez pas idée de la vie que j'ai eue là-bas. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'eau potable. Vous n'avez pas idée de la vie que j'ai eue là-bas. Elle m'a laissé là-bas comme patient qu'elle devait traiter. À la fin, je suis devenu son. Écoutez très bien. Deuxième femme, esclave. Son boy qui fait tout. Je dis bien quand je dis qu'il fait tout. Tout. Qui fait vraiment. Vous comprenez, n'est-ce pas? Tu veux parler, il n'y a plus d'enfants ici ce soir. Je veux parler. Alors, après qu'elle soit partie, déjà il n'y a pas de lumière comme tu as dit. Question nutritionnelle, c'était toute une autre histoire. Mais avant de toucher le nutritionnel, je vais toucher ce que je faisais. Toutes ces calebasses, tous les déplacements de ces calebasses, ces plumes, ces os, c'est moi qui les lavais. Ces habits, c'est moi qui les lavais. Les habits de sa femme. Et ses sous-vêtements, c'est moi qui les lavais. Et quand il sortait tard la nuit pour invoquer ses esprits, il me forçait à taper cet entame-là. Mais au fond de moi, je le regardais avec vraiment esprit de vengeance. Parce que je disais, si j'étais comme j'étais avant. Bref, il me fait sortir, il me force à taper ses tam-tams, à invoquer ses esprits. Il a fait sur moi toute pratique qu'on peut imaginer de tradit praticien, toute pratique. Alors quand il me force à taper ses tam-tams et invoquer ses esprits, quand ses esprits bien viennent, ils viennent avec une pluie vraiment torrentielle. Et la maison était en hutte, donc c'était les pailles qui étaient comme les toits. Quand les esprits là viennent, ils viennent, ils enlèvent les toits, tout ça là. C'est moi qu'on envoie en haut faire tout ça. Et s'il vous plaît, question manger. Je vais vous dire ce que je mangeais. Lui, quand ma mère envoyait le riz ou bien du poisson, il a envoyé ça chez ses frères, parce que ses frères étaient du côté de la ville, au niveau de 21-22. On faisait des mets là, ils montaient, ils mangeaient. Il dit que ça, c'est les dîmes du travail qu'on a travaillé. Maintenant, ce qui concerne... Il dit que c'est les dîmes, c'est pour les sacrificateurs. Voilà. Nous, qu'on doit se battre pour manger. Voilà. Alors, il fallait bien que je suive, il fallait bien que je mange. Il va encore la réponse quelque chose. Le marabout travaille chez qui? Je vais te combattre. Le marabout travaille avec qui? Entre temps, lui, il est chez qui? Même dans le camp, là, ça se bat. Bon, chacun se bat pour survivre. Avance, mon frère. Alors, il fallait bien que je mange pour survivre. Et souvent, quand vous êtes dans la maison, il y a des petites souris qui passent. Écoutez très attentivement. Dans les villages, ce sont des rats, des gros rats. Ne savant pas faire le feu de bois, ne sachant pas préparer. Dès qu'un rat arrivait, tellement j'avais faim, je pouvais le poursuivre au moins 30 à 35 minutes. Et quand je finissais par l'attraper, j'avais tellement faim que je n'avais pas le temps de le passer au feu, je le mangeais comme ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit que je le mangeais comme ça. Pour manger, je marchais dans les champs. Les maniocs, je les déterrais, je les mangeais crus. Vous dites que le macabo gratte. C'est vrai que je gratte, ça gratte, j'en sais quelque chose. Parce que le macabo cru, j'ai mangé. Je dis cru, j'ai mangé. Ça m'a gratté 4 jours. 4 jours. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix, il fallait que je mangeasse. Je mangeais les mangues non mûres, les mangues blanches qui ne sont pas atteintes, parce que je ne pouvais attendre. Étant donné qu'il fallait les complémenter, je les prenais, je les coupais, je les mangeais avec du sel. Avec la sève dessus, même non lavé. Ainsi que même pour des goyaves non mûres, je les mangeais toutes blanches. Étonnamment, au début, ça me dérangeait. Je ne sais pas pourquoi, mais après, je ne sais pas. Tu t'es habitué. Je ne sais pas où j'ai trouvé la force. Mon corps, mon métabolisme humain s'est habitué à cette nutrition-là. Dans des restaurants chinois, quand vous allez, il y a certains verres. Ce sont les plats du jour. Les Chinois ont bien mangé les verres, encore oui, vivants crus. Oui, chez nous, là-bas, il y en avait ça. C'est ça que je mangeais. Le jour qu'il avait tué, il nous donnait le riz. On faisait cuire le riz, juste le riz, on mettait, il y avait un cube à l'époque qui teintait toute la sauce. Qui tout le riz. Le riz sortait rouge. Là, on mettait du sel, c'était fini, c'est ça qu'on mangeait. Le jour qu'il avait tué, il partait ramasser les pains pourris à la boulangerie. Il venait, c'est ça qu'on mangeait. C'est moi qui écrasais ses médicaments. C'est moi qui recevais même ses patients. Il y avait des gens qui venaient sur le voir quand ils avaient les problèmes, qu'on les lançait, les maladies, les pieds gonflés et tout et tout. Les draps que j'avais, c'est avec ça qu'on les couvrait. Et bien après, c'est moi encore qui devais les laver. Et souvent même, par faute de savon et par faute d'eau, je me couvrais avec ces draps comme ça parce que la nuit, il y avait tellement de moustiques. Et bien même quand l'eau arrivait, c'est moi qui devais laver ces draps-là. Laver ses slips à lui, les slips de sa femme, tout et nettoyer son tabernacle où il recevait ses démons. Et par moments, quand j'avais vraiment besoin de prendre de l'air, parce que je n'arrivais pas à comprendre, quand je partais un peu me balader pour prendre de l'air, toujours dans la brousse, à la quête de ce que je vais manger, tout ce que je trouvais, je mangeais. Mais je ne tombais, je ne sais pas pourquoi, mais je ne tombais pas malade avec toutes ces choses que je mangeais. Je ramassais parmi des calentilles l'huile de palme, je les mangeais. Alors, quand j'allais essayer de prendre l'air, quand je revenais, il fermait sa porte. Tu sais, dans tous ces moments-là, ça ne t'a pas pensé, passé dans la tête de fuir? Comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu vas entrer dans un endroit qui est scellé, il y a des portails. Je ne pouvais fuir quand il y avait des portails. Il y avait un périmètre bien délimité Aujourd'hui, les Blancs ont modernisé la chose, ce qu'on appelle les traceurs. Mm-hmm. Quand on met sur quelqu'un en liberté conditionnelle, quand on le met un tracé à une certaine distance qu'il ne peut pas déborder. Mm-hmm. Donc, il y avait des portails. Il y avait une circonférence bien déterminée dans laquelle je pouvais marcher. Donc, au-delà de ça, puisque j'avais même déjà essayé, au-delà de ça, je passais au moins une semaine en brousse. Et j'étais fouetté dans une semaine en brousse, je ne voyais pas par qui j'étais fouetté. J'étais déshabillé à nu et enchaîné. Fouetté, déposé devant les fourmis de la forêt. Pendant au moins une semaine. Donc, au bout de cela, ça a fait 4 mois, 4 à 5 mois d'intense souffrance. Tu as passé 4 mois dans ce calvaire. 4 mois dans ce calvaire. Et c'est ta mère qui l'y a mis. Oui. Et un jour, quand le décret a cessé, elle a jugé que Douala n'était pas bon pour moi. Elle m'a envoyé à Tchang. Parce qu'en ce moment, ma grand-mère était à l'université de Tchang. Je suis allé là-bas rester un moment avec elle. Je suis revenu avant qu'on ne prenne la décision de l'internat. Bon, est-ce que tu as raconté à ta mère et à tes soeurs ce que tu as subi là-bas? J'ai déjà que ma soeur, elle est GBCiste. Donc, GBCiste, ça veut dire les gens du groupe GBEC. Groupe GBEC. Voilà. Elle est GBCiste depuis au moins 20 ans, je dis. Mmh. Elle est ancienne du GBEC. Vraiment. Mmh. Quand je suis arrivé, venant, sachant d'où je venais, elle était vraiment irritée et courroucée contre ma mère. Oui. Ils ont eu des distensions par rapport à ça. Que ce n'était pas la solution de m'envoyer là-bas. Mmh. Et quand je suis arrivé, j'étais. Parce qu'en quittant même là. Quel est le travail que le marabout. Quel est le travail qu'il a fait sur toi? Il a travaillé quoi? Son but était quoi? Et quel était le résultat? Pourquoi? Donc il n'a pas fait le travail. C'est seulement de t'utiliser comme ça. Tu m'utilisais. Mmh. Et quel était la. Te voyant, certainement, tu devais être maigre. Quand ta mère venait, qu'elle a vu, quelle était sa réaction? Insensé. Puisque en me quittant de là, mon état de mal. Ouais, mais oui, je me rappelle, je suis vraiment. Et un degré, je ne pouvais plus supporter, je suis tombé malade. Mmh. Et même malade, je travaillais. Il a fallu que j'atteigne un niveau extasique, donc au point où je ne peux plus me lever. C'est là où maintenant il a fait appel, il vient le chercher. Donc c'est là où ça t'amène bien. Ça l'aurait bien. T'amène les Syriens au marabout. Je lui donnais des sommes colossales, vraiment colossales. Alors, elle vient me prendre de l'air, m'amène à Tchang, malade. Et avant de quitter de Tchang, elle m'amène chez un autre marabout. Donc, j'avais oublié. Elle a quitté de ce marabout-là. Tu t'es retrouvé un peu à Tchang. Avant Tchang. Avant Tchang. Avant qu'on arrive à Tchang, tu quittes de ce marabout à un autre marabout. Oui, mais j'ai dormi chez lui une journée. Il s'appelait Papa Ngueya. C'était une tête forte vraiment dans le canton de Douala. Donc, c'était ici à Douala. Le bord du Bonamdourou, le Bessengue. C'était chef du canton de Bonamdourou. Papa Ngueya. C'est chez lui que j'ai été. On m'a encore amené. Comme j'étais malade, on m'a amené pour me traiter davantage. Mmh. Même lui, il a fait sa part. Mmh. C'est le matin que je quitte la Pouchang. Et arrivé à Tchang, j'étais vraiment, vraiment malade. Et ma soeur et ses compagnons se sont mis à prier, à me prêcher l'évangile. Et que tu entendais même? Je ne voulais pas entendre. Tout ce que je voulais, c'est mourir. J'étais fatigué. Je me dis, pour moi, c'est bon comme ça. Ce que tu dis là, ce n'est pas pour moi. J'étais vraiment malade. J'avais perdu vraiment le sang. J'étais vraiment très maigre. Alors, on m'a confectionné des remèdes traditionnels pour le sang, la tomate, le lait et tout ça. Et ma mère arrive sur Tchang, elle dit, elle revient, elle quitte de Douala, elle arrive sur Tchang avec les médicaments que le traducteur pâtissier a prescrit. Encore. Encore. Ma soeur prend, c'est là où ils ont vraiment eu la première, elle a pris, elle a jeté. Elle dit que lui ne boira plus ça. Il ne boira plus ça. Alors, dans la nuit, je rêve, je me retrouve dans la maison du tradit praticien. Celui de PK21. PK21, je me retrouve dans sa maison et me repropose le même remède de le boire. Mais cette fois-ci, j'ai été rusé. J'ai fait mine de boire. Quand il m'a l'air de tourner le visage, j'ai versé au sol. Dès que j'ai versé, je me suis réveillé. J'ai dit ça à ma grande soeur. Que lui a dit, elle a dit, prie. Il ne va plus revenir. Je n'ai pas prié sur cette tranquille. Dans la nuit, la porte a commencé à frapper fort. Et c'était la voix de ma mère qui disait, ouvre cette porte, je veux prendre mon fils. Ouvre cette porte. Elle a dit, tu n'es pas ma mère. Ma mère ne peut pas venir à une telle heure. Et réclamer son fils. Physiquement. Oui, puis là, c'était physiquement. La porte était frappée. Et là, c'est toi, ce qui venait répondre à l'autre question. Oui, que tu n'es pas ma mère, car ma mère ne peut point venir à cette heure-ci. Et cet esprit a eu la voix de ta mère. Exactement. Après, cette voix est partie. Ma mère a commencé à dire, bon, étant donné que je t'envoie ton petit frère, tu l'encourages. Ici à Douala. Oui. Tu l'encourages à marcher contre ma voix. Donc, je vais le reprendre. Quand elle m'a repris, elle m'a envoyé dans cet internat. De l'internat. Oui. Donc, nous nous trouvons donc à l'internat. On t'inscrit donc à l'internat. En quelle année entres-tu à l'internat? C'est les affaires de 2001-2002. Mm-hmm. Et avant d'y aller, parce que c'était vraiment un établissement coûteux, tous les fils et enfants de la prison sont passés par là-bas. Voilà. Donc maintenant, dans cette... Quand tu viens à l'internat, tu trouves les filles du secrétaire général de la présidence, des filles du premier ministre, des autres fils, on les envoie là-bas. Mm-hmm. Parce qu'en réalité, c'est un sanctuaire pour les former, pour être des têtes dans ces pays plus tard. Donc voilà, avançons. Avant même, c'était sur concours. Mm-hmm. Parce qu'on doit tester ton niveau intellect. Mm-hmm. Et le frère de ma mère, à Yaoundé, c'est le directeur de l'école militaire interarmes, le colonel Chotat. Oui. C'est lui qui me dit, bon, je vais t'amener là-bas. Parce que c'est lui, c'est de lui que ça vient. Mm-hmm. C'est lui qui a fouillé, il a vu que c'est là qui était adéquat. Mm-hmm. Alors le colonel, le frère de ma mère, il fait signe. J'arrive à Yaoundé, me prend dans sa voiture personnellement. Mm-hmm. Le chauffeur, là, on arrive à l'internat. Au jeu du concours, il dit va à concours. Donc, ne cache rien de tout ce que tu as vécu là-bas, d'accord? Oui. Parle dans le détail. Ok. Nous sommes arrivés. C'était le jour du concours. Il fallait. C'était mathématiques et tous les physique, chimie, techno et tout. Il a dit tu composes aujourd'hui. Les résultats devaient sortir bien après. Mm-hmm. Je suis allé en salle de compo. Dès que je suis entré en salle de compo, partout, il y avait les emblèmes de croix, les insignes de Marie et tout et tout et tout. Quand je me mets pour composer, j'entends une voix qui me dit ne compose pas. Tu as dit que l'internat s'appelait comment? Bullier, collège Bullier, dans le village de Nkolme Banga. Okay. Quand je veux composer, j'entends une voix qui me dit ne compose pas. Et puis j'ai répondu à la voix que depuis que j'étais chez le marabout. Tu ne m'as pas vu là-bas, qui mangeait les mangues crues là-bas, le cerf. C'est maintenant que tu me dis ne compose pas. J'ai dit je vais seulement composer. Si, ici. Si, ici. Et cette voix-là n'était pas familière vis-à-vis que par rapport à tout ce que tu avais pratiqué dans le passé et que quelqu'un te disait c'était la même voix. C'était la même voix. Et puis j'ai dit que la voix, c'est juste dans ma vie pour m'embrouiller. Que tu es là pour me trouver. Et puis j'ai dit si, ici, je peux avoir. Et se laisse qu'un plat de riz et dormir un toit. Je vais composer. La voix n'a plus rien. Tu vois que c'était relativement mieux par rapport à ce que tu as subi dans la brousse. Oui. Alors, j'ai composé. Et le cadre est attirant. Très attirant. Ouais. Il y a tout. J'ai dit bien, une ville dans une ville. Mm-hmm. Tu as tout. Tous les terrains de foot, tous les aires de jeu disponibles pour ça sont là-bas. Mm-hmm. Et là, quand on arrive là-bas, il n'y a pas qu'on part pour les vacances, on revient. C'est un an plein. Donc, c'est un an plein, vous avez tout là-bas. Mm-hmm. C'est comme un pensionnat. En fait, chez les Blancs, on appelle ça plutôt le pensionnat. Donc, prépare-nous. Donc, les choses se passent là-bas. Exactement. Voilà. Donc, tu composes, la voix te dit, ne fais pas cela. Quelle est ta réaction? Je compose, je continue à composer car j'ai attendu du secours en ce temps. J'ai pas vu. Maintenant que je suis sur le point d'avoir même plein vers le tapioca, Quelqu'un sort de nulle part, dit que ne compose pas. Je compose pas, j'ai composé. Et puis, on nous a dit, revenez la semaine prochaine, prendre des résultats. Et comme mon oncle, le frère de ma mère qui est colonel, était en civil. Oui. Il n'était pas retenu, il a dit que son chauffeur qui était avec sa voiture. Il a dit, je ne peux pas revenir. Mon emploi du temps ne me permet pas. Il va donner. Donnez-moi ça. Son résultat là. Donnez-moi le résultat là. On a dit, monsieur, on ne peut pas donner. Et alors qu'on a dit, monsieur, on ne peut pas donner. C'était l'adjoint du principal de l'établissement. On l'appelait l'abbé Léandre. C'était un labé. L'abbé Léandre. Oui. C'était un Camerounais ou un... Un Camerounais. Oui. Bon, un métis. Bon, il a le visage un peu brun. Voilà, c'est son père a été formé au Vatican à Rome. Ok, les voir. Voilà, sa mère était Camerounaise. Suivez-le bien maintenant, les voir. Donc, vous allez entendre ça maintenant. Voilà. Et dès qu'il a dit ça, le chauffeur, qui était un lieutenant, qui est venu lui dire que c'est le colonel Chotat qui te parle, directeur adjoint de l'école militaire armée de l'Afrique centrale qui te parle, obéit. Il s'est retourné, il allait dans le fichier, il a sorti. Le résultat. J'ai passé la mention plus que bien. Il a dit ok. Donc tu vas bien manger les poulets là-bas. Au moins, c'est quand tu entends ça, tu étais content. Il a dit ok, c'est très bien. Alors là, maintenant, je ne vois pas ce qu'il y a lieu de faire. Quelles sont les fournitures scolaires? Faites-moi un devis là. Le militaire, c'est là. On lui a fait ça là. On lui a fait un environnement bancaire là. Il a dit ok. Donc tu vas quand même rentrer. Tu dois là prendre quelques des affaires avant de revenir. J'étais déjà inscrit. Dans le jour que je suis venu composer, j'étais le premier. J'étais inscrit, j'avais la tenue de fête, j'avais la tenue de sport, j'avais tout. On m'a même monté les dortoirs. Nous sommes rentrés. Quel est ton état d'esprit quand tout ça se passe comme ça là? Tu as comme l'impression que ta vie en est allée maintenant sur une nouvelle voie. Je suis... Sachant pas que c'est toujours les profondeurs de Satan. J'étais très ravi parce que j'étais pas sous l'autorité de quelqu'un. J'étais pas sous l'autorité. Il n'y avait pas quelqu'un qui m'a dit fais ci ou fais ça. J'étais là entre nous les jeunes. J'étais là face à mon futur. Donc il faudrait que je me batte là pour en sortir. Et j'étais vraiment appliqué à l'école. Alors, Il me raccompagne à Yaoundé, il me laisse. Mm-hmm. Il me paye le ticket, il a dit il ne peut pas me déposer à Douala, il est occupé. C'était quelques jours. Il laisse à Yaoundé, lui il va à ses occupations. Oui. Tu es obligé de payer le ticket. Il m'a donné l'argent. L'argent. Tu payes le ticket pour descendre sur Douala. Arrivé là-bas, puisque le frère de ma mère, là, quand il parle, c'est comme parole d'évangile. Mm-hmm. Il est comme ça. Quand il parle, c'est oui. Mm-hmm. Vous, oui, amen, vous validez cela. Mm-hmm. Je suis venu, il a dit que je prenne mes affaires et tout, et tout, et tout. J'ai pris mes affaires, je suis remonté sur Yaoundé. Mm-hmm. Il m'a encore pris dans sa voiture et son chauffeur. Nous sommes arrivés en Colmebanga, mm-hmm. le jour de la rentrée. Parce que chez les internes, si la rentrée c'est le 6, chez les internes c'est le 5. Mm-hmm. Ils viennent à la vente pour commencer le jour de l'école, même comme les autres. Mm-hmm. Nous sommes arrivés. Donc dans cette école, il y a des gens qui sont intéressés, qui passent le temps là-bas. Oui. D'autres qui sortent de l'extérieur pour oui. y aller et sortir, rentrer le soir. Oui. Mais vous, quand vous rentrez, vous habitez là-bas. Oui, il y a les internes et les externes. Okay. Exactement. Mm-hmm. Il y a les internes et les externes. Mm-hmm. Et comme tu étais interne, donc, ça veut dire que si la rentrée c'est le 6, toi, pour vous c'est le 5. Voilà. Okay. Quand je suis arrivé dans le jour de la rentrée, j'étais vraiment impressionné. Mm-hmm. Parce que, étant à Sakaire, c'était un établissement. À l'époque, comme je disais, c'était les bobos qui allaient là-bas, ceux qui avaient l'argent. Donc les riches. Quoi. Oui. Mm-hmm. Quand je suis arrivé à cet internat, j'étais vraiment impacté car tous les véhicules qui étaient là, mm-hmm. leur plaque d'immatriculation, c'était SN. SN, Sûreté Nationale. Mm-hmm. Donc ce n'était que les enfants qui étaient là-bas. Mm-hmm. On nous a tous présentés, on nous a mis dans mon dortoir, on a porté les cantines, on les a mis dans les cantineries. On a monté chacun son lit. Mm-hmm. Mais à partir de cet instant, je me sentais plus bien. Mmh. À l'instant où on a installé, tu as vu, malgré le confort, quelque chose n'y allait pas. Je me sentais pas. J'avais l'envie de. Je me dis, mais pourquoi je ne peux pas rentrer à Douala fréquenter comme tout le monde. Mmh. Parce que ma dite étude ne m'empêchait pas d'avoir de bons résultats. Mmh. Voilà. Alors, je ne me sentais pas à l'aise. Il y avait maintenant ce qu'on appelle les maîtres d'internat, mmh. ceux qui contrôlent l'internat des garçons. Mmh. Voilà. On nous a mis chacun son lit. Et dans cet internat, vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 1000 francs sur vous. Par coup, tout est à votre disposition. Mm-hmm. Nous sommes couchés, nous avons fait connaissance, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Quand la nuit est venue, vous savez, quand j'arrive dans un endroit qui est nouveau pour moi, surtout où il y a une hostilité, je me sens pas à l'aise, le sommeil est difficile, mm-hmm. l'atmosphère est lourde. Mm-hmm. J'arrivais pas à dormir. Alors j'ai eu une soudaine envie d'uriner. Écoutez, maintenant on est entré dans le plein cœur, d'accord? Soyez attentifs, d'accord? Vous êtes ici? Soyez attentifs. Déo, vous suivez. Déo, vous suivez. Oui, le faire. Ok, allons-y. Comme je dis tantôt, je n'arrivais pas à dormir. C'était très difficile. L'atmosphère n'était pas favorable. Je n'arrivais vraiment pas à dormir. Et les internants se collent comme ce qu'on appelle communément la salle d'eau, dont la douche, ça peut quitter d'ici. Ça arrive jusqu'à la boulangerie, qui est juste l'autre côté là-bas. La boulangerie, on appelle encore ça bijoux. Mmh. Elle est tellement immense, parce qu'elle est pour tout le monde. Dans le bâtiment, on pouvait être même 300. Mmh. Donc je suis allé, j'avais vraiment envie d'uriner. Et il y avait une loi qui disait qu'à partir de minuit, je ne savais pas cette loi, mmh. qu'à partir de minuit, c'était nouveau, qu'à partir de minuit, aucun interne ne devait aller aux douches. Aucun interne donc, devait aller aux douches. C'est la loi interne de cette collègue. De cette et toi, tu n'es pas au courant de cette loi. Je ne suis pas au courant. Tu sens un désir d'uriner. Qu'il faut que j'aille uriner. Mmh. Puisque le réveil matin a été 4 heures. Mmh. On ouvre à 4 heures, on se lave pendant 1 heure à 5 heures. On va dans les salles de classe, on médite 6 heures. On va au refaitoire. Mmh. On mange le pain et la bouillie. 7 heures, nous sommes en salle de cours. C'était ça la routine journalière. Mmh. Alors, j'ai envie d'uriner. J'ouvre la porte. Mmh. Il y avait un froid glacial. Et derrière le bâtiment des garçons, il y a un fleuve. Mmh. Il y a beaucoup de courant d'eau. Donc, il y avait un froid glacial dans les douches. Mmh. J'allume. Ça ne s'allumait pas. Pourtant, généralement, c'est censé s'allumer. Mmh. Ça s'allume, ça ne s'allumait pas. Mmh. Les douches en question étaient éteintes. Mmh. Mais les douches voisines mmh. du bâtiment voisin étaient allumées. Mmh. Il y avait des petits trous. Mmh. Et les petits trous, la lumière reflétait. Mmh. Donc, je pouvais quand même voir un peu. Donc, tu as la lueur des lumières, ça te permet d'éclairer la salle qui est ténébreuse. Exactement, juste mmh. un peu. Mmh. Donc, voilà qui entre. Je me mets à uriner. Voilà où ça commence. J'urine. Dès que je finis, je me retourne, je regarde derrière moi, il y avait une ombre. Il y a l'ombre au sol. Et l'ombre avançait vers moi. L'ombre pouvait avoir la taille un peu plus de la maison de ma vie. J'avais la détail, c'est-à-dire la description parfaite. Mm-hmm. L'ombre était au sol, avait des cornes, avait des pieds de vache, bien grandes de taille, bien costaud. Baphomet était là. Bien costaud. Donc, quand tu voyais l'ombre en tête, tu savais que la chose qui était derrière toi avait les cornes. Bien, c'était bien. Avec les pieds des boucs comme ça au sol. Exactement. Mm-hmm. Exactement. Il était là comme ça. Il était, quand je l'ai vu, il était placé debout. Après, il s'est mis à avancer. Et dès qu'il a posé le premier pas, j'étais dans l'incapacité de bouger de nouveau. C'était paralysé. J'étais paralysé. J'ai voulu fuir. C'est un peu comme on a l'oppression. Dans comme, comme dans le songe, tu vois que quelqu'un est déposé, tu veux même crier, tu ne parviens pas à crier. Tu ne parviens pas à crier. Il vit ça maintenant physiquement. Physiquement. Donc je veux bouger, je suis figé. Lui ne fait qu'avancer vers moi, doucement. À ce moment, à cet instant précis, je savais que... C'est fini, que je pars. Que je dois partir. Donc je ferme la tête, je baisse la tête, je ferme les yeux. Ce qui va arriver arrive. Ce qui va arriver arrive. Il était juste à quelques centimètres. Il a tendu la main comme pour me prendre. Et à l'instant qu'il tendit la main pour me prendre, subitement, un autre nouveau, qui ne connaissait pas la loi, allume la lumière, s'allume. Il pousse la porte. Lui, il est sorti pour aller pisser. Pour aller pisser. Il a poussé la porte. Et il est venu subitement là où tu es. Pourtant, il y en a des centaines de bouches comme ça. Des exactement. Ça. Il est venu seulement là où je suis. Et il a allumé l'interrupteur, la même interrupteur que j'ai allumé et qui ne s'est pas allumé. Mm-hmm. C'est la même que lui, il a allumé. Ça s'est allumé. Et juste à quelques centimètres de moi, je sentais la froideur de sa main arriver vers moi. Mm-hmm. Vraiment la froideur parce que mon dos était froid, je la sentais. Mm-hmm. Et alors, le nouveau a allumé. Et dès que le nouveau a allumé, j'ai été relâché de mon oppression. C'est pour ça que tu es rentré à tomber. Dès que je me suis tourné, la salle était vide. Lui vient me trouver, ne sachant même pas ce qui se passe, il me dit que tu fais quoi dans le noir. Lui aussi se met à pisser. Oui, je suis encore resté là, genoux. J'étais stupéfait. Mm-hmm. Scandalisé, je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qu'il en est. Et puis dès qu'il remonte, je le suis aussi, de peur que je reste encore là. Je me couche. Et là, le sommeil ne peut plus me prendre. Alors, quand tout le monde est en train de dormir, cette même nuit. Voilà, après que tu sois allé à la douche, rentrer, vu ces événements-là. Ouais. Alors, j'entends. Je savais intérieurement que c'était la même personne. Je savais. Et j'entends ses pattes, parce que je vais dire ses pattes, marcher sur le couloir. Dans le dortoir, tu attendais comment ça arrivait. Ça marchait. Juste arrivé au niveau de notre porte, un autre nouveau s'est réveillé. Un nouveau s'est réveillé, il a allumé maintenant dans toute la grande salle. C'est qu'il faut qu'on allume, ça arrive tout le monde. Il a disparu. J'ai seulement vu l'ombre sur la fenêtre qui s'est reculé. Il était vraiment costaud et musclé. Il s'est reculé. J'étais épris vraiment de frayeur. Je me suis dit, qui m'a emmené ici? Comment faire pour entrer quand je suis déjà engagé? Alors, comme j'ai dit... Là où tu es, tu ne peux pas rentrer parce qu'il n'y a pas de voiture pour rentrer. Il n'y en a pas. On vous fait rentrer là par commande. Donc, ça dit, c'est vos parents. C'est eux qui donnent l'autorisation à vos parents qui viennent vous chercher avec les véhicules. Donc, ce n'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas possible. Alors, comme j'ai dit ici, j'avais toujours, quand c'était fort, j'avais toujours la... L'envie, que quand c'est le désir, tant pour moi, que c'est fort de descendre les genoux, de prier. De prier. Le moment que tu étais dans le faux comme ça, tu priais quand même le vrai Dieu. Oui. Le Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force. Mm-hmm. Et dans ce faux-là, je te rappelle, avant d'y aller, je suis allé de dénomination en dénomination. Mm-hmm. Donc la connaissance de la parole y était, mais elle ne prenait pas vie. Mm-hmm. Alors j'ai prié comme ça se devait. Mm-hmm. J'ai demandé que le Seigneur me fortifie ici, dans cet endroit, quand je sais qu'ici, c'est un autre niveau ici. Mm-hmm. Le matin, le chef, en fait, le matin de ce temps, quand vous réveillez à 4h, 4h, le chef d'internat se lève, il réveille tout le monde. Oui. Il revient sur mon lit, il me lève. Jusque je dormais, il me regarde. Mm-hmm. Il me regarde attentivement. Et après, il me dit, fais très attention. Il continue. Lui, il est quoi, le chef de là? Il est quoi là-bas? Il a aussi, il fait partie du corps du prêtre. Du corps du prêtre. Donc, il est d'abord un prêtre. Il est d'abord un prêtre. Okay. Il me lève, il me dit, fais très, très attention. Et c'est, lui, c'est un Camerounais aussi. Oui, c'est un Camerounais. Et là, maintenant, tu ne connaissais pas encore son nom. Non, je ne connaissais pas son nom. Mm-hmm. Jusqu'à là, maintenant, je n'ai pas su son nom parce que je n'ai pas voulu le... Ce qu'il m'a donné là, ça, c'était suffisant. Il a dit, fais très attention. Mm-hmm. Fais très attention. Oui. Après, je ne me suis même pas lavé. Mm-hmm. Quand il s'est lavé là, je ne voulais plus entrer dans la douche. Là. J'ai porté ma tenue de plate doucement. Je restais toujours, il y a la masse où il y a les gens. Mm-hmm. Toujours, il y a les gens. Quand on finit, on va dans les salles d'études. Mm-hmm. Comme ça, dans les salles d'études, il vient vérifier si chacun entre lit son cahier. Mm-hmm. Dès qu'il arrive sur moi, il dit, fais très attention. C'est à lui, tu vas me créer des problèmes. Mais tu savais de quoi les questions? Là, je sais pas. Parce que ce que j'ai vu, tu me demandais de raconter, je ne raconte pas. Mm-hmm. Parce que j'ai raconté ça bien après des années, bien après. Mm-hmm. Même quand je suis rentré, ma bouche était fermée. Mm-hmm. Il ne parlait pas de ce que j'ai vu là-bas concernant les catholiques. Mm-hmm. Il dit, tu continues comme ça, tu vas me créer des problèmes. Je dis encore, mais. Il y a encore des manques que même partout où je vais, c'est pour créer des problèmes. Je ne vois pas pourquoi. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Mm-hmm. On dit seulement que je vais créer des problèmes. Mm-hmm. L'école a continué normalement. Et en passant, dans cet établissement, j'étais le seul. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais le seul dans tout ça. Tous étaient des Yaoundé, des Étonnés, des Boulou et des Manguessa. Mais le village de Nkolmé Banga, c'est précisément pour les Manguessa. J'étais le seul Bamileke, le seul qui avait les toutes meilleures notes. Donc ça veut dire qu'il y avait tout le monde qui comptait. Tout. Et au premier trimestre, les choses n'étaient pas très bonnes. Mais la première séquence, c'est là où tout encore chamboulé. Quand j'ai tapé la première note de tout l'établissement, bon, j'avais tapé 17 de moyenne. Tout l'établissement. On a remis les prix. Tous les externes et les Manguessa étaient contre ça. Ils n'étaient pas d'accord. Mais on n'avait pas le choix que de me donner le prix. Alors, cette même nuit, je suis en train de dormir. J'envoie ma main sur l'oreiller. Là où vous dormez, c'est un peu comme chez les militaires où il y a les lits en Syrie. Exactement. En Syrie. Oui, les lits en Syrie, plein. Mm-hmm. Il y a maintenant celui qu'on appelle le chef de dortoir, dont l'ancien qui vous avez trouvé là-bas, que tout le monde a trouvé. Voilà, il a une petite cabane là-bas. Alors, moi, voici qu'ils sont en train de dormir. En dormant, je ne sais pas ce qui me prend, j'envoie mes mains sous mon oreiller. Parce que nous, les internes, on ne veut pas le faire repasser. Pour que la tenue soit toujours bien, on l'a pliée et on l'envoyait sous l'oreiller, ça sortait avec les plis. Alors, j'envoyais ma main par là. Dès que j'envoie ma main, je touche un serpent. Sous ton oreiller. Sous mon oreiller. Dans le dos qui est censé être bien propre et bien nettoyé là-bas. Je dis bien que je touche un serpent. Dès que j'ai touché le serpent, je me suis arrêté. Je n'ai plus bougé. Car j'avais toujours appris que dès que tu es face à cet animal, tu arrêtes ton rythme cardiaque pour qu'il ne sente pas les pulsions. Parce que s'il sente les pulsions, il va se sentir effrayé. Si ça sent effrayé, pique. Mais une chose est sûre, dès que j'ai envoyé, je savais que ce n'était pas normal. Que fait le serpent sous mon oreiller? Dès que j'ai envoyé, je suis resté. Comme on dit, bouche inerte, j'ai plus bougé. Normalement, ce serpent devait me piquer. Ma main était sur ce serpent pendant près de 2 heures de temps. Il n'a pas bougé. Mais il savait que je le touchais parce que je ne peux pas retenir ma respiration pendant près de 5 minutes. Après, mon rythme cardiaque a repris. Donc, tu n'as pas enlevé la main? Je n'ai pas enlevé la main. Ma main est restée froide sur sa peau. Et ce n'était pas un petit serpent, c'était vraiment un gros serpent, une grosse vipère. Ma main est restée froide sur la peau du serpent. Lui aussi n'a pas bougé. Moi, je n'ai pas bougé. Nous sommes restés là pendant près de 2 heures de temps. Parce que ce phénomène... En temps, qu'est-ce qui s'est passé dans ton esprit tout ce temps? J'étais troublé. J'étais vraiment troublé. Je ne comprenais plus rien. Et tous ces phénomènes vont entre minuit et 3 heures. Je vais vous expliquer pourquoi entre minuit et 3 heures. Ok. Tout entre minuit et 3 heures. Donc, entre de 1 heure à 3 heures, nous sommes restés là. Ma peau sur lui et lui collé à ma main. Donc, ça peut te donner ta forme de l'oreiller. Voilà. Alors, après, il s'est détaché. Je dis bien, il s'est détaché. Quand il s'est détaché, il a rampé sous ma main sur l'oreiller, il est sorti. Il a glissé. Alors que parce que l'œuf finissait déjà. Courage. Courage. Il est quitté sous mon oreiller, glissé sur ma main, s'est enveloppé sous mon cou. Je n'ai pas bougé. Mon rythme cardiaque n'a fait qu'accélérer. Donc, il avait toutes les raisons pour me mordre. Il a tourné sous mon cou, il est descendu, il est parti. Dans le dortoir. Dans le dortoir. Je ne sais pas quelle direction il a prise. Il est parti. Et il n'y a pas de trou sur le mur pour qu'on puisse comprendre qu'il est dû passer par là. On se réveille le matin à 4 heures. Je lis mon cahier, je ne comprends rien. Je n'arrivais même pas à dire. Au début, j'étais peu courageux. J'étais vraiment peu courageux. Après, on a commencé à faire maintenant des, comment dirais-je, vous savez, les catholiques ont pour eux de théologie. Ce qu'on appelle, régulièrement, on appelle ça la catéchèse, quand c'est en ville. Mais dans les internats, on parle de théologie pour qu'on vous forme à être des prêtres demain. Que vous le voulez, que vous ne voulez pas. Vous allez tourner dans le monde de l'entreprise, mais revenir à l'appel des prêtres, nous former à ça. Là, ça avait repris. Alors, dans leurs enseignements, je trouvais beaucoup de choses qui n'étaient pas normales. Vu que quand on a pris du marabout, et allant vers ta soeur, vous avez fait des dénominations. Exactement. Dès lors qu'on arrive là-bas, on commence à faire des prosternations pour Marie. Il y a des frères maristes qui font des choses et tout. Et je ne trouve pas ça normal. Je commence à poser problème. À dire, il est écrit, tu ne te prosterneras pas devant l'homme. Il commence à dire, Marie a reçu la grâce. Je dis, même si elle a reçu la grâce, elle était humaine. Elle n'était pas... Comme tout homme, elle est née dans le péché. Voilà. Donc, c'était une grâce particulière. Mais il est écrit que maudit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit l'homme qui font des statues. J'ai commencé à avoir beaucoup de soucis par rapport à ça. Alors, une autre fois, nous sommes dans les refertoires où les internes mangent. Nous sommes en train de manger. C'est moi qui étais le chef de table. Donc tu as gardé les échelons. Et l'échelon particulièrement, c'est l'échelon sur la table. Ouais, voilà. Quand donc, c'était chef de table, oui, donc tu avais boxé pour les autres. Oui. Donc, au moins, les entraînements où tu as vu à PK 21, tu avais reçu la promotion. Voilà. Et c'est la bonne promotion. Donc, pour être gradé à l'internat, il faut vraiment... Pour être gradé à l'internat, il faut vraiment avoir les points solides. En tout cas, dans l'internat dans lequel j'étais, pour être gradé là-bas, il fallait avoir les points solides. Il fallait vraiment savoir se battre. Quand tu parles de se battre, j'ai envie de se battre physiquement. Oui. Comment? D'abord physiquement. D'abord physiquement. Parce que quand tu viens, automatiquement, il y a un ancien qui est aussi chef de table. Donc, tu dois le déclasser pour être toi-même chef de table. Oui. Alors, j'ai pu être chef de table en brisant au moins les côtes et les bras de beaucoup. Avant de me placer. Après, c'est une que tu avais appris sur les tâches. Donc, tu avais les résidus. Donc, il fallait que je me fasse imposer par le... Parce que si on est mou à l'internat, on sera même sodomisé par ses propres amis à l'internat. Parce qu'il y a beaucoup qui ont été couchés par leurs propres amis là-bas. Sous l'enseignement de leurs prêtres. Donc voilà, mais il faut dénoncer tout cela, n'est-ce pas? Voilà. Donc maintenant, tu es promis un chef de table. C'est moi qui sais la nourriture. Mais quelle est la chose particulière qui se passe là-bas? Mais voilà que je suis en train de servir. C'était les spaghettis. Je sers. Très bien. La nourriture conventionnelle que chacun a. Tu as ça dans ton main, c'est sorti de la marmite, ça chauffe, tu en as de célébrer. Tu en as de sortir de ton plat subitement. Je suis en train de servir. J'étais le dernier don à vouloir me servir. Pour toi. Dès lors que je veux envoyer ma tête pour regarder la quantité qui me reste à moi. Ça, c'est l'avantage des chefs de table. Bien sûr, puisque je dois avoir bien plus que les autres. Dès que j'envoie la tête pour regarder. Il y a un serpent qui sort des spaghettis. Il ne sort pas. Attends, les gens, ce n'est pas le film. Il n'est pas de raconter qu'il est arrivé que je suis. Disons, il faut qu'on suive. C'est quelque chose qu'il a vécu, d'accord? Tu mets le spaghetti dans une même marmite, tu mets pour tout le monde. Quand tu arrives, tu sais pourquoi le serpent sort. Il ne sortait pas doucement. Il sortait dans le but de plonger sur toi. De me mordre. Et je ne sais pas où est venu le réflexe flexible. Je ne sais vraiment parce que je ne m'y attendais pas. Mais je. Comme j'ai dit. C'est comme un serpent qui s'était préparé pour lâcher. Oui, exactement. Donc j'ai été. C'est comme si j'étais obligé d'être flexible. Donc je contrôlais pour mon corps. Une façon de seconde. C'est allé comme ça. C'est sorti. C'est tombé sur la table du voisin. Tout le monde s'est écarté. C'était pas un petit serpent, frère. C'était bien long. Mais je me suis demandé comment il faisait pour être dans cette marmite. Et la mamie chauffait. La mamie chauffait bien. Et lui, il était vivant. Il était bien vivant. Dès que ça m'a raté, il est sorti par la fenêtre. Il est parti. J'ai plus mangé. Quelle était la raison des camarades qui étaient là? Tout le monde était effrayé, mais il y en a. Il y a un cercle là. Les anciens, en fait. On appelle ça le collectif des anciens à l'internat. Savaient clairement de quoi il était question. Ils avaient leur table. Le collectif des anciens, tu ne peux pas être nouveau, tu les manges là-bas. Ils avaient leur table, ils avaient leur marmite. Ils avaient leur quantité à eux. Alors, quand tout le monde s'est mis à s'affoler, ces collectifs là-bas, les prêtres là-bas savaient que ça, c'est comme ça, ces clans-là. Oui, puisqu'ils venaient souvent manger avec ces gens, ils venaient leur donner des recommandations. Parce que souvent, eux, ils décidaient, certaines tables qui ne devaient pas avoir la nourriture, qui devaient jeûner. Alors, eux, quand tout le monde s'est affolé, ils sont restés tranquilles. Ils étaient là en train de manger. Ils continuaient de manger, ils observaient. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais à base de là, j'ai commencé à forger mon courage. Au point... Et le prêtre, s'il vous plaît. Le prêtre, il fallait même que je commence par là. Le prêtre, le principal même, qui était le prêtre exorciste, s'appelait l'abbé Onomo Alexis. L'abbé Onomo Alexis. Donc c'est lui qui est comme le... Quand dans un lycée, il y a les proviseurs. Oui. Donc là-bas, c'est lui qui est le petit coiffeur. Le coiffeur. Le responsable de l'établissement. Il rendait directement compte à Rome. À Rome. Parce que cet établissement dépendait de Rome. Il rendait compte à Rome. Alors, ce monsieur... à ceinture noire, karaté, shotogan, step down. Donc il impose le respect. Parce que les gars avaient voulu. Même physiquement. Les gars avaient voulu l'agresser. Ils avaient tous tapé sans les toucher. Les gars n'avaient pas compris. Il les a tapés, le prêtre. Il les a tapés sans les toucher. Avec la pensée, il les a tapés sans les toucher. Le prêtre au nom. Mais quand tu le vois, ils vont dire nous ne peut tout spiritus santus. C'est quoi que tu vas le taper comme ça? Voilà. J'ai commencé à être de plus en plus courageux, de plus en plus rebelle à leur doctrine. Même quand on nous enseignait. Leur dite théologie. Ils ont les livres avec lesquels eux, ils font ça. Quand tu dis, ils ont leurs livres, c'est au-delà de ça. Il y a des choses qu'on donne à la population. C'est la face officielle. Il y a la face interne maintenant que c'est aux initiés. Non, ça, déjà premièrement, C'est un rouleau et c'est en latin. C'est ce que sont les bibliques, n'est-ce pas, hein? Il y a ce qu'on veut que les gens connaissent dehors. Ceux qui sont dans le corps connaissent. Donc, ça veut dire que c'est que les catholiques montrent aux gens dehors, les fidèles qui vont chaque dimanche. C'est la coque. Tu peux dire quoi de ça? C'est la coque. C'est la coque. Donc, c'est bien la coque. On les manipule seulement. Quand vous êtes en train de faire ça, Baphomet est bien présent parmi vous. Ok. Je n'ai pas dit qu'il vient, il parle. J'ai dit qu'il est présent et assis. Mm-hmm. Et il vous regarde quand vous faites tout ce que vous faites là. Mm-hmm. Donc, c'est la coque. Mm-hmm. Et ce qu'on nous donnait, c'était des rouleaux. Mm-hmm. Et c'était en latin. Mm-hmm. On vous donnait le rouleau. Quel était le but? Vous êtes censé venir apprendre là-bas. Oui. Et à quel moment ça se passait? À quelle séance ça se passait? Comment ça se passait? On incrustait ça dans les cours. Mm-hmm. Tu pouvais avoir la soie en mathématiques. On te laisse. Mm-hmm. En sciences, mm-hmm. on te laisse. Mm-hmm. Mais si tu avais la soie en catéchèse latine, oui. on te fouettait au moins un mois. Donc, c'était impératif, obligatoire que tu devais maîtriser ça. Mm-hmm. Tu devais réciter le rouleau à tour de rôle. Mm-hmm. Et quand tu récites, est-ce que vous compreniez ce à mon tour. Oui. Okay, donc, d'autres ont récité, chacun a eu son tour. Comment ça a dépassé ça? On vous donne le rouleau que vous allez lire mm-hmm. et par la suite, vous allez restituer sans l'avoir devant vous. Oui. Ok. Quand on demande aux enfants de Dieu de maîtriser les passages bibliques en exhortant. Quand les exhortations soient de connivence avec le passage biblique en question. Mm-hmm. C'est pareil là-bas. Mm-hmm. Alors, vous devez maîtriser ça. Mm-hmm. Comme on dit, la parole doit prendre vie en nous. Mm-hmm. Chez eux aussi, c'est un rouleau en latin qui doit prendre vie. Mm-hmm. Seulement en les prononçant, ça doit prendre vie. Mm-hmm. Et ça doit prendre vie dans la nature. Mm-hmm. Seulement en les prononcer, si je les prononce ici, là, si un pot de fleurs, ça doit d'abord tomber. Mm-hmm. Si elle est lumière, elle doit bouger. C'est ça qu'on appelle prendre vie quand on parle du vrai latin. Ça veut dire que c'est le latin, le truc, on vous pousse à faire des incantations. Exactement. Mm-hmm. C'est ça qu'on enseigne aux enfants là-bas. Ils ne connaissent pas. Mmh. Alors, nous sommes là. Donc, on a donné à chacun de réciter. Chacun, de réciter chacun ça, récite sa part. Mmh. Tu récites. Et au fur et à mesure que tu récites, comment on dit quoi? Dans le langage spirituel, on dit qu'on teste tes immunités. Donc, on teste ta puissance d'énergie. On sent ce qu'elle est comme énergie que tu voilà. dégages. C'est à partir de ce que tu récites et ce que tu dis, tu peux faire de grandes choses. Mmh. On commence parce qu'il y a eu beaucoup de tamis. Mmh. Et à la fin, on s'est retrouvé à 10. Mmh. Donc, j'étais en tête. Mmh. Donc, voilà. Ça veut dire que dans tous les élèves qui sont venus là-bas, on récite pour voir si quelqu'un a récité hier et fait. Oui. Quand tu n'as rien, on dit que celui-ci, même à 5 fois, on ne peut pas le vendre dans le monde satanique. On bouge. On t'envoie dans une autre session. On t'envoie dans une session pour que tu dis persévérer là-bas. Ceux qui sont bien avancés, qui ont l'énergie bien adéquate, on vous prend. Oui. Voilà. Alors, comme j'ai dit, j'ai commencé à m'opposer beaucoup à leur doctrine. Un beau séminaire qu'on a organisé quand l'abbé Onomo. Ok, je t'ai dit que le principal lui s'appelait comment déjà? L'abbé Onomo Alex. À cet âge, il était arrivé. Oui. Donc maintenant, depuis le rang, tu es au courant des. Il a rompu. Il a rompu. Oui. Voilà, il allait rencontrer encore le diplôme. Avance, mon frère. Voilà. Quand les vendredis, il y avait séminaire. Chaque vendredi, il y avait séminaire. Alors, un vendredi, il était en train de dire ce qu'il disait. Là, dans ce séminaire, là, vous êtes dans une cathédrale comme s'il y a un lieu de prière. Oui. Donc, tous les élèves qui. Il y avait ça dans. Classes, oui. Il y a un endroit pour ça dans les. Catholique, comme on a conçu là-bas normalement. Oui. Il y avait un endroit. Il y a un endroit pour ça. C'est un séminaire officiel. Exactement. Il y a un endroit pour ça. Il y a une maintenant la chapelle. Oui. Dans, toujours dans cette enceinte. Des villages pour venir là-bas. L'internat, là, je vous assure, l'internat, là, pouvait quitter d'ici, arriver jusqu'au chez le frère Ferrand. Ça veut dire qu'au moins 3 quartiers. Oui. Jusqu'au chez le frère Ferrand. Donc, il y avait tout. C'est une ville dans une ville. Voilà. Alors. J'ai dit à l'abbé que le Seigneur Christ est l'oméga, elle a fait l'oméga. Il a dit c'est faux. Cet abbé-là. Oui, que c'est faux, c'est satanique. Mais dans ce cas, pourquoi il confesse que nous croyons en Dieu qui est venu dans la chair, ressuscité le troisième jour? Non, il veut savoir. Il m'a traité, il a dit que c'est satanique. Non, il veut dire, n'est-ce pas? Tu penses que quel est le but pour lequel, dans le credo, qu'on donne aux gens dans la catéchèse? On dit que Jésus-Christ, il est Dieu venu, s'est incarné, ressuscité le troisième jour. C'est la part. Je pose la question pour que vous compreniez ce qu'il dit là, les enseignements, vous ne saisissez pas. C'est la part. Donc, ce qu'ils disent là, ce n'est pas le même Jésus dont vous parlez. Ce n'est pas le même. Vous saisissez, n'est-ce pas? C'est pas donc, le même. Donc, tu lui dis que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Que moi, je suis sataniste. Mm-hmm. Que toi, tu es sataniste. Et j'ouvre déjà trop les yeux, que je suis sataniste. Il dit que si tu ouvres les yeux en disant que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, c'est toi qui es sataniste. Oui. Alors. Comme j'étais toujours une nature rebelle, je prends la Bible, je lui montre que c'est écrit. Je lui montre l'Apocalypse, que je suis la fin, je suis le premier, la fin, et tout. Il ne dit plus rien. En ce moment, tous les yeux le regardent. Mm-hmm. Et tu le dis comme ça, séance, t'es dans tout le monde. Mm-hmm. Tout le monde tourne le regard vers lui, on regarde dans sa réplique. C'est qu'il va dire puisque c'est publiquement prouvé. Mm-hmm. Il reste, il regarde. Il dit que la séance s'achève maintenant. Dès qu'il a fait la séance, il s'est achevé. En ce moment, je vois les interclasses. Dès qu'il a fait la séance, il s'est achevé. On a ouvert les bâtiments. J'ai porté mes godasses, je suis allé au stade parce que je devais jouer. Mm-hmm. Arrivé au champ, j'ai mis mes pieds dans une trouffe d'aigle. Le serpent s'est enroulé sur mon pied encore. Le serpent, mais enroulé directement. Je vous dis, c'était pas un petit. Je n'ai pas fait, je n'ai pas eu à faire une seule fois un petit serpent. Et tous les gros. Toujours les gros. Il s'est enroulé là, prêt à mordre. Il a levé la tête, prêt à mordre. Je suis resté tranquille. J'ai encore eu recours au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, moi, s'il faut que je parte, je parte. Je suis resté tranquille. Ça, c'est en pleine journée. En pleine journée. Mm-hmm. Tous mes amis étaient en bas. Tout le monde criait, mais c'est comment? Puisque j'étais le capitaine. Moi qui devais sélectionner l'équipe. On m'attendait que c'est comment, viens. Je suis resté statique et figé. J'ai regardé droit devant. Je regarde. J'ai eu l'impression que si j'ouvre la bouche, mort. Tu ne pouvais pas le parler. Je ne pouvais pas le parler. En ce qu'il disait, mais tu étais en même temps avec eux et le serpent. Je regardais, je suis resté tranquille. Le serpent, encore, lui seul, s'est déroulé. Parti. Il est parti. C'est là où maintenant, dans la nuit. Cette même nuit. Quand c'est parti, tu allais jouer au ballon. Il allait jouer. Pourtant, comme moi. Donc, la nuit. Il n'a pas le choix. Il allait bien jouer. Et oui, j'oubliais. Mm-hmm. Quand je jouais, chose que le labeur normal ne faisait jamais. Il est venu au stade regarder notre match. Il est entré parce qu'il avait les tribunes. Exactement comme vous voyez dans le stade de D2, il avait les tribunes. Mm-hmm. Alors il est venu se placer. Mm-hmm. Il regardait comment je jouais. Mm-hmm. Après il s'est tourné, il est parti. Mm-hmm. La même nuit. Il y a eu une coupure de courant. Dans votre maison. Juste dans notre dortoir. Le dortoir, parce que mon dortoir était au milieu, il y avait un grand dortoir, on avait le Titanic, mmh. C'était pour les vieillards. Là. Le Titanic. Oui, le Titanic, c'était pour les vieillards. Mmh. Et dans le Titanic, chaque année, un enfant mourait. Le dortoir, le Titanic qu'on appelait, chaque année, de cause de maladie, un enfant mourait. Mmh. Il y avait un autre dortoir de l'autre côté, c'était pour les enfants des 6e et tout ça. Là. Mmh. Maintenant, nous, on était au milieu. Et la panne d'électricité a survenu rien qu'à notre milieu. Mmh. Et toujours la nuit. Toujours la nuit. Minuit a sonné. Puisqu'il y avait des lampadaires dehors, mmh. Dès que minuit a sonné. Le chef d'inter, le chef de Toto, lui-même avait la réglette allumée. Dès que minuit a sonné, sa réglette s'est éteinte. Mais on a regardé, il y avait la lumière dehors. Je me suis levé, j'ai guetté, j'ai vu le Titanic avec la lumière. On a su que cela, ce n'est plus. C'est plus normal. Et tout le collectif des anciens, eux, ils savaient. Étaient dans mon dortoir. Ils avaient le lit bien précis. Et dès que ça a fait comme ça, là, ils se sont levés de leur lit, ils sont entrés dans les salles d'eau qui étaient interdites, ils ont fermé la porte. Donc, ils ont fait comment hein? Comme la lumière est partie, oui. On avait interdit les salles d'eau à partir de minuit. Ça veut dire qu'il y a une loi, comme tu as dit au départ, qui a dit qu'à minuit, on ne va pas dans ces salles d'eau. On ne va pas dans les salles d'eau, on va pour toilettes en fait. Oui. Ils sont donc allés là-bas, ils ont fermé la porte. Mmh. Nous sommes restés. Toi donc et les gens qui sont les restes de là. Des restes. Mmh. On nous a bastonnés. On nous a tapé. Mmh. Explique, frère, explique. Courage, d'accord. Si je n'étais pas passé par toutes ces armes martiales que j'étais passé, c'est que je devais avoir peut-être des fractures parce que c'est moi qu'on avait plus tapé que les autres. Les autres, c'était juste là-bas. Pour voler les yeux. On voulait seulement qu'on a tapé tout le monde. Mmh. Mais c'était toi la cible. On a touché quelques. Les gars sont arrivés sur moi. Au début, je prenais bien des coups. Je voulais bien les rendre, mais c'était impossible. Attends, c'est qui et c'est comment ils sont je ne voyais pas. Et c'est quoi? Donc vous entendez seulement les tapotages. J'entendais. Des cris. Il y avait les coups de poing. Mais avec le lampadaire qui était dehors, ça devait avoir au moins des lueurs de lumière dans la. C'était bloqué. Mais les lueurs ne restaient que dehors. J'avais, vous savez, la queue de cheval. Qu'on amasse, on enroule, ça forme un fouet. C'est plus blessant que tout le fouet qui peut résister. On appelle ça en général la matraque. Ça fait ça comme fouet. Parce que le lendemain que je me suis réveillé, quand la lumière du jour a frappé sur moi, était méconnaissable. Tous les traits étaient sur moi comme ça. C'est alors là où j'ai dit que je ne veux plus. Ici, j'ai fait mes affaires. J'ai fui. Même par force. J'ai escaladé. Je suis tombé en brousse. Le mur. Oui. Je suis tombé en brousse. Ici, là, je ne suis plus dedans. Bah, le lendemain, les gens avec qui on a fouetté, au là-bas, on n'avait pas parlé, les gens... Tout le monde, j'étais le sujet de conversation, puisque c'est moi le rebelle, que c'est moi qui cherche les problèmes, que je veux montrer au prêtre que je connais mieux que lui. Donc sûrement c'est pour ça. En fait, ils disaient que c'est Dieu qui m'a frappé, parce que j'ai voulu manquer de respect au prêtre. Que c'est Dieu qui venait te fouetter comme ça. Oui. Et que les autres ont à quoi avoir là-dedans? Je sais que quoi. Donc Dieu a venu frapper, il a mis les autres dans les dégâts collatéraux. Oui. Et moi, il m'a bien fouetté. J'ai dit que je ne peux plus escalader. Mais le problème, c'est que tu allais dire que les gens qui vous fouettaient, vous ne pouvez même pas trouver le corps. Tu ne rendais pas de coups comment? Je voulais rendre. Uh-huh. Au début, je rendais vraiment. Uh-huh. À un moment, en voulant rendre, j'ai même frappé mes amis. Uh-huh. Donc, attends, les gens sont autour de vous pour vous frapper. Tu envoies le coup sur eux, mais tu ne le touches pas. Tu tapes plutôt sur toi-même. Oui. C'est après que j'ai compris que c'était des êtres spirituels. Uh-huh. Alors, je ne pouvais que bloquer. Et même bien, même quand je bloquais, le coup transperçait, en fait, traversait mon bras et m'atteignait mon visage. Parce que mon visage était balafré avec des. Uh-huh. Mais tu ne connais pas que pourtant ta main était comme ça. Oui. Mm-hmm. Ça arrivait. Mais je n'arrivais pas à ouvrir même l'œil le matin. Mm-hmm. Dès qu'on a ouvert à 4 heures, qu'on allait se laver pour aller dresser la tête, j'ai seulement fait mon sac. Direction, j'ai seulement dit direction doigt là. Mm-hmm. J'ai sauté. Mm-hmm. Je suis arrivé en brousse. Mm-hmm. Maintenant, quittant de la brousse pour la ville, c'est un problème. C'est une autre histoire. Et j'ai campé 3 jours en brousse avec famine et tout, attendant le moment propice parce que c'était une zone. Souvent, il y a ce qu'on appelle les travaux manuels. Nous, on enlève les internes. Mm-hmm. On peut les faire travailler dans le champ et dans le champ. Mm-hmm. J'ai fait tout et tout, marcher, nager dans les fleuves si possible. J'ai retrouvé le goudron. J'ai fait l'aumône demandé pour avoir de l'argent pour arriver sur Yaoundé. Mm-hmm. J'ai pu arriver sur Yaoundé. Je suis allé à l'Emiangwa Ekele, l'école militaire interne, pour voir mon oncle. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit que je sais que tu aimes trop la bagarre. Mm-hmm. Je sais que c'est toi qui cherches les problèmes. Mais tu n'es pas en train de comprendre pourquoi on t'a envoyé là-bas. Si tu acceptes la vocation, ceci là partira. Mais si tu veux jouer au Dieu, ça sera toujours comme ça. Va dire à ta mère, il m'a donné l'argent que descend sur le monde. Tu dois là. Mm-hmm. Dès que je suis arrivé, j'ai voulu ouvrir ma bouche pour le lui expliquer. Elle n'a pas voulu comprendre. Elle n'a pas voulu comprendre que c'est moi le rebelle. Je fuis la discipline. Je suis quelqu'un trop rebelle. Il faut que je rentre. Mm-hmm. Dès que j'ai voulu rentrer, là-bas, on m'a dit, oh, tu ne reviens plus. Mm-hmm. Parce que, à l'internat, toute sortie clandestine est synonyme de renvoi. Le renvoi immédiatement. On a dit non. À l'époque, ma mère était chez un pasteur qu'on appelait le pasteur Boumson. Mm-hmm. Il a rédigé. Pasteur Boumson, c'est Boumson. Attends, non, là, ça devient intéressant parce qu'on touche pasteur et prêtre là maintenant. Mm-hmm. Donc, avançons ici, on avance dans un autre monde. Donc, ta mère qui a en relation avec les marabouts au APK 21 et l'autre à Bessengue et aussi en relation avec le prêtre, avec le pasteur, oui. Pasteur Boumson. Mm-hmm. Maintenant, il est prophète. Hein. Mm-hmm. T'es donc, ouais, maman, c'est où qu'on est. Donc, les gars sont réveillés, les anciens bandits sont réveillés. Maman, c'est où qu'on est bien le pasteur. Donc, non, il n'y a pas de question. Laissez-le finir. Ce qu'ils sont nous poser comme question, c'est ceci. Soyez sérieux maintenant. Le pasteur Boumson, ça ta mère va le voir. Oui. Parce que normalement. Parce qu'elle persévère là-bas. Okay. Elle n'est plus à compassion. Non, elle était plus là. Donc maintenant, elle avait Boumson. Donc, en passant, oui. Quand je suis arrivé, ils ont dit que je suis arrivé à la maison, elle m'a amené chez le pasteur Boumson. Oui. À l'Edo Plage. Il était franchement avec les esprits des eaux là-bas. Oui. Qui était avec les esprits des eaux? Pasteur Boumson. Oui. À l'Edo Plage là-bas. Oui. Elle m'a amené, je suis allé là-bas. Oui. Elle a dit au pasteur que j'ai fugué. Mm-hmm. Parce que je suis possédé. Mm-hmm. Que. Je veux toujours donc, venir. Donc, celui qui donne le révélation au pasteur. Oui, que je vais toujours venir. C'est elle qui dit que je vais toujours venir suivre ma vie de star et tout. Que je fuis. Je vais ouvrir la bouche en disant tais-toi. Tu ne connais rien. Le pasteur dit ok, comme il est possédé, je vais le traiter. Entre temps, on est en train de rédiger une lettre. Je ne sais pas ce qui était dans la lettre. On a envoyé ça. Qui a rédigé la lettre? Pasteur Boumson. Oui. A rédigé une lettre. Oui. Il n'a fait lire la lettre à personne. Oui. Il a envoyé ça jusqu'à Bullier. Et dès que la lettre est arrivée à Bullier, on a accepté ma réinsertion. Et tu peux revenir. Donc, je n'ai pas eu Boumson à Douala et l'abbé Oyono, quoi, au bon l'abbé Oyono au nom Alexis. Alexis. Donc, c'est entre eux. Il est à Radio Bonne Nouvelle tous les jours. Il est à Radio Bonne Nouvelle tous les jours. Il publie les livres. Il publie les livres. Pour traiter le coup de nuit. Hein? Et les pasteurs font tout ça. Donc, avançons. On n'est pas encore à ce domaine. Donc, on nous souhaite de toucher les réalités du monde spirituel de Satan dans l'église. C'est pour ça qu'il pose la question pour que vous voyez les connexions. Donc, je vous ai toujours dit ceci. Satan a mis plusieurs bombes quelque part. Tu rates des boîtes de nuit, tu sais pas en boîte de nuit. Tu dis que non, moi, il reste dans le film. À la maison, ta femme, il se trouve à la maison. Tu dis non, je suis pas dans le film, je suis dans le foot. Il se trouve là-bas. Tu dis non, le foot est haut là-bas. Moi, je vais au village. Tu commences à faire des plans au village, il est encore là-bas. Est-ce que c'est ici? Donc, c'est beaucoup. Tu fuis, tu dis non, pasteur, tu fuis. Écoutez, tu fuis le sataniste au cœur. Pasteur Boumson. Alors que c'est leur chef. Il dit, mon fils, reste ici, donc tu comprends, non, il veut voir ce qu'ils vont faire, ils vont tenter. Il dit, c'est quoi? Il est ici. C'est ici, n'est-ce pas? Voir le monde. Donc, il est temps que chacun cherche Dieu directement. Il est temps que chacun cherche Dieu directement, sans dépendre d'un homme, véritablement. Oui, continue. Mais avant d'envoyer la lettre au pasteur Bomson, il a dit qu'il a besoin d'une délivrance. Mm-hmm. Et quand il disait ça, je disais dans mon cœur... Donc, c'est Bomson qui disait, donc... Quand j'ai besoin d'une délivrance. Oui. Et quand je lui disais, j'ai dit dans mon cœur qu'il ne sait vraiment pas de quoi il parle. Mm-hmm. Quand il parle de délivrance, alors... Non, mais attends, ce pasteur-là, beaucoup de personnes vont chez lui. Il organise des séminaires pour expliquer les gens des domaines spirituels. Bon, c'est un grand pasteur, là. Ok, un grand pasteur, dans là. Que Dieu le bénisse. Oui. Donc, il a une éminente prophète. Il a un endroit. Les chrétiens doivent être vraiment délivrés du fait de courir vers les hommes. Satan a compris ça, c'est pour ça qu'il a irrigé ces hommes. Est-ce que vous comprenez? Voici pourquoi il nous faut rentrer dans la parole. Parce que lorsqu'on quitte le terrain de la parole, on commence à dire que tel grand pasteur, vous ne savez pas qui est derrière. D'accord? Avançons, oui. Alors, il a dit que. Ah, c'est lui qui a donné les touches à Jérémy Nimbot. Il a loué les touches à Jérémy Nimbot pour aller nominer certaines personnes qui ont réussi chez eux pour être pasteur, quelque chose de ce genre. Dans la cérémonie de graduation. Ça fait peut-être 2 ans ou 2 que je suis pasteur. Voilà. Avançons, frère, avançons, dos pour nous ici. Là. Voilà. Il donc, a dit que tu as besoin il a dit que j'ai besoin d'élévance. Alors, il m'a pris, il m'a enfermé. Oui. Pendant 8 jours à 7. Dans sa cellule. Il y avait un endroit là-bas, vraiment, c'était comme une cellule. Il m'a enfermé là-bas pendant 8 jours. Donc, fais quoi, tu seras délivré ici. En journée, j'étais seul. C'était pénible. Et entre temps, ta mère lui perd de l'argent. Lui donner, elle donne toujours des sommes colossales partout et part. Après, je vais venir, je vais vous raconter, à l'issue de cette soirée, je vais vous raconter la version de sa mère, pourquoi elle m'a fui. D'accord? Je vais vous dire à l'issue de ça, pour vous comprenez maintenant le pourquoi il était normal qu'elle me fuit. Voilà. Comme je disais tantôt, en journée, j'étais seul et c'était rude. C'était vraiment difficile de rester là-bas. J'avais ni eau, ni à manger, ni compagnie. Mais la nuit, je n'étais pas seul. La nuit, bien quand je fermais mes yeux, je voyais des gens autour de moi qui chantaient, qui dansaient et qui me donnaient de l'eau à boire. J'étais, le matin, quand je me réveillais, j'étais plein d'eau. Mm-hmm. En journée, ça séchait. La nuit, on m'apportait de l'eau et de la nourriture. Mm-hmm. Dès que le pasteur, pendant ce temps, c'est en ce moment qu'il envoyait la lettre à son collègue. Dès que ça a été accepté, mm-hmm. on m'a fait sortir de là. Que direction ça, Bullier. Mais est-ce qu'il a fait des prières sur toi pour donc te chasser cet esprit-là? Non. Mais ma grande sœur y était. Mm-hmm. C'est-à-dire quoi, ta grande sœur y était? Donc ta grande sœur était aussi dans cette même domination-là? Oui, elle était dans cette même domination. Elle a couché son premier enfant même chez lui. Mm-hmm. Donc il a couché son premier enfant chez lui sans être marié. Voilà, c'est encore une autre histoire. Donc, c'est notre histoire. C'est pas mon problème. Oui, c'est pas ton problème. Voilà. Avançons. Donc on te sort de la cellule spirituelle. Oui. Mm-hmm. On me dit direction, mm-hmm. Bullier. Mm-hmm. On me donne l'argent qui repart. Mais voilà qui repart. J'arrive. On me dit, on va t'accepter. Mm-hmm. À condition que, quand on parle, tu te tais. Vous voyez la condition qu'on impose à un élève. Maintenant, on va passer à l'étape supérieure, ce qu'on appelle le chemin. Le vrai chemin de croix. Mm-hmm. Parce que ce qu'on fait dans les églises catholiques, c'est l'apparence. Mm-hmm. Il y a maintenant le vrai chemin de croix. Et après qu'on va faire le vrai chemin de croix, tu vas seulement fléchir. Mais avant que tu n'entres, oui. Tu vas d'abord passer une nuit dehors. Voilà. Juste pour qu'on te punisse. Bon. Maintenant, on commence à toucher dans le profondeur du satanisme ici. Vous avez déjà vu le Klu Klux Klan qui, dans les années 70 et 60, ont fait boom aux États-Unis et qui existe encore aujourd'hui. C'est déjà des choses, le campement que les gens sortent dans la nuit pour aller faire des choses. Mm-hmm. C'est que les gens font tout. Quand on va toucher la parole par rapport à ces choses dans l'église, vous allez voir que ça a seulement pris des aspects maintenant nouveaux. On a seulement mis le nom religieux. Ce que vous faites, ce qu'on fait là, comme il a dit, chemin de croix, on marche avec les croix là-bas. C'est l'affaire religieuse, aspect où on donne aux gens pour les gens croire. Ça se passe vraiment dans le monde des ténèbres. Et quand là, dans la nuit, il y a des puissances démoniaques qui se manifestent. Donc on dit que tu vas passer des nuits dehors. Une nuit. C'est-à-dire hors du campement. Hors du campement. Mais raconte-nous ta nuit. Souvenez-vous, il n'entre pas dans le dortoir. Ça se passe que, souvenez-vous, il a dit que le complexe est assez grand. Donc tu ne dors pas dans le lit, tu dors dehors. Tu choisis. Et partout, c'est la brousse. Et la nuit, c'est une autre histoire. La nuit, vous voyez des animaux en général qu'on ne voit pas. Il me met dehors. Je cherche ma position. Je m'en vais très. Et j'avais. De nature, j'aimais les endroits reculés. Je pouvais rester calme. Je suis allé très loin au niveau du stand de handball. Mm-hmm. Je suis adossé sur un arbre là-bas. J'attendais. Et j'avais faim. J'ai commencé encore à reprendre mon rythme. Comme quand j'étais en esclavage chez le marabout. Mm-hmm. À déterrer les choses et à manger. Mm-hmm. Vers minuit. 23h30 minuit. Je vois le. J'avais les yeux fermés, mm-hmm. mais je l'ai vu. Mm-hmm. Je ne sais pas comment, mais je l'ai vu. Mm-hmm. J'ai ouvert les yeux, je suis allé vers où j'ai vu. Mm-hmm. Et je l'ai vu, j'ai vu le prêtre exactement à l'endroit là. Mm-hmm. Il était seul. Ce prêtre, Abbé Onoma aujourd'hui, mm-hmm. il était seul, mm-hmm. avec sa touche. Mm-hmm. avait son document en question, on appelle encore ça. Le rouleau, là. Le rouleau, oui. Le rouleau. Oui. Il était avec ça. Mmh. Dans une nuit ténébreuse, en pleine lune. Mmh. Pleine lune. Mmh. Mon esprit, étant donné que j'avais fait ça, mon esprit me dit que ici quelque chose va se passer. Étant donné que l'endroit est sécurisé, il faut que je me cache. Mmh. Je suis monté sous un arbre. Tu as dit que tu connaissais, il était dans telle direction. À quelle distance de toi? Et est-ce qu'il te voyait? Est-ce que toi tu le voyais? Non, c'est un truc au trop 150 mètres. Mmh. Au trop 150 mètres. Il y a les ténèbres. Il y a les ténèbres, ne me voit pas. Alors je monte à un arbre pour bien observer. Écoutez très bien. C'est les prêtres que vous courez derrière, que prêtre, mon père, bénis-moi. Il vous donne les chapelets, vous mettez à la maison. Il donne le rameau avec les os, vous allez verser sur le lit. Écoutez très bien. Voilà le prêtre. Donc, étant en hauteur, maintenant, tu peux donc voir la chute. Très bien, voilà. Très bien. Mm-hmm. Malgré qu'il avait un blanc éclatant, très bien. Mm-hmm. Il était au bord de d'un ravin. Et de l'autre côté, il y avait une rivière. Oui. La rivière, donc, ça paraît que ça traverse derrière. Oui, il était là. Il déploie son rouleau. Se met à parler en latin. Mm-hmm. Ce latin-là, oui. Nous, on nous apprenait du latin. Oui, avant, je lisais le latin. Mm-hmm. Mais ce latin, c'est le latin, c'est le latin de Rome. Mm-hmm. Parce que je n'entendais rien, je ne comprenais rien. Donc, c'était le latin dans le latin. Oui. Comme quelqu'un parle le bassa, par exemple, on dit que d'autres bassa, si ce n'était pas le bassa. Voilà. Mm-hmm. C'était le latin, c'était l'origine même du latin dont ils étaient en train de parler. Mm-hmm. Alors, dans ces premières phases, je n'entendais rien. Mm-hmm. Au fur et à mesure qu'il parlait, ça tonnait comme le baf. Mm-hmm. Au fur et à mesure que ça tournait dans le baf, il était seul. Mm-hmm. Ça tournait comme le baf. Au fur et à mesure que ça tournait dans le baf, le vent a commencé. Les vents ont commencé. Les vents ont commencé vraiment à secouer. Et quand le vent a commencé à secouer, il y avait maintenant dans les cieux petites étincelles. Mm-hmm. Petites étincelles, petites, ça formait une flamme. Mm-hmm. Ça s'est ouvert. Mm-hmm. Quand ça s'est ouvert, il a fléchi les genoux, s'est incliné. Le prêtre a fléchi les genoux, s'est incliné et il parlait. Il a fini, quand il parlait en latin, et la voix lui répondait en latin. Bon, donc tu es en haut de l'arbre, il a commencé ses incantations. Subitement, les étincelles s'ouvrent, c'est comme si un portail, comme on parle des portes des étoiles là sous. Oui, un portail est un dimension. C'était au-dessus de lui, devant lui, ou de côté, de celui. Dessus. Et tu regardais, et de ta position que tu étais, tu pouvais regarder son regard, en regardant son regard qu'il avait fixé vers là. Oui. Parce que moi, je voyais les mêmes étincelles, je voyais la flamme donc en haut. Donc tu voyais la flamme en haut, tu le voyais, c'est possible, tu le voyais comment il parlait. Oui. Oui. Voilà. Et là, il parlait à cette chose-là. Tu n'as pas vu une créature là-bas? C'est après, justement, au début, c'était juste des paroles. Des paroles, il conversait. Oui, donc il parlait, cette voix-là nous répondait. Lui répondait. Audible, bien audible. En quelle langue? Il parlait en quelle langue? Latin. Oui. Latin. Oui. Mais quand la voix parlait, le souffle qui sortait de ce portail, les arbres de la forêt s'inclinaient. Juste son souffle, les arbres s'inclinaient. Donc tu as dû agripper sur ton arbre. Exactement. Mais. À un moment, quand il parlait, le prêtre s'est arrêté, il a commencé à regarder aux alentours. C'est comme si il s'en présentait. Il a senti qu'il y avait une personne, une présence qui n'était pas autorisée. Oui. Alors, il a encore parlé en latin. Mm-hmm. La puissance du vent a quadruplé. Mm-hmm. Pour voir s'il y a quelqu'un là que ça ramasse. Ça a déterré. Je n'ai pas dit déterrer des arbustes, frère. Je ne dis pas lever des branches. Mm-hmm. Ça a déterré des arbres. Au sol. Donc, tu peux retirer le matin, tu vois, le lendemain, on dit que non, il y a eu le vent cette nuit, hein. Ça a déterré les arbres. Tous les arbres qui étaient dans mes alentours et dans mes environs ont été mis au sol, sauf le mien. Sauf l'arbre sur lequel tu étais. Ça a dansé, mais c'est resté. Mmh. Donc, ça veut dire que s'il y avait quelqu'un dans l'arbre, ça devait les cueillir, les jeter au sol. Au sol, et l'arbre s'écrasait sur toi. Il t'enterre là-bas une fois. Ça a fait ça, ça. Après, ça s'est calmé. Il a continué de parler. Avec ses encore... têtes. Oui, après, il s'est encore arrêté. Il s'est encore retourné dans ma direction. Il regardait vraiment sur l'arbre. J'ai eu l'impression à un moment qu'il m'a vu. Après, maintenant, il y a... Le frère Joe avait parlé une fois ici du Léviathan. Je ne sais pas aussi si en l'air, il y a les Léviathans. Il y a deux. Deux. Dans la nuit, là, qui sont sortis. Oui. Ils sont sortis, ils se sont mis entrés dans les champs. Et quand ils sortaient... Des gros serpents qui sont sortis du haut, atterrés là-bas, commencent à fuir dans les champs. Fouiller. Deux. Et c'était des sorties sans fin. Donc ils sortaient, ils ne faisaient que sortir, je ne voyais pas la fin de leur queue. Donc ça veut dire quand ils sortent, c'est comme si un long serpent sort comme ça, mais ça sort du ciel vers le bas, ça circule, mais ton corps est toujours en haut. Ils ont cherché. Mais pourquoi ils ne sont pas venus sur l'arbre? Ils sont venus sur l'arbre. Dis-nous. Ils sont venus sur l'arbre, bien, l'autre est venu s'enrouler sur l'arbre, il a ressorti sa tête, il a regardé dans ma direction. J'ai eu vraiment vraiment l'impression qu'il m'a vu. Mm-hmm. Il m'a regardé droit dans... Vraiment, j'ai l'impression qu'il m'a regardé droit dans les yeux. Parce qu'il vraiment, il m'a regardé... Ses yeux dans la nuit étaient vraiment percés. Il m'a regardé droit dans les yeux. Peut-être, tu ne sais pas que peut-être c'était Zaïko. Il a dit que non, c'est entre nous. Il ne peut pas te trahir ici. Là, je ne sais pas. Ou bien le Saint-Esprit avait mis un volcan qui te regardait, mais il ne te voyait pas. Mais là, une chose, j'étais plus... Parce qu'il y avait eu... Après que j'ai perdu le pouvoir avec Zaïko, il y avait eu un mur. J'entendais la voix des échos qui voulaient venir. Il y avait un mur. J'entendais ma voix qui voulait y aller. Il y avait un mur. Il y avait une séparation. Malgré qu'il fallait un développement, il y avait une séparation. Alors, il m'a regardé. Mais il m'a parlé. Il est rentré. En même temps, les autres, l'autre, c'est pas en train de se faufiler dans tout le coin. Son corps, leur corps est toujours en haut. Oui. Il est rentré. L'autre est rentré. Il y a un qui est qui lui a parlé en latin. L'autre, c'est pas. Oui, il n'a pas ouvert la bouche. Sa bouche était fermée, mais ça tonnait. Il lui a parlé en latin. Et quand il lui a parlé en latin, il est remonté dans le sol, après il a ouvert sa gueule, il a craché les billets de banque. Donc il est rentré, comme son corps tendait dans l'air, il a fait point, les billets, l'argent est tombé. En liasse. Donc la liasse pouvait avoir, une liasse pouvait avoir ma taille comme ça. Devant le frère. Oui. Donc les liasses, liasses comme ça là. Oui, il a craché les liasses. Donc voilà votre frère de catholique qui ont le luxe, l'argent, quand vous venez chez eux, ils vous donnent l'argent. Vous pensez que c'est vos quêtes que vous donnez là. Les 500 francs, les 5 francs que vous mettez, vous pensez que c'est cela. Donc, voilà. Oui. Il a craché 4 liasses. Donc, il s'est prosterné devant cette tête-là. Oui. Il a sorti 4 liasses. Après, le serpent est entré. Les cieux se sont refermés. Il a commencé à porter ses liasses. Je n'ai pas vu la voiture arriver. Et quand il a commencé à porter les liasses, il y avait un pick-up maintenant. Je n'ai pas vu la voiture arriver. Tu n'as pas entendu le bruit de voiture. Bruit d'une voiture. Mais quand il commençait à porter ses liasses pour ranger, il y avait une pick-up. Il a garé ça derrière la pick-up. Bien. Il a démarré, il est parti. Toute cette nuit était froide. Il n'y avait plus. Ne serait-ce que le son d'un insecte, il n'y en avait pas. J'ai attendu le lendemain, 4 heures, on a ouvert le portail. Je suis entré. Quand j'entre. Donc tu connaissais maintenant avec qui tu as affaire. Oui, je connaissais déjà avec qui j'ai affaire. Quand j'entre, l'autre prêtre me voit. Il me dit la raison pour laquelle tu es venu ici, fais ce qu'on t'a envoyé faire, ne cherche pas ailleurs parce que tu vas nous créer des problèmes. Il me redit encore la même fois. Là maintenant, j'ai été énervé. Donc c'était celui qui t'avait dit la première fois quand tu vas nous faire le problème. Oui. Il me redit encore ça. Lui, il a été énervé. Il dit que là maintenant, pas d'insubordination de qu'ils ont mis. Il dit que je suis fatigué de ces phrases répétitives. En quoi je vais vous créer les problèmes? Vos choses que vous faites dans vos champs là-bas, c'est pour vous. Moi, je ne connais rien dedans. On vient de t'admettre là, tu viens d'entrer, il te dégage, tu le dégages aussi ça directement. Après, dès qu'il lui a dit ça, il est resté tranquille, il m'a regardé. Il est allé au. Parce que le prêtre même, il ne restait pas avec nous. Donc c'est le Eonola. Oui, il restait avec sa maison. Et sa fille était dans ma salle de classe. Oui. Ah, attends. Il touche les points comme c'était un aussi normal que comme ça là. Tu dis que la fille de l'abbé là. L'abbé Eonola était dans ma salle de classe. Comment un abbé peut avoir une fille et des enfants? Personne. En fait, très peu de personnes le savaient. Ok. Donc, c'était secret. Très peu de. On a su ça vraiment très. Personne n'a creusé. C'est parce qu'il y a un serpent qui était venu. Le serpent a voulu mordre le serpent. En fait, le serpent a mordu quelqu'un. Dès que ça arrivait vers elle, le serpent a fui. On a dit que pourquoi elle a commencé à faire ça. Pourquoi elle. Puis les gens, les anciens commencent à dire que. Donc, ils ont seulement flashé à l'oreille. Et c'est sa fille. Éloignez-vous d'être très mal si vous ne voulez pas les problèmes. Mais tu sais, le serpent va venir sur toi. Voilà, c'était un peu ça. Quand je lui ai dit ceci, quand vous faites vos choses dans les champs là-bas, il y a quelqu'un qui m'a regardé. Il a couru vite. Chez le prêtre, directement. Il allait dire que ce que tu as fait dans les champs là, le gars est au courant. Le prêtre est resté tranquille. Il a précipité le chemin de croix. Il a précipité le chemin de croix. Le chemin de croix que vous voyez en fait dans les églises catholiques. C'est la coque. En fait, vous êtes en train d'ouvrir un portail pour un autre portail. Parce que quand vous êtes en train de faire ça, il y a d'autres là-bas. Qui ont fait la même chose. La même chose. Dans les autres dimensions. Comment on dit l'unité de foi, pas l'union. Pendant que vous êtes dans votre côté, il y a d'autres qui ont été faits, ça se cumule, ça monte. Et ça fait ce que ça doit faire. Alors maintenant, il a parlé du Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan met des torches comme des fantômes. Il perce les yeux comme ça. Des uniformes ainsi. On nous a tous mis ça. À partir de. C'était à minuit. Et vous savez, le chemin de croix, écoutez, ça paraît simple. Bien. Je vais. Parce que quelque chose, il y a des choses qui vont arriver ici. Si vous voulez nous encore, on dit que c'est sa vie à lui. C'est sa vie à lui. Ce n'est pas. À partir de ce niveau encore, je répète seulement pourquoi vous ne dormez pas encore, vous êtes en train de rêver. Ni vous n'êtes en train de rêver, ni lui il n'est arrivé. Vous allez suivre le film comme ça, vous savez quelque chose qu'il a vécu, d'accord? Parce qu'il y a encore des choses terribles ici. Oui, donc le chemin de quoi arrive? Allons-y droit là au but. Comment ça s'organise? Comment ça se passe? Qui est le... C'est la mère normalement qui est le chef d'orchestre. Le chef de quoi, oui? Nous ne sommes que les fidèles adeptes. Mm-hmm. Donc, les brebis comme ça. Nous portons les touches, nous répétons après lui. Mm-hmm. Et là-bas, il y a bien une partie en français. Ça se passe là, le chemin de quoi de ces jours-là, ça se passe à quel moment? Là-bas. À minuit. Et ça se passe pas normal chez les Égyptiens. Ça se passe. 18h. C'est ça, n'est-ce pas? C'est rien du tout. Voilà. Et ça ne se passe pas dans la chapelle. Mmh. Dans la brousse. Non, on descend au fin fond, au cœur de la brousse. Oui. On sommes descendus. Chacun avait son parchemin. Mmh. Tu mets le rouleau encore. Tu le mets d'abord de côté. Mmh. On prend en français d'abord. Oui. Notre Père qui est aux cieux, 100 fois. Mmh. Je vous salue Marie, 100 fois. Mmh. Je crois à la Sainte Église catholique, 100 fois. Pendant vous, vous allez rester comme ça en même temps. Tous la voix de fait comme un tonnerre. Exactement. Mm-hmm. Chacun, lui, il avait sa toge était rouge dans un grand feu de bois au milieu. Donc, on a allumé un grand feu de bois comme au champ, là. Comme exactement quand le clou que ça en fait. Ils allument le feu parfois. Pour eux, ils pensent qu'on va pas brûler les dénominations, là. En passant, il n'a pas allumé le feu avec. Le bûcher d'allumer comme la bûchette. Non. On a placé le bois. Mm-hmm. Nous sommes venus. Mm-hmm. Nous sommes placés. Mm-hmm. Il a porté sa toge. Oui. Sa toge rouge. Sa toge rouge. Oui. Dès qu'il a porté sa toge rouge, il a craché sur le feu. Il y a pas le feu. Il a craché sur le bois. C'est le bois qu'on a entassé. Oui. Oui. Il a parlé là, il a craché le feu après. Voilà les gens avec qui vous blaguez. Est-ce que c'est frère? Donc, on met le feu comme si on met le feu pour verser. Normalement, vous allez mettre le truc, verser l'essence. Si le bois est mouillé, vous avez encore bras, vous allez pouvoir venir. Lui, mais il fait. La flamme qui a pris. C'est comme si le feu brûlait depuis au moins 3 jours. Donc, dès que ça a touché, la flamme a pris. Nous étions là. Nous avons pris en français, comme je t'ai dit, notre Père et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. C'était pas encore c'était, ça. C'était, vous étiez vous échauffé. Maintenant, il a dit, chacun prend les parchemins. En latin, c'est facile. Et quand on prend maintenant en latin, on se rend compte que ce latin ici, mm-hmm. on ne nous l'a pas appris en classe. En classe, donc c'est plus ça. Ce n'est plus ça. Maintenant, c'est cela. Tu parles, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Mais tu parles le latin. Mm-hmm. Le latin originel même. Mm-hmm. Le latin romain. Donc, tu parles ça sans savoir. Pendant que le gars est en train de réciter, il y a une voix qui a dit ne récite pas. Donc, comme c'est dans la foule, tu peux te taire sans que personne ne sache que toi, tu ne récites pas. Une voix a dit ne récite pas. Mm-hmm. Ou cette fois, j'ai obéi à la voix. Au moins pour une fois. Oui. Mm-hmm. Je suis resté parce qu'à un moment, ça ne m'arrangeait plus. Mm-hmm. J'ai arrêté le rouleau à main. Mm-hmm. Les gens récitaient. On était vraiment. Imaginez tout l'internat. Tout l'internat. Plus de 300. Et les filles, compris. Voilà. Donc, ça, 300 restaient seulement les garçons. Oui. Et les filles, ça pouvait monter même à 700, parce que les filles étaient plus nombreuses que nous. Mm-hmm. On était tous là, on récitait. Dans le champ, en pleine forêt, en pleine nuit. On récitait. Frère, c'est grave. Après une heure de récitation. Vous récitez les mêmes choses comme ça. Les mêmes choses, en latin. On récitait, dès que ça finit en bas, on remonte en haut. Mm-hmm. On récitait, dès que ça finit. Attends, quand vous faites en bas, tu vous remontez en haut, ça dit que vous êtes un peu, c'est une pente. Je dis le parchemin. Ça dit quand vous récitez comme ça, ce qui quand est fini, vous remontez encore, on remonte. La même chose. On remonte. Mm-hmm. On récite tout au même temps, on s'arrête au même temps, on recommence au même temps. Et après. La nature, c'est calme. Après, vous avez fait cela. Pendant qu'on faisait, parce qu'à un moment, on faisait, il y avait le vent et tout. Mm-hmm. Après, on a fait, la nature, c'est calme. Il n'y a plus de grisement. Il n'y avait plus de grisement. De rien, les chauves-souris, il n'y avait plus rien. Maintenant, on recontinue. Mm-hmm. Il y a un éclair qui est sorti dans le ciel. Mm-hmm. Ça a frappé un arbre, l'arbre est tombé. Il a dit que c'est le moment, lever la voix. Quand vous entendez encore la voix pour réciter. Pour réciter. Là maintenant, il y a un l'abbé, non, l'abbé Léandre. Qui est Léandre c'est toujours un qui est toujours dans le maître d'internat. Oui. Oui. Un des prêtres. Il passe maintenant, il se met à vérifier. Pour vérifier qui c'est les gens qui viennent. Oui. Quand il s'est rapproché de moi, je l'ai guetté, je me suis mis à réciter. Uh-huh. Et quand j'ai ouvert ma bouche pour réciter, la pression a augmenté. Il continue. Quand il est parti, j'ai fermé ma bouche. J'ai senti qu'il y a une pression qui a diminué. Mm-hmm. Et quand cette pression a diminué, on a commencé à arrêter. Mmh. Il a dit arrêter. Il a dit arrêter. Quand il a arrêté, la flamme aussi est descendue. La flamme s'est arrêtée. La flamme qui était qu'il a craché là. Mmh. Il a commencé à fouiller dans la foule. Il a fouillé. Et vous avez pris de presque 1000 là-bas. Il fouille. Il a levé sur moi. Il me dit que viens. Il dit ne viens pas. Il dit que c'est ce que tu ne viens pas ici, tu ne viendras plus. Mmh. Donc il n'y a que nous ici là. Mmh. Donc finalement, toi, c'est personne de moi. Il m'a fait me mettre devant. Vous savez, invoquer Baphomet est facile en même temps très difficile. Comme Dieu dit que le maître est le temps des circonstances. C'est un peu la même chose c'est chez l'autre côté là-bas. Si tu es placé à un endroit précis, tu dis des choses précises, tu es capable d'invoquer n'importe qui. Et n'importe qui est capable d'apparaître devant toi. Alors, il a dit, m'a mis là. Ça, c'est le prêtre, l'abbé. C'est le prêtre. Il a sorti un autre rouleau derrière sa touche. Rouge. Il a donné pour réciter ceci. Toi, particulièrement, récite ceci. Moi, que toi, récite ça. Je lui dis qu'il ne récite pas. Il dit, donne-moi, je donne. Il appelle une autre personne, un ancien. Il donne à l'ancien, il dit à l'ancien de réciter la première page. L'ancien récite la première page. Il y a un vent qui souffle. Il appelle un autre ancien. L'ancien récite la deuxième page. Les arbres bougent. Il dit, rentre à vos places. Il dit que parce que je vais te montrer quelque chose. Prends le rouleau, il me redonne encore, il récite. Il récite tout, hein. Il dit, ne récite, ne t'arrête pas. Arrive jusqu'à la fin, oui. Même s'il n'y a rien. J'ai pris. La voix me dit, ne récite pas. Et il dit comme ça, ne récite pas, il te laisse au milieu de. Au milieu de. Il ne va pas te faire disparaître là-bas comme il a fait disparaître de Philippe. J'ai dit qu'ici là, je vais seulement réciter. Parce que de toute façon, on peut te brûler là-bas comme ça. De toute façon, ils étaient là et. Question de brûler, ils ont déjà eu à brûler des gens. Voilà. De toute façon, ils étaient là, ils pouvaient vraiment me brûler. Parce que j'avais ça, c'est juste un truc que j'avais sauté. Ils avaient déjà brûlé quelqu'un dans le sacrifice. J'ai vu. Donc la vidéo là m'est revenue comme pour aussi me brûler là. J'ai seulement dit, je peux mourir, mais pas de cette façon-ci. Pour ceci là, je vais d'abord réciter. J'ai pris le rouleau. Réciter. C'est fini. Il regarde aux alentours, il me voit, il dit, récite encore. Il te connaît. Il récite. Je récite rien. Il vient, il me dit. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Lâche-toi, récite. Quand je vais me réciter la troisième fois, la voix dit ne fais pas ça. J'ai seulement forcé. Et resté dès que j'ai fini de réciter. Le feu qui était éteint a repris. L'éclair qui était sorti une fois est sorti cinq. Cinq arbres ont été touchés. Le ciel s'est encore ouvert. Baphomet a atterri derrière moi. Devant les gens, les enfants, des ils étaient, ils sont... moi j'étais là, ils étaient en face de moi. Donc c'est au verbe, il faut m'attirer derrière moi. Étant derrière moi, j'ai senti que devant lui, je suis vraiment comme la fourmi. Donc tu sentais qu'il y a un géant, un immeuble qui est derrière toi. Oui. Et dès qu'il a tiré, dès que j'ai vu que c'était fait, tout le monde a posterné, s'est posterné. Tout le monde s'est donc tu es spécial à cette position-ci. Tes camarades sont devant toi. Entre tes camarades et toi, il y a le feu là. Donc, et quand tu as fait la récitation, l'aide qui se trouve devant toi, tu te rends compte que devant toi, les gens se prosternent. Donc tu te rends compte que l'aide qui est derrière toi, on a laissé se prosterner devant lui. Oui, avec le feu, je pouvais encore apercevoir une ombre. Mais il était vraiment. Parce que j'ai dit, quand il dit qu'il a atterri, c'est qu'il a vraiment atterri. Puisque c'est comme s'il sautait. Donc il a atterri. C'est vraiment son atterrissage. Le sol a tremblé. Et dès que les gars ont tremblé, ils sont. Le prêtre est le premier. Ou le prêtre, l'abbé s'est prosterné en premier lieu. En premier lieu. Et quand il s'est prosterné comme ça, les autres ont suivi. Les autres ont suivi. Ils ont suivi, il était derrière moi. Seulement son souffle de sa respiration pouvait brûler ma peau. Le souffle de sa respiration pouvait brûler ma peau. Alors, l'abbé en me lève sa tête, il me guette. Il me fait le geste que. Que tu t'es prosterné aussi. Oui. J'ai voulu me prosterner la voix dit ici, le dernier avertissement. J'ai dit que moi, je vais me prosterner. Parce que tu ne sais pas qui est derrière moi là. Voilà. Quand tu dis papa là-bas, enlève-le là-bas. Enlève-le derrière moi, tu me dis que ne te prosterne pas si, mais. On me brûle ici. Parce que j'ai vu, on a brûlé un enfant. Donc, je veux pas être brûlé. Mais c'est la première fois. Vous entendez dans la Bible, on parle des sacrifices à Moloch. Fait passer les fils par au feu. Quand quelqu'un vous a lu la Bible, il comprend ce que ça veut dire parce qu'il l'a observé. Quand vous lisez, vous croyez que c'est dans les anciens temps que ça se pratique, ça se pratique encore. Avançons, frère. Voilà. Et puis encore, ce sont les gens qui se disent religieux. Puis encore. Et les visages dans le sud, comment on dit, le centre, le sud, l'est, sont voués au catholicisme. Où est-ce qu'on en est? Souvenez-vous de ce qu'on a vu là-bas, ils sont dans les villages, qu'on a lu dans cette psaume-là. Avancez. Voilà. Alors, c'est la première fois que j'ai été retenu au-dessus de ma volonté. Parce que moi, j'ai dit, je vais me prosterner. Parce que c'est là. Ici, il n'y a pas moyen. J'ai envoyé le premier. Parce que pour se prosterner, devant lui, on envoie le pied gauche. On descend, on met le bras droit au sol. Oui. J'ai envoyé le pied gauche. Le pied gauche est passé. J'ai voulu me prosterner, ça a bloqué. J'ai forcé, le pied droit est bloqué. Je suis encore revenu. Il me fait encore le geste. Ma femme est derrière. Oui, il fait descend. Ma femme est derrière. Je fais comme ça. Je vais descendre. Ça veut dire mon pied est figé. Ça a refusé que tu ne descends pas. Tu ne descends pas. Il était énervé. Jusque là, tu n'étais pas encore tourné pour le regarder. Oui. Je n'ai pas. Je veux pas voir. Je veux pas voir. Mais quand tu vois sur la taille sur la forme sur l'ombre, la présence derrière. Tu sais que ce n'est pas quelqu'un à visiter. Ce n'est pas quelqu'un à regarder même dans les yeux. Donc lui, il parle les arbres bouches. Donc il a parlé. J'ai su qu'il était irrité. Alors, j'ai su qu'il était irrité à cause du fait qu'il y a un qui était tu. Il a commencé à marcher. Donc, en allant comme ça, pour vouloir me regarder. Dans les yeux. Enfin, comme il marchait, je faisais comme ça. Donc, au fur et à mesure qu'il bougeait, moi, je tournais comme ça. Il a tourné, on a fait un quart de tour. Baphomet, tu donc toi, tu es doublé, Baphomet. Et dit, quand il marchait, il avait tellement de grandes pattes que ça contournait tout le reste des êtres là. Mais les gars avaient la tête baissée, ne voyaient pas de quoi. Il n'y avait que le prêtre qui avait la tête. Comme toi, tu aidais debout, tu pouvais voir. Donc les gens sont à 700 par an versés comme ça sur un couloir. Quand ils nous ont une fois, deux fois, il les a traversés. Oui, il les a traversés. Il faisait, j'étais là, il faisait mon corps et tout. Il est encore venu se placer derrière moi. Vous avez encore pris les mêmes positions. Non, encore pour les mêmes positions. Le père, l'abbé en me regarde maintenant dans les yeux pour m'influencer. Après, il fait comme ça. Que je vais te tuer. Tu fais mon plan, regarde ici, tu es fini. Hein. Après, fait... j'ai encore envoyé. Je vais fléchir. Ça refuse. En ce moment, il y a une autre. C'est le livre d'Exode, chapitre 20, d'accord, les 5 premiers versets. Il y a une autre force. Une autre force qui a surgi là-bas. Je ne sais pas. Après, il y a une autre force qui a surgi là-bas. Oui. Je ne sais pas qui a appelé cette force. Parce que cette force était. L'endroit, il y avait un périmètre bien délimité. Donc, ceux qui étaient à l'extérieur ne pouvaient que rester à l'intérieur. Ceux qui étaient à l'intérieur devaient. Il y a une autre force. Personne n'a invité. Personne ne sait d'où cette force est venue. Mais elle est quittée toujours dans haut des cieux. Il y a un éclair qui a frappé entre eux, Baphomet et moi. Ça a frappé fort. Ça a créé un grand trou. Quand ça a frappé fort, il y a eu un ébranlement de la terre. Comme ça, il y a glissement de terrain. Il est rentré dans son trou. Le feu est parti. Le portail s'est fermé. Le portail qui était ouvert là-bas, où il est venu. C'est là où maintenant le prêtre a ramassé un gros bois pour venir m'allumer avec. Le bois qui était au feu avec la braise sur ça. Il voulait casser ma tête avec ça. Là, étant là-bas, les autres ont toujours la tête. Ils ne veulent pas même pas voir. Alors, le voilà qui prend le bois, il veut casser ma tête avec en voulant fuir. Puisque le pied était à la limite du glissement du terrain. J'ai glissé. Je suis tombé, j'ai roulé. Je suis arrivé en bas. C'est-à-dire que si tu es sage, monte ici voir. Tu vas, comme tu as commencé, tu vas finir. Je suis resté là en bas jusqu'au matin. Je suis remonté. Le matin, il y avait cours. Les internes sont entrés à l'école comme rien ne se passait. Donc, ça, c'est seulement les internes. Oui. Ceux qui font la chemise de quoi sont ceux qui sont à l'intérieur. Oui. Ceux qui rentrent de la maison pour. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, ils n'ont pas accès. Ils n'ont pas accès. Alors, ils sont entrés à l'école normalement. Moi aussi, qui suis venu avec la boue et tout chez moi. J'ai faufilé, j'ai entré dans le dortoir. Ils n'ont pas vu, ils m'ont fermé là-dedans. Et je restais, je me suis lavé bien. J'ai pris mon sac. J'avais le désir de rentrer à l'école, faire mes cours quand même. Je me suis couché sur le lit que peut-être à midi. Parce que souvent à midi, on ouvrait. La pause de midi, les heures. J'en revenais. Je me suis couché comme ça là. Le sommeil m'a encore. Donc tu es dans le dortoir seul. Oui. Et on a fermé la porte. On a fermé la porte. Et les refaitoires restent ouverts. Je me suis couché, un petit sommeil m'a emporté. Dès que je me suis réveillé, je suis sauté, j'étais au refaitoir. Alors que tu t'es couché où? T'es couché dans le dortoir, fermé. Je dis, mais les choses, je suis moi déjà fatigué. J'ai aussi pris mon cartable, je suis entré. Et c'était un jeu d'interrogation, justement. Dès que je suis entré, le professeur m'a regardé avec les yeux. Il ne pouvait pas me dire ça. Parce que s'il disait ça, ça allait lever l'esprit des externes. Parce que c'est les gars qui fouillaient trop les Manguessala. Parce qu'ils n'aimaient pas les catholiques. On m'a laissé, j'ai fait mon interro. C'était vers le deuxième trimestre, étant donné que les hostilités étaient fortes. Ils étaient encore rendez-vous de jaloux de mon rendement scolaire. J'ai baissé mes performances scolaires. Toi-même, tu as baissé. J'ai baissé. Je me suis retrouvé à 12 et 13 de moins. Et non, au troisième trimestre, c'est là alors ils ont préparé le vrai coup pour moi. J'ai bien compris. Ça, c'est toujours une seule année que tout ça se passe. Oui, une seule année. J'ai bien fait ma composition, tout. Maintenant, on nous a demandé de rentrer Rentrez, oui. Après le troisième semestre, rentrez chez vous. Vous revenez seulement chercher. Vous sortez de l'internat. Oui, sortez. Vous revenez seulement chercher le bulletin. Je suis parti. Et quand je suis arrivé à Yaoundé, mon oncle, il n'avait pas le temps de ces choses-là. Il a dit, si c'est que tu as accepté la vocation, c'est bien. Si tu n'as pas accepté, c'est toujours bien. Descends à Douala. Donc, ton ça passe, il te dit comme ça que tu passes. Passe. Je suis descendu. En ce moment, maman n'était plus avec le pasteur Mbomson. Voilà. Donc, chaque descente, la femme change. Chaque descente, elle change. J'étais avec un pasteur, j'ai oublié. C'était un pasteur congolais. Wonderful. Voilà, c'est là où exactement elle est à la Sion. À Sion. Oui. Sion, c'est qui? C'est qui? Sidani. Comment, frère? Sidani. C'est le nom de l'église ou c'est le nom de personne? Son nom. Wonderful. Quoi, frère? Sidani. C'est un pasteur. Sidani. Donc, Sion, c'est ce pasteur Sidani. Ok. Elle a aussi, et pendant ce temps, pendant que j'étais à l'internat, elle avait abrité chez elle, hébergé chez elle, toujours un pasteur congolais. Il s'appelait Popo Justin. Par la suite, il était devenu fou. Là-bas, chez nous, oui. Voilà, il lui avait donné la maison et tout, Elle l'avait mis à l'aise. On ne sait pas. C'est quelqu'un aussi qui avait fait les pratiques avant pour être footballeur. Il avait raté. Il allait, allait faire la théologie. Oui, la théologie. Il est devenu pasteur. Quand il est venu au Cameroun maintenant pour parler de l'évangile avec cette passée-là. Et c'est chez nous-là que ça a commencé. Il ne sait pas ce qu'il a fait. La folie a déclenché chez nous. Il est devenu fou. Sa femme aussi. Après, ils sont morts. Son fils a été rapatrié au Congo. Bien aimé, nous parlons de la réalité spirituelle satanique dans l'église cette fois-ci. Voilà. J'avais laissé. Non, ce jour-là, j'étais rentré quand j'étais rentré de l'internat. Non, j'avais laissé mes affaires là-bas, ma cantine. Puisque tu devais rentrer, prendre le bleu. Oui, j'avais mis ça pour le dernier jour que je devais prendre toutes mes affaires. On m'avait amené chez un autre pasteur. Il a aussi prié comme il pouvait prier. Il a prié à son niveau. Ce jour, maintenant, le jour de la remise des bulletins, je me lève 4 heures. Je prends le bus pour aller à Yaoundé. Oui. J'arrive à Yaoundé, je prends le bus pour Obala. Je suis arrivé que tout le monde avait déjà pris le bulletin, sauf moi. Donc l'heure qu'on m'avait donnée avait été faussée. Était faussée. Donc c'est-à-dire que si c'est le 6 qu'on t'a demandé de venir, le 5, on donne d'abord le bulletin à tout le monde. Tout le monde. On fait que tu arrives d'abord le 6. Je suis arrivé le 6, l'endroit était. Et déjà quand j'arrive à ça, maintenant que je prends la moto pour entrer dans Colme Banga, je dis, j'arrive au collège bulletin, il me dit, mais. Tu peux faire quoi là-bas encore? C'est comment? C'est déjà. On a déjà remis, tu es en retard. Il dit, donne-moi, laisse-moi. La Colme, je te demande. Il m'a laissé. Il roule. Au moins 2 heures de route, je vous dis. On roule, on arrive au collège. Le collège est vraiment sec et désert. Il n'y a personne. Vraiment sinistre. Alors je trouve des gens qui sont en train de. Ils disaient qu'ils défrichaient parce que je voyais vraiment parce qu'ils étaient en train de défricher. Ils avaient les machettes à la main bien limées. Ils disaient qu'ils défrichaient. Il lui dit, c'est comment on a remis les bulletins? Il dit, non, on n'a pas encore remis. Mais on remet les bulletins parce qu'au troisième semestre, j'avais relevé le niveau. Comme ils savaient qu'ils partaient, j'ai relevé le niveau. On a que ceux qui ont boxé très fort là, va dans le bureau du directeur, c'est là-bas que ça se passe. Et le directeur, c'est Abbé là. C'est l'Abbé en que c'est lui-même qui remet officiellement leurs résultats. C'est dans son bureau. Vous qui êtes fort là, allez prendre votre résultat chez. Chez c'est là où j'ai commencé à dire que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Ma tête a commencé à chauffer, qu'il veut faire comment. Et voilà qui marche comme une petite hirondelle dans tout l'internat. Écoutez encore ici parce qu'il y a encore des choses ici. Je guette. Tout est calme. Je guette, tout est calme. Je ne vois pas le type là. Et son bureau est ouvert. Je suppose qu'il est là-dedans. Je m'en vais encore, je guette par la fenêtre. Je vois toujours le bureau. Je vois tous les bulletins n'y étaient plus, sauf le mien. J'ai vu bien mon bulletin avec mon tableau donné, bien posé là. Mais il n'était au pas fond là. De moi, je ne le voyais pas. Je ne savais qu'il n'était pas loin. Tu savais qu'il était dans les parages. Je savais qu'il était dans les parages. Donc il fallait que je prenne et je fuis vite. Maintenant, je guette aux envoyés après les motos qui traversent parce que là-bas, les motos ne viennent que sur comment. Je vais faire comment. Et il faut courir au moins comme ça de 4 km. 4 km au moins. Je tape les pieds. Un faux courage, je me prends. Je ne sais pas d'où le courage. Un faux courage, je me prends. Tu prends ton bulletin, tu fais en l'air. Prends ton bulletin, tu fuis. En fait, c'est ça que ça m'a dit. Prends ton bulletin, tu fuis. J'entre, je prends mon bulletin avec le tableau d'honneur. En sortant du bureau, je vois maintenant les deux défricheurs. Qui avaient les machettes. Avaient les machettes. Donc, façon que les gars couraient vers moi avec les machettes. Tu as compris qu'ici, là, c'est en mission. Ils ne m'ont pas demandé, ils n'ont pas posé les questions. Tu n'as pas posé les questions. Je n'ai pas posé les questions. Tu as seulement dégagé. La seule option qui me restait à faire, c'était fuir. Moi aussi, je me mets là. Tu as couru avec ton bulletin. Et j'avais déjà fait, ma cantine. J'avais été sorti d'internat. J'ai fait, moi, on m'a laissé entrer. J'ai fait mes affaires, j'ai sorti, j'ai mis dehors. Au cas où, dès qu'il prend le bulletin, je viens sur la route des bras. Donc tu avais mis la cantine dehors, il te restait le bulletin. Le bulletin. Mais voilà qui prend le bulletin, je suis, les gars sont dehors. Ils étaient deux. Je cours. Dès que je prends un virage, je guette 4. Non, 8, 3. Mm-hmm. Je continue, je tourne, je vois 4. Tu dis rien. En pleine journée. Pleine journée. Mm-hmm. Pleine journée là-bas. Mm-hmm. Puisque même dans cette zone, on fait même des sacrifices humains en plein jour. Mm-hmm. Je ne peux pas voir. Mm-hmm. Les gars sont derrière moi. Maintenant, il faut porter la cantine. Et la cantine, elle est métallique, elle pèse. Fallait choisir entre la cantine, mm-hmm. le bulletin à aller 3 dos. Mm-hmm. J'ai encore bien serré mon bulletin dans mon cou. Mais je voulais ma cantine. Mm-hmm. Dès que je les ai distancés, j'ai tiré la cantine et senti le poids. À l'instant que je sens le poids, il y a une moto qui sort. De nulle part. De nulle part. Tu as dit que directement ça, mm-hmm. il dit 1000 francs. Il dit porte. Mm-hmm. Il a porté, il a mis. Je monte sur la moto. Mm-hmm. Ça ne s'est pas arrêté là. Il a roulé. Pendant qu'il roule, je tourne la tête, je vois la moto derrière nous. Ah. Avec la même allure. Avec la même allure. Il roulait. Et les motos des gars étaient plus neuves que la nôtre. Donc les gars allaient vraiment vite. Le gars qui nous poursuivait était sur la moto, me fait comprendre que, à la Lucie, mm-hmm. si on nous arrête, nous deux, mm-hmm. ça ne va pas donner. Mm-hmm. Donc, bétail. Tu entres au champ. Tu descends, tu prends comme tu peux prendre. Mm-hmm. Le gars a garé. Tu entres au champ. Je suis entré au champ. Ce qui fait que non, le temps que tu garais, ils n'ont pas vu que tu étais descendu. Je suis descendu. Mm-hmm. J'ai porté, je suis entré dans les profondeurs de la brousse de sang, ne sachant même pas où je partais encore. Mm-hmm. Et mon cœur me disait seulement pas devant, je prends, je cours. Avec ma cantine à l'épaule, mm-hmm. mon bulletin à main, je courais. Mm-hmm. Je courais. Le gars continué, tu les as semés. Je les ai semés. Je suis entré dans les champs. Ils ont continué à poursuivre le gars mm-hmm. et l'ont arrêté. Ils ont arrêté le gars qui m'avait aidé. Ils l'ont découpé. Et quand il est découpé, j'étais dans les champs, je voyais. Mm-hmm. Ils l'ont découpé bien, balancé sur son corps là-bas. Ces personnes, on va sortir de sa maison, on va chercher, on va le voir, on va lancer un avis de recherche, on n'a plus jamais le voir. On a pris sa moto, on a poussé. Moi, je suis alors entré dans les profondeurs de la brousse avec ma cantine et mon bulletin. Maintenant, je suis arrivé devant un fleuve, il fallait traverser le fleuve. Parce que je savais qu'en traversant le fleuve, il y avait une colline, tu montais la colline, tu trouvais le goudron. Mm-hmm. Il fallait traverser le fleuve. Et vu mon expérience, mm-hmm. on n'entrait pas dans l'eau n'importe comment. Mm-hmm. Je ne sais pas comment ils ont fait pour savoir, mais ils étaient à mes trousses. Ils étaient juste derrière moi. Mm-hmm. Alors j'ouvre la cantine, je mets mon bulletin dedans, je ferme. Mm-hmm. Parce que le carnet était gâté, il fallait seulement tourner, enlève, tourner, remets, je remets. Mm-hmm. Je prends la cantine, je balance dans l'eau. Un cœur me dit, vas-y, saute. Je saute dans l'eau, je nage, je tire la cantine. Les gars arrivent, hein? Mm-hmm. Ils se moquent de moi. Mm-hmm. Ils arrivent, ils se moquent de moi. Ils t'observent. Ils m'ont dit, ils m'attendent au bord, ils tapent le pied comme ça. Comme pour du nage là, mm-hmm. nous on va, tu vas seulement. À ma grande surprise, je nage, je me lève la tête, je n'ai pas fait un centimètre, je n'ai pas avancé un centimètre. Donc tu es pas tenté de nager. Je nage, je sais que je nage parce que je suis bon à la nage. Mm-hmm. Je lève la tête, je n'ai pas avancé d'un seul centimètre. J'ai dit dans 5 centimètres, dans cheveu. Donc pourtant tu crois que tu as là trop couru, ça, voilà. Que les fleuves, ou c'est marqué fleuve, c'est qui là, ne peut pas te. Après j'ai l'impression que c'est la cantine qui me ralentissait. Mm-hmm. Alors, j'ai eu une formation qui me permettait de nager avec des poids lourds. Mm-hmm. J'ai retroussé ça sur mon dos. Mm-hmm. J'ai fait la nage poisson dans, mm-hmm. donc, en souterrain, mm-hmm. avec la charge sur le dos. Mm-hmm. Je sors, je n'ai pas fait un centimètre. Je suis sur place. Les gars sont embossés. Les gars sont là. Ils t'attendent. Ils tapent la machette comme ça. Mm-hmm. Ils étaient au niveau de 5, ils n'étaient plus 6. Mm-hmm. Ils étaient 5. Mm-hmm. Donc, ils bougeaient la matière, c'est que fini. Et tous étaient en noir. Tous étaient en noir. Avec les chanchos, tous étaient en noir. Et ça, c'est en pleine journée. En pleine journée. Tous étaient en noir. J'ai encore baissé la tête dans l'eau, là. Je ne sais plus quelle est la prière que j'ai faite, mais j'ai fait une prière. Mm-hmm. Je ne sais plus, j'ai seulement dit, Seigneur, un truc comme ça. Mm-hmm. J'ai nagé, je me suis retrouvé de l'autre bord de la rive. C'est là où ils ont vu, ils sont eux-mêmes tombés dans l'eau maintenant. Mais le gars a peine de s'échapper. Ils sont tombés dans l'eau. Là maintenant, je porte ma cantine. Je monte la colline. Tout le monde qui me voyait, on me voyait. On croyait peut-être qu'il était militaire. Mm-hmm. Et quand on regardait ma tenue, mm-hmm. j'avais une chemise, un pantalon et un père. Mm-hmm. Mais ça, c'est quelle qualité de militaire. Mm-hmm. Hein? J'étais seulement là. Dès que je suis arrivé au goudron, j'étais. Le premier cas qui est venu devant moi, je n'ai pas voulu savoir où il va. Où tu pars. J'ai frappé la cantine au milieu du bouton, je me suis placé. Mm-hmm. Il a fait crap, il a garé. Il n'a même pas. Dès qu'il a ouvert, je suis entré. Mm-hmm. Il n'a même pas parlé, il m'a dit Yaoundé, on part. Donc Yaoundé, on part. Mm-hmm. Dès qu'il met le pied sur le champion, j'arrive à Yaoundé. Même arrivé chez Tchatat, arrivé chez le colonel, m'a dépassé. Mm-hmm. Mon but, c'était la Douala. Mm-hmm. La touche, et d'abord quand je suis arrivé, je n'ai pas payé le type là. Il a voulu donner, il a dit que non. Il a dit ton argent, pars où tu pars. Que t'as pas, la fin de compte, tu as tout ce tu pars où tu pars. Je suis alors entré dans les toilettes publiques de la poste centrale de Yaoundé. J'ai pressé les habits là-bas, attendre quelques instants, ça a séché. Ainsi que les billets d'argent qui étaient sur moi. Alors je suis allé à la centrale, j'ai payé mon ticket. Je suis arrivé à Douala à 23h. À l'époque, à la douche, on agressait franchement. On agressait franchement. Je suis arrivé à ma cantine, mon bulletin à l'intérieur. Je n'avais plus de 5 francs sur moi. Tout mon argent était fini. Je n'avais plus un seul iota sur moi. Alors je me place, je dis, mais je vais faire comment? Si je me mets à marcher, je n'ai plus les... Franchement, sur moi, je n'avais plus de force. Il y a un taxi qui vient là. Nous, à l'époque, quand on partait en boîte de nuit, on avait une technique, on n'avait pas l'argent pour payer. On disait au taxi plein. Dès qu'il dit plein. Par exemple, si je dis que je sors à l'école publique de Daido, dès qu'il arrive à coiffe là, parce qu'on a, on était tellement plein qu'on ouvrait la, la malaria, dès qu'il arrive au niveau de coiffe là, on saute, on a fui. Donc son agent là, nous on ne payait pas ça. Il dit que c'est ici là que je veux mes problèmes avec ma cantine là. S'il fait la fausse, c'est seulement le boxer là-bas. Donc je le boxe, je prends ma cantine, je pars. Alors, je stoppe le taxi, il était seul dans 23h, j'ai pris un taxi, il avait une casquette. Je n'ai pas vu son visage. Je suis entré. J'ai donné ma destination. En route, on a trouvé des clients, on n'a pas porté les clients. Les clients ne l'ont pas intéressé, n'a pas cherché à savoir. Il a roulé jusqu'à ma destination finale. Dès qu'il m'a déposé ma destination finale, je suis sorti du taxi. J'ai enlevé ma cantine et déposé. J'ai fait mine. Je fais comme si je voulais donner les pièces là. Parce que je devais faire comme ça en tirant ma valise derrière. J'entre dans un couloir là. Quand je devais partir, je devais ressortir. Alors. Quand j'ai envoyé dans la main pour faire cela, il a démarré la voiture, il est parti. Seul. Seul. Il ne m'a rien demandé. Dès que j'ai sorti la main, en voulant envoyer la main, il est parti. Il ne m'a rien demandé. J'ai alors porté ma valise et je suis arrivé. Et là, ça ne te pose pas de problème, tu ne poses pas de questions. Il dit que c'est ma chance. Il dit que c'est ma chance. Alors, je suis arrivé à la maison. Déposé, j'ai sorti le bulletin. J'ai dit que je ne l'ai pas pris à l'internat là. Ma mère m'a dit que monte. Tu descends. Tu descends. C'est là-bas que tu vas partir. Tu lui as dit qu'elle descend, elle monte. Toi-même, tu ne vas pas. Pas. On va seulement se gâter ici. Alors, la dernière personne a tranché l'affaire, c'était le colonel Chotap. On l'a appelé. Étonnamment, je ne sais pas ce qu'il a pris. Il a dit à ma mère que si tu ne veux pas partir, laisse-le. Alors que c'était lui qui a dit que c'était ta vocation. Que c'est ma vocation. Si tu ne veux pas partir, laisse-le. Et amène-le-moi à Yaoundé pour que je veux qu'il soit toujours près des catholiques. Il m'a juste remonté à Yaoundé avant que je sois allé au lycée Leclerc. Non, je suis d'abord allé à Vogt. C'est alors là-bas. Toujours les collègues catholiques. C'est alors là-bas. En fait, tout le scénario qui s'est passé en Colombie Banga. Là-bas, était grave. Était grave. Avec surtout, on appelle les homosexuels. Parce que, voilà un autre épisode du collège Bully. Le groupe des anciens, j'avais déjà eu à les apercevoir dans leur pratique dans la forêt. J'avais déjà eu à l'apercevoir dans leur pratique. Entre eux. Ils se font ça dans la forêt. Ils se sont allés se faire ça dans la forêt sous la supervision de l'abbé et des prêtres. Donc les prêtres sont là pendant qu'ils sont en train de faire. Ils étaient en train de faire. Quel est l'intérêt de qu'ils fassent là? Ils sont en train de communier avec des esprits et en même temps de les appeler. C'était sur la directive des prêtres et des. Et de l'abbé. Et je profite aussi pour interpeller les dix pasteurs, en fait. Quand je parle dix pasteurs, je parle surtout ceux de cette assemblée-ci. Les frères, quand vous voulez prêcher, soyez sûrs que c'est l'esprit qui atteste ça en vous. Soyez vraiment convaincus. Parce que si vous, c'est la chair qui vous amène. Et si vous vous retrouvez à quelqu'un comme j'étais avant, ne vous dérangez pas. Que vous soyez dans la grâce, il vous frappe. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Je dis qu'il vous frappe. Donc, quand vous vous placez ici pour parler de la parole, soyez sûr que vous maîtrisez ce que vous dites. Parce que si un tout petit endroit, il y a une ambiguïté, une petite erreur, et que l'esprit ne vous a pas en vous, que n'est pas avec vous, ayez même tous les passages à réciter, je vous assure, en l'instant, il vous frappe. Je vous ai dit cela la dernière fois, qu'on est très, très, très nombreux. Et entre nous, c'est la guerre. Et cette nouvelle légion, c'est les plus petits, en fait. Donc, si à cet âge-là, j'étais petit, sachez que maintenant, c'est les plus petits. Donc c'est les gens de 8 ans, 9 ans. Qui sont les plus redoutables. Qui sont les plus redoutables. Alors, ces gens, la nuit, peuvent sortir, se métamorphoser en grandes personnes. Comme le frère Achille encore demandait, il ne comprenait pas les principes du dédoublement. L'enfant peut être à la chambre en train de dormir. Il fait son double toqué à ta porte. L'enfant peut être en train de dormir, tu fais, il appelle, il se clone et il se multiplie, t'agresse. Mais c'est toujours lui. Il dit l'enfant. Donc avant d'ouvrir la bouche et tirer ou déclarer, soyez sûr que l'esprit vous attaque. Parce que s'il y a frappe, l'esprit va répliquer. Parce que plusieurs fois, j'ai vu des vrais gens, des vrais serviteurs qui étaient dans une mauvaise position, mais qui a été frappé, l'esprit a répliqué. Sans que les personnes même en question ne le sachent. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Il dit bien, ne le sachent. Ils sont assis là. L'autre, c'était à Central Voyage. Quand j'étais encore comme ça, j'étais allé une fois à Central Voyage. Je voulais voyager. Les tickets étaient finis. C'était Prestige VIP. Mm-hmm. Il y avait un monsieur, c'était un pasteur. Mm-hmm. Il avait acheté le dernier ticket. Il était assis là. Et moi, j'avais une réunion là-bas. Je ne pouvais pas utiliser un voyage astral parce que je ne voulais pas gaspiller l'énergie. Parce que où je partais là-bas, ça allait être chaud. Mm-hmm. Je voulais conserver toute ma force pour moi. Alors, je suis arrivé, j'ai trouvé le monsieur. Tu ne savais pas que c'était pasteur. Je ne savais pas que c'était pasteur. D'abord, regardant comme ça, je l'ai vu mm-hmm. débrailler là. Il était là. Il buvait lui son jus. Il attendait le bus. Mm-hmm. J'ai dit à monsieur que, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me vendre votre ticket? Parce que j'ai une réunion très importante sur Yomé. Il me dit que, quelle que soit la réunion que tu as, ma mission est plus importante que ta réunion. Donc va prendre l'autre, tu attends. Alors, cette phrase m'a irrité. Il dit, mais celui-ci, c'est qui? Je me suis reculé, je me suis assis. Comme tu as dit tout à l'heure, que quand tu atteins un certain grade, tu commandes aux démons. Et j'ai commandé. J'ai envoyé les gens sur lui. En l'instant, il était question quoi? De frapper, de prendre le ticket. De le changer en fait. Et en cette moment, quand on te frappe, comme c'est quelqu'un, je ne veux pas que ce soit trop scandaleux. Mm-hmm. Il reste d'abord comme ça. C'est quand il va arriver à la maison qu'il aura un infarctus. Mais à l'instant là, quand on finit, il est déjà mort. Mm-hmm. Alors j'ai commandé, les gars sont partis. C'est parce que vous ne pouviez pas voir ce qui s'est passé à Santo Voile ce jour. Les gars sont partis pour vouloir frapper l'homme de Dieu. L'homme de Dieu buvait lui son jus, il mangeait ses beignets. La réplique qu'il y a eu. Elle a giflé les démons lorsque vous êtes confinés. Je les ai envoyés. La réplique n'a pas fait que les toucher. C'est venu me toucher. La réunion, sauf pourquoi je me déplaçais, j'ai annulé. J'ai envoyé l'excuse, c'était faute de problème de santé. Je ne pouvais pas dire que c'était quelqu'un comme celui-là qui m'avait. Un farfelu comme ça. Qui m'avait fauché. Mmh. Donc je dis, la réplique qu'il y a eu, ça a frappé les gars que j'ai envoyés. Ça a frappé, ils ont disparu. On appelle ça des échos, c'était comme des échos, ça les a frappés, ça se propageait. Mm-hmm. Donc c'est venu me trouver, et je ne pouvais plus bouger, ça m'a aussi, ça m'a touché. J'ai voulu fuir, j'ai décalé, j'ai laissé mon double là. Mm-hmm. Ça m'a ramené, ça a frappé. En physique, on appelle ça les ondes évanescentes. Quand tu as les sinusoïdes, ça va, ça commence avec des fréquences hautes, ça descend jusqu'à là. C'est ce qu'on fait en physique, c'est de cette façon là qu'on transmet cela. Donc j'ai voulu fuir, ça m'a ramené, je viens, c'est resté là, ça a frappé. Mais ça n'était pas, c'était un peu comme une sorte d'avertissement. J'ai commencé à dire que parmi des faux, il y a des vrais. Mm-hmm. Et c'est là où maintenant, quand quelqu'un se mettait pour prêcher l'évangile, je me mettais un pas en arrière. Je le regarde bien. Mm-hmm. Je regarde, je vois, il est vide. Mais il est là, il me parle de la parole, il me parle de la parole. Il suffit juste que je dépose la main sur l'épaule. Le deuil commence dans sa maison avant de venir sur lui. Donc, les autres, mes frères, nous sommes. Ils étaient comme ça dehors et ils le sont encore pleins. Vous n'avez pas idée à quel point. Le frère dit que peut-être vous prenez le tarsier avec. Mais vous dites que peut-être même c'est votre meilleur ami au quartier. Peut-être même vous travaillez avec lui, c'est lui. Il est votre chef. Il est votre chef ou bien vous êtes son chef. Mm-hmm. Mais il vous regarde seulement. Donc, avant d'ouvrir la bouche pour parler de la parole. Vivez la parole. Vivons la parole et connaissons, ils sont attestés par l'esprit. Puis après, encore, si ce sont des jeunes filles, elles sont brunes. Elles sont belles. Et que vous voyez, mamie, je vais la convertir, je vais la marier. Qu'est-ce que vous en dites? Elles sont comme ça, dehors, nombreuses. Alors, en ce qui concerne les catholiques, ce qui se fait dans les chapelles, de gauche et droite, vous ne pouvez pas seulement voir. Mais si on ouvrait vos yeux, que vous regardez ce qui, en fait, ceux qui sont, les vraies personnes qui sont en train de faire le culte. Parce que le prêtre, il est là, il fait son culte. Croyez-moi, il est assisté. Et ce n'est pas les servants des messes qui montent et qui descendent avec le blanc. Il a les gens vraiment qui l'assistent, mais vous ne pouvez pas les voir. Le culte que vous êtes en train de donner, c'est un culte à tout, sauf à Dieu. Et encore pire, le pain qui casse pour vous donner. Si vous dites d'où ça vient, vous serez scandalisé là maintenant. N'en parlons pas. D'accord? Si vous dites le pain là vient, vous serez scandalisé là maintenant. Il y a beaucoup de choses encore à développer. Oh. Donc, au fur et à mesure, lorsqu'on va entrer dans l'enseignement, et un de ces jours qu'on va toucher l'église catholique, l'église catholique, c'est ça qui dit que l'église catholique va mettre hors. Parce que si on touche, il touche l'église catholique dans cet enseignement-ci, l'année va finir, on n'en finira pas avec eux. Parce que c'est très grave. Mais ce qui m'intéresse, c'est nos pasteurs, ceux qui disent qu'ils sont pas la vérité, qui disent qu'ils ne sont pas avec le catholique. Nous ne sommes pas avec le catholique. Les catholiques sont ces gens-ci qui prêchent et ils sont avec eux. C'est d'eux dont nous allons parler. D'accord? Merci, frère. Alors, qu'est-ce que tu donnes à l'issue de ces deuxièmes témoignages? Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à ceux qui vont t'écouter dans le monde entier et à ceux même qui pourront écouter, se reconnaître étant dans ces internats et les parents qui envoient les enfants en internat? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, je vais dire premièrement aux parents que même si l'enfant, aussi rebelle soit-il, la solution, ce n'est pas l'éloignement, c'est le dialogue. Si le dialogue ne passe pas, laissez Dieu faire son temps. Ne faites pas de vous-même, car en faisant de vous-même, vous ne ferez qu'empirer. Envoyer un enfant dans une institution religieuse, c'est directement consacrer l'enfant, sans toutefois le savoir. C'est consacrer l'enfant sans toutefois le savoir. Alors, à ceux encore qui s'y retrouvent là-bas, ce n'est pas l'Église qui sauve, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas si les catholiques lisent bien que dans la Bible est écrit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. On n'a pas dit nul ne peut aller au Père sans passer par Marie. Alors, tous ceux qui se retrouvent là-bas, déjà, premièrement, sont damnés. Ils sont dans une phase de damnation parce que la grande Babylone est damnée. Le fait qu'ils soient dedans, ils ne peuvent suivre que sur la route de la damnation. Alors, je les exhorte à sortir de là. Car s'ils croient qu'ils sont en train de faire un culte à Dieu, ils sont en train de faire le culte plutôt à Bafou. Et tous ceux qui se retrouvent encore à faire des pratiques, montez, vous descendez, et à un moment où, Dieu vous mettra dos au mur. Et ne nous laissera pas le choix que de le suivre, que de le servir. C'est ce que je peux dire pour les frères et sœurs. Que le Seigneur te bénisse, mon cher. Merci. Mais tu n'as pas dit à qui? Parce qu'on peut dire consacrer l'enfant à Dieu. Donc tu parles de ceux qui ont envoyé l'enfant à l'internat. Quand tu envoies déjà un enfant dans une institution religieuse, c'est déjà consacrer l'enfant à Satan. À Satan. Ok, donc parce que tu as dit que tu as dit consacrer, tu n'as pas dit consacrer à Satan. Consacrer à Satan. À Baphomet, c'est clair. C'est clair. Va t'asseoir, frère. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir patienté jusqu'à ce moment, c'est pour écouter. Que Dieu vous bénisse. Les réalités du monde spirituel de Satan. Cinquième partie, c'est la deuxième partie de son témoignage. Je vous avais dit qu'il y avait deux témoignages principaux. Donc, deux témoignages principaux dans cet enseignement-ci. Le but de ce témoignage, c'est pour dénoncer des choses qui se cachent dans les ténèbres. La Bible déclare que car il est honteux de... En secret, les choses que les gens font en secret. Au fur et à mesure, vous voyez les choses, les vérités bibliques, les choses que la Bible a écrites, viennent. Quand vous entendez, la Bible parle dans le livre des Proverbes que les paroles de la bouche, la langue de la prostituée est une eau profonde. En réalité, au sens, quand on prêche là, on nous utilise ça au sens primaire de la prostituée. On parle de Satan là-bas. C'est voie de tromperie. C'est ça dont on parle de Proverbes, en réalité. Donc dans la pensée du Seigneur, les procédures dont on parle dans le Proverbe, il s'agit de Satan. D'accord, mes chers? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ce soir par rapport à ce deuxième témoignage? C'est que, un, ce que nous avons toujours dit, les parents doivent savoir où on amène son enfant. Et même, vous montez, vous descendez avec ce qui nous entoure. Vous n'avez pas la capacité d'essayer de les discerner. Vous ne pouvez pas les discerner partout. Vous venez acheter la tomate au marché, on ne sait pas qui est devant vous. Vous quittez, vous allez à la poissonnerie, vous ne savez pas qui est là devant. Vous allez prendre un bain siquineur. Vous imaginez que vous prenez quelqu'un qui conduit la moto, vous roulez un taille disparu sur la moto commence à aller seul. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous marchez la nuit, vous ne savez pas qui est là. Mais souvent, vous sentez des présences. Vous allez dans les chambres d'hôtel, vous ne savez pas qui a conçu l'hôtel, ni qui a dormi sur le lit là, ni ce qu'on a fait avec les draps. La mort de ton père. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ce soir à l'issue là? Vous savez, il y a des gens qui aiment dans les histoires. Ils disent que le film, c'est pas fini comme ça sans qu'on ne raconte. Tu as dit dès le départ que tu vas raconter l'histoire de la mort de son père. Mais jusque-là, je vais seulement interpeller que nous comprenions que il faut qu'on comprenne qu'en tant que chrétiens, nous sommes en bataille. Et si nous comprenons que nous sommes en bataille, nous ne pouvons pas aller combattre l'ennemi avec ses propres armes. Quand il dit avec ses propres armes, nous ne pourrons pas aller vers combattre Satan avec l'impurité, avec les impudicités, avec ces dérèglements sexuels. Souvenez-vous, les portes sexuelles font entrer les démons plus que toute autre chose. Les portes sexuelles. Parce que c'est le premier péché, justement. Même si ça choque, ça choque. C'est le premier, c'est pour cela. Ça veut dire quoi? Comme il a dit, pour que je m'avance à parler même de l'évangile à quelqu'un. Souvenez-vous, il faut que vous soyez en règle avec cet évangile. Souvenez-vous du cas du frère Jacob. Où rencontrer cet homme musulman, imam là en route? Il dit que viens me parler de ces saisies là. Tu viens t'asseoir avec lui. Il te fait, tu commences à prendre ta Bible, tu dis que Allah est Dieu et Mohamed son messager. Pourtant, tu es allé prêcher l'évangile. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Si la chose était humaine, il pouvait leur dire apprenez ça humainement. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit pour les faire témoigner. Parce qu'on témoigne de la résurrection. Fais-moi le dégager de ces dégages. Il faut témoigner de la résurrection de Jésus-Christ dans la puissance. Parce que la raison de Jésus-Christ, c'est la puissance. Vous savez, ses frères. Donc, ne nous amusons pas. Quand on dit aux gens que non, ne sortez pas, ne courez. Et les pasteurs font cela. Quand ils veulent qu'on vous apporte les gens pour apporter de l'argent, ils disent, depuis que vous êtes à l'église, vous avez amené combien de personnes? Allez dehors prêcher. Sortez, tu es le chef d'équipe des jeunes. Tu es le chef d'équipe des jeunes. Divisez-vous, allez dans le quartier. Tu pars, coq, chez le marabout, tu entres. Coq, chez le résurrection, tu entres. Coq, chez le. C'est quelqu'un qui en a fait le voyage, tu entres. Vous ne savez pas d'où vous en êtes entré. Et vous allez comme ça, vous êtes initié. Un de ces jours, vous ne parvenez même plus vous-même à croire à la Bible. Première chose, quand quelqu'un dit qu'il a cru, restez à votre position jusqu'à ce que vous soyez revêtu de la puissance là-haut. C'est l'ordre biblique. Même si quelqu'un vous dit que les gens périssent, vous dites que si périssent, ce n'est pas toi qui les a créés. La personne qui va les a créés, s'il veut les sauver, il va les sauver. Que toi-même tu es sûr d'abord que tu sois dans le bateau. C'est n'est-ce pas, frère? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on va continuer la suite de cette partie, Dieu voulant, la semaine prochaine. On va entrer encore davantage dans les profondeurs. Et là, on va toucher maintenant les manigances maintenant dans le milieu pentecôtiste. Dans le milieu pentecôtiste, on va toucher les manigances. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça sort comme ça. On va aller dans la Bible, dire ce que la Bible dit qu'il devait faire. Et on va voir maintenant si sur le paysage spirituel, maintenant, on voit cela. Et vous allez voir que partout, ou sinon la grammaire, vous êtes passé avec les satanistes, on vous a rendu compte. Et ils sont là au milieu de nous. D'accord? Voilà. Maintenant, j'ai dit ici à l'entrée que son père est mort. Il ne sait même pas de quoi il est question par rapport à la mort de son père, ni même sa mère qui est sa femme. Maintenant, vous me permettez de poser une question encore maintenant pour savoir s'il est au courant de ceci. Si ça peut le choquer, ça le choque pour la guérison. Mais nous sommes dans le processus de la vérité, on ne peut plus faire autrement. Est-ce que tu savais qu'en dehors de vous comme enfant, ton père a des enfants encore? Ok, maintenant ça va me faciliter la tâche. Ça veut dire qu'en dehors de sa mère, vous savez, sa mère est rusée, c'est pour ça qu'il y a des choses, des papiers qu'elle a changé. Peut-être, même ça, peut-être il n'est pas au courant. Tu es au courant aussi de ça? Des papiers qu'il a changé seulement pour se protéger par rapport à l'autre là. C'est pour cela que sa mère est allée flirter avec les avocats pour savoir comment c'est passé, comment ça se passe au cas où des héritages vont se passer. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Et si quelqu'un vient vers moi, il le balance mal la vérité. C'est pour ça qu'il va fuir. Je vous dis qu'à l'issue, il vous dit pourquoi sa mère m'a fui. C'est à cause de ces choses-là. Parce que moi, on ne peut pas me manipuler avec de l'argent. On ne peut pas me manipuler avec de l'argent. On ne peut pas. Parce que je sais qui je sais et je ne peux pas admettre que ça se passe ainsi. Et maintenant, j'ai assez de crainte devant Dieu pour ne pas, malgré que tu sois dans le four. Pour ne pas venir devant quelqu'un qui me dépasse en âge pour lui dire, tu es dans le fond. J'ai mes façons à moi de te faire quitter. J'ai mes façons à moi de te faire quitter. Sans te dire que, c'est encore normal. C'est détendu que demain, si on se voit, tu vas voir que c'est toi qui es avec toi et c'est toi qui es quitté. Pas moi. Mais pourtant, j'étais chassé dans la prière. Mais pourtant, j'étais chassé dans la prière. C'est comme ça. Donc, je t'en ai dit ceci. Il était question qu'à un moment donné, pour que son père meure, parce qu'il a commencé d'aller. Donc, mercredi prochain, samedi prochain, je vais parler de cela, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Donc, les enfants ont décrété la fin de cela. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ne bougez pas de là où je vais, parce qu'on va prier. Ne bougez pas. Que le Seigneur vous bénisse.